dans la vie. Croisière d'assemblage requis. Ça a bien l'air que ça se fait retirer les élections, alors on en parle avec Simon Fitzbé, et je l'ai entendu dire que ça ravage en Italie, David Perron fait le point. La vie de croisière d'assemblage requis, tout de suite. Bonjour et bienvenue à la vie de croisière d'assemblage requis pour la semaine du 9 juillet 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Alexandra Carignan. Chaque semaine, le calcul mental est de plus en plus difficile. C'est difficile, hein? C'est ça. On est en direct le jeudi 12, donc juillet 2012. Et puis, c'est ça. Alexandra Carignan, salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Passez une belle semaine? Ben oui. Ouais, super, ça. Aujourd'hui, à l'émission, on va avoir un invité spécial. En fait, elle est de retour dans l'équipage. Jasmine Raymond-Drainville, bonjour. Salut! Ça va, toi aussi? Ben oui. Content de te retrouver. Ah ben oui, maison. Ça fait longtemps? Ben oui. Ben oui. Aujourd'hui, tu vas nous présenter une chronique sur tes produits ménagers maison. Ouais. Ça veut dire quoi, comme, ça? Ben, tu sais, il y a des personnes dans la vie qui font des réactions allergiques à tout, là. C'est comme moi, comme je vous en parlais, il y a à peu près 2 minutes. Puis, là, comme 2-3 semaines, non, la semaine passée, je m'allais dans mes chiffres, c'était l'été. Et la semaine passée, il fallait que je lave mes planchers. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, mais pourquoi qu'on met plein de produits toxiques? Où est-ce qu'on vit tout le temps, ça? Ouais. C'est un peu con. C'est pas bon pour l'environnement non plus. Mais non. Ben, si t'as des animaux, c'est encore pire. Ouais. Moi, j'aime ça souvent à licher. Un petit handicapé, en plus. Ben, licher. Licher, ben, licher les planchers, c'est cool. Non, non, pour ben non, mais oui. C'est vrai. Si t'échappes quelque chose à terre, il va licher. Ton chat, il fait pas ça. Non, mais moi, il lèche tout court, là. Ah, il lèche tout court. Il lèche tout court. Pas besoin de raison. Non, c'est ça. Lèche le plancher. C'est ça. Ils sont tous pareils, les chats. Fait que pour Martin Deschats, j'ai des produits propres. Bon, donc tu vas nous en parler tantôt. Oui. Dans quelques minutes. Aussi, à l'émission d'aujourd'hui, Alexandra Carignan va nous parler d'une héroïne du rock. Tu comprends ce que j'ai fait comme wow, une héroïne? Jeu de mots. Cette semaine, on va parler de Janis Joplin. Elle est morte d'une overdose d'héroïne. Ben ouais. Oui, c'est elle qui fait partie de l'espèce de cercle des 27, là. Oui, ceux qui sont morts à quel âge déjà? 27 ans. Ah, c'est de là que ça vient, ça. Ben oui. Ensuite, en deuxième heure, David Ferron nous clarifiera la situation, hein, parce qu'apparemment que ça ravage en Italie. J'ai aucune idée ce que ça veut dire. Moi non plus. Je suis allé voir, je comprends pas. D'habitude, je vais sur Google News. Oui, t'as des nouvelles comme le Mali. Ouais, pour voir de quoi ça parle. Non, apparemment que c'est pas ça du tout. En troisième heure, Simon Fitzbé a taillé sa haie de cèdre pour mieux entendre à travers les branches. Il va nous renseigner sur les rumeurs d'élections. Hein. En ce moment, là, ça parle du mois de septembre, je pense. 4 septembre, à peu près, oui. Septembre? Le 4. Le 4. Le 4. C'est précis, tout ça. Il y a aussi vos chroniques maison qui seront toutes au rendez-vous. On parle de C'est un fait, sexe, mais ça ne répond là. Et tu manges mon cœur. On va faire tout ça dans l'émission d'aujourd'hui. Magnifique. Voilà. Une belle émission à venir. L'émission sexy, pas bien sur le bord, hein? Quand même. Pas pire. Jasmine est comme avec ses lèvres en feu. c'est ça, tes lèvres, c'est les. Mon contour. Ton contour de bouche. Est-ce qu'il y a un nom pour le contour de bouche? Le contour de bouche. Si vous voulez savoir le nom, c'est une dermatite périorale. Oh, pardon. Oui, c'est ça. Oui, hein, madame est fancy dans ses maladies, là. Non, je vais tout le temps chez le médecin. C'est triste. C'est ouais. Ça. On souhaite un prompt rétablissement, Jasmine. Merci. Cette semaine, on écoute le palmarès francophone. Vous le savez, tous les étés, on bascule d'un côté à l'autre. Et puis là, c'est les palmarès. En fait, c'est des nouveaux palmarès. Je viens de les faire imprimer jusque-là. C'est du papier tout courbé parce que c'était chaud dans l'imprimante, apparemment. Ça sent bon? Ben oui, ça sent l'imprimante. Moi, j'aime ça. Attention, ils vont sortir un parfum à senteur d'imprimante. Ben oui, je sais, mais non, mais le bonheur de sentir des livres neufs, moi... Checker l'historienne qui parle. Checker-la. Et voilà. Donc, c'est les nouveaux palmarès pour les semaines du 29 au 22 juillet 2012. Et comme je disais, on a du francophone à entendre cette semaine. Parmi nos nouvelles entrées de Chinatown, et les Hen Clap. Mais on va débuter en 20e place. Avec les Delaware Truck et la chanson HD. La chanson HD en 20e place. Hey, c'est fun. Hey, c'est la vie de croisière d'assemblage requis. Bonne émission. Bon. Toi aussi. Ben, toi aussi. Bonne émission. Tout le monde. À la maison, les requins. Check les nageoires. Je ne suis pas très beau en HD. Sometimes Numéro 19. Nouvelle entrée. Ce son dans mon oreille me réveille. Un autre groupe l'a fait avant, ce n'était pas pareil. Texte trop complexe me laisse perplexe. C'est vrai, le son suffit, mais hors contexte, le son c'est à l'index. Cette langue dans mon oreille me réveille. Femme l'a fait avant, ce n'était pas pareil. Ces paroles trop complexes m'ont laissé perplexe. Entre deux mots, j'ai dû choisir le moindre, j'ai mis l'autre à l'index. You know, you've heard it all before, but no one does it like we do, so get on the floor. We know, you've heard it all before, but we're gonna play it till you scream for more. I say, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Nothing new to say, whoa, whoa. So I guess I'll dance. Come on and dance. Shut up and dance. Whoa, whoa. Yeah, I'm feeling a fan. Whoa, whoa. Yeah, I'm feeling a fan. Whoa, whoa. Yeah, I'm feeling a fan. Whoa, whoa. Feeling cool and flat. Whoa, whoa. Nothing new to say. Whoa, whoa. Nothing new to play. Whoa, whoa. Nothing new. Whoa, whoa. Feeling cool and new. Numéro 18, nouvelle entrée. Et la vie. qui s'était endormi. Endormi. C'était La vie rêvée avec Chinatown en 18e position. En 18e position? Elles sont bons pareil dès le départ comme ça. En 18e position. J'espère que vous aimez la toune parce que les 18 prochaines tounes, c'est ça. C'est ça. Avant ça, en 19e place, c'était les Hand Claps avec ce son. Sur l'album Cliché, on a encore une fois un groupe qui préfère faire trois quarts de ses paroles en anglais, mais passer dans le quota francophone. C'est une mode c'est en ce mode, moment. C'est la mode. Mais en même temps, eux, ils font ça depuis longtemps. Puis leur nom de groupe, c'est les Hand Claps, donc on s'attend à l'anglophone, mais c'est francophone. C'est tout mêlé, ces affaires-là. Et en 20e position, c'était les Dale Howard Truck avec la chanson HD. Une nouvelle entrée aussi. C'est tout pour les nouvelles entrées cette semaine dans le palmarès franco. On va savoir d'ici la fin de l'émission si le numéro 1 la semaine passée, ou en fait la dernière fois, est encore là. Audionaute avec Métropole. Groupe local. On sait pas. Ce qu'on sait par contre, c'est que Jasmine Raymond Rainville est de retour parmi nous et nous offre une petite chronique. Comment tu veux appeler ça, ta petite chronique? Je vais revenir à la fin, ok? Je vais essayer de trouver quelque chose qui rime. Ok. Ok? Ok, mais pour l'instant, on met quand même ta petite intro, ça va? C'est une surprise, là. Je sais pas c'est quoi. On met ta petite intro de... Ah, de l'habitude? Ah oh, oui, ça? J'ai l'air. Alexandra, tu claques pas des doigts? Je suis pas très bonne. Joue du piano. Ok. T'as commencé à en mieux que je le dise, wow. Donc, Jasmine Raymond Rainville, c'est le running gag de la session passée. Quand embarquer parce qu'il n'y a pas vraiment de place. C'est ça. Donc, tu nous parles de produits ménagers faits maison. Mais oui. Étrange. Ben j'ai toujours... Si Mathieu Roy était là, il pourrait confirmer que j'ai un côté grano santé un peu trop développé, là. Ben, je pense pas qu'on peut trop développer ça, vraiment. Ouais, mais c'est Mathieu qui est comme... J'ai offert du cantaloup l'autre fois, puis il en a pas voulu mais parce qu'il bon, disait que c'était un aliment trop sain, tu sais. Ça goûte mauvais. C'est ça. Donc, depuis 2, 3, 4 ans, j'ai pas compté, j'ai pas noté non plus la date. J'utilise des produits comme... destiné à la cuisine, à la cuisson, pour nettoyer ce qui a le plus besoin d'être nettoyé dans un endroit où on habite. Des produits de cuisson? Non, mais tu sais, des produits qu'on utilise habituellement pour la cuisine, là. OK. Mettons... Je pensais que tu prenais du PAM, puis t'en mettais sur ton comptoir. Frappe. Écoute, du beurre d'épinote pour laver mon évier. Ah non, mais du beurre d'épinote, par exemple, s'en sert pour décoller les choses. Vrai. De la gomme dans les cheveux. C'est pas de la mayonnaise? Mais c'est la mayonnaise puis du beurre d'épinote que Lisa Simpson a dans les cheveux. Hein? Dans notre on apprend-tu des choses dans ta chronique? On en apprend des choses. Ouais, c'est ça. Donc, j'utilise des produits, comme je disais, destinés normalement à la cuisson pour nettoyer ce qui a le plus besoin d'être nettoyé dans un endroit où on habite, la toilette. Puis le miroir de la salle de bain où est-ce que tout le temps des petites gouttes de pâte à dents qui volent. Tu prends pas du vinaigre avec du papier de. Tu sais, les publics sacs, ça sert à ça? Ben oui! Frotte. Ben oui, pour laver mon évier, je prends du vinaigre. Ben pas mon évier. Mon miroir. Ouais. Mon miroir, je prends du vinaigre. Je frotte. Puis pour comme essuyer les petites traces qui restent, tu prends un papier journal chiffonné, tu essuies ça, puis c'est magnifique. Pour la toilette, ben du bicarbonate de soude. Au lieu de prendre du comète super chimique, tu sens le vrai citron naturel. C'est ça. Extrait de donc, c'est ça. Puis là, la semaine passée, j'ai eu, comme je vous disais, j'ai eu à laver mes planchers. Là, je me disais, ben là, tu sais, je mettrais pas. Tu sais, je mets pas du Windex, mettons, dans mon café, là. Fait que j'en mettrais pas non plus dans mes fenêtres, puis partout, parce qu'on le respire tout le temps, puis c'est dégueu, là. Donc, voilà. Hier, je parlais de ça avec une de mes amies, puis elle m'a sorti un petit livre ici, là, que sa mère lui a donné grâce à. Cette secte qui est Québec Loisirs. Wow, ça s'appelle hein? Le Hop, c'est propre. Ça lui a coûté 10 cents ou. À peu près non, je pense qu'elle l'a eu gratuitement. Ah, wow. C'est ça. Donc, j'ai plein de petits produits comme ça là, pour. Mais qu'on a tous à la maison, puis qu'on peut faire des petits mix là, super cool pour laver tout ce qu'on a chez nous. Donc, c'est parti. Cool. Est-ce que vous lavez votre linge des fois? Des fois. Ça vous arrive? Ça dépend des semaines. Une fois par 3 mois. Ouais, à peu parfait. Vrai. OK, parfait. Donc, pour ça, au lieu de prendre de l'eau de Javel pour blanchir les vêtements, quand on a des taches et des trucs comme ça, on peut tout simplement ajouter un tiers à une demi-tasse de bicarbonate de soude dans l'eau. Ça fait beaucoup de choses, la bicarbonate c'est de soude. C'est malade, vrai. Là. Mmh. Vous pouvez en mettre partout et tout va être propre. On peut aussi faire tremper les vêtements dans 4 litres d'eau chaude à laquelle on a ajouté un quart de tasse de jus de citron ou de vinaigre. Puis après ça, on va laver nos vêtements puis ils vont devenir aussi blancs qu'avec de l'eau de Javel. C'est spécial que citron et vinaigre fassent un peu la même chose comme ça. C'est si différent au goût. Oui, mais c'est si acide, tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça. Pour l'adoucissant dans la lessive, on peut remplacer l'assouplisseur par du vinaigre blanc. qu'on verse dans l'eau du dernier cycle de rinçage. On ne le met pas avec le savon parce que ça va diminuer l'efficacité du savon, okay. Mais dans l'eau du dernier cycle de rinçage. Puis l'odeur va pas rester, là, elle va s'évaporer. C'est ça le souci, là, parce que ça... Oui, parce que moi, je déteste le vinaigre, donc l'odeur m'horripile. Quand on lave les miroirs, mettons, ça sent assez longtemps après. Il faut faire attention aussi pas prendre du vinaigre genre de vin, tu sais, non? Du vinaigre balsamique pour laver tes fenêtres. Ouais. Ah oui. Ouais. Non, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, on dit que j'ai pas essayé. Je pourrais revenir dans une couple de mois, là. Ben, j'en reviendrai avant. Mais dans une couple de mois, je pourrais comme avoir tout essayé ça puis vous dire si ça fonctionne. Okay, j'ai eu peur que ta chronique t'aies une fois par trois mois dorénavant. Non, non. La semaine prochaine, je peux revenir. Okay, cool. Bon. Ensuite, chers étudiants et chères étudiantes, vous buvez du thé ou du café? Oui, les deux. Tous les deux. Les mangent ensemble, tout le temps. Pour la bouilloire et la cafetière, on peut remplir la bouilloire ou le réservoir autour de la cafetière d'un mélange à part égale d'eau et de vinaigre, encore une fois. On fait bouillir si c'est la bouilloire ou on fait couler l'eau et le vinaigre si c'est la cafetière. Puis ensuite, on fait couler de l'eau ou on fait bouillir de l'eau pour rincer. Si okay. on a une cafetière qui est vraiment comme super entartrée, ben on coule la moitié du mélange. On laisse attendre peut-être une demi-heure, une heure. Puis après ça, on fait couler l'autre moitié. Puis on rince par la suite. Imaginez l'argent que ça va vous économiser sur le CLR. Ouais. C'est possible, oui, c'est ça. Mais c'est dégueu de toute façon. Là, t'as pas le goût de... Je sais pas. Non, c'est peut-être moi aussi qui est comme trop... Ça a l'air trop freak, chimique. Hein? Ben non, mais j'aime pas ça. C'est ça. Donc, pour les fonds de casseroles brûlées. Si ah, vous êtes comme oui. moi et que votre grand-mère vous a légué ses vieux chaudrons avec un fond ouais. d'une épaisseur de feuilles de papier, ça brûle rapidement. Ça, on n'aime pas avec... ça. C'est dégueu. Puis après ça, tu refais cuire, puis là, tu grattes le fond. Tu manges ça. Brûlé, il remonte, puis tu manges brûlé, puis arc. Donc, on fait bouillir de l'eau additionnée de 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, encore. C'est tous les mêmes ingrédients. Ou d'une tasse de vinaigre, encore. Donc, après ça, on frotte. Pour des chaudrons qui sont très brûlés, on laisse tremper toute une nuit au préalable. Après ça, on fait bouillir. Après ça, on frotte, puis on rince. Donc, j'espère que ça fonctionne, parce que j'ai plein de chaudrons comme ça. Fait que je vais essayer ça direct en fin de semaine. C'est sûr que les SOS fonctionnent pas, là. Non, c'est tout à mon arme, tout le temps le SOS. Non, c'est ça. Tu sais, la laine, quand t'es rendu à la petite grosse laine d'acier, ouais. là, ça te tremble dans les mains, c'est pas le fun. Non. Bon. Pour la cuvette de toilette, comme je disais tantôt, moi, je prends du bicarbonate de soude directement de même. Ben, c'est ça qu'on dit dans le livre aussi. Donc, bicarbonate de soude qu'on laisse agir quelques minutes avant de frotter. Puis si c'est méga sale, votre toilette, là, si vous la lavez jamais, puis qu'elle est vraiment comme super encrassée. Il y en a qui savent pas qu'il faut laver ça, faut pas. Ben non, c'est ça. Toilette, de toute façon, plus dark. Ça se lave seul, je la flèche à tous les jours. Aussi, tu sais, mettez. Faut pas oublier de nettoyer la petite clenche, là. Ouais. Hein? La place, le bouton. C'est ça, voilà. Mm-hmm. Bon. Donc, je reviens à ma cuvette. Si c'est vraiment sale, on met 1/3 de tasse de bicarbonate de soude et 1/4 de tasse de vinaigre. Là, je sais pas si quand vous étiez au primaire, vous avez fait des expériences. Tu sais, un volcan avec du vinaigre, du bicarbonate de soude, ça mousse, ça, ouais, tout vrai. Ça. Mais ça va faire ça dans votre toilette. C'est comme un party dans ta toilette. Un party dans la toilette. Tout le monde t'a invité. Puis ouais. Toutes les bactéries. Super. Donc, tu laisses agir ça toute la nuit, puis on nettoie le lendemain. Eh ben. Donc, pour les toilettes, c'est très sale. Pour les planchers, 1 tasse d'eau et 1 tasse de... Vinaigre. Ou bicarbonate de soude. T'avais une chance sur deux. Ah. C'est vinaigre. Puis on ajoute quelques gouttes d'huile essentielle. Comme ah, pour ça, le parfum? Ça sent pas le vinaigre ou le jus de citron. Ah, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est pas du jus de citron, le vinaigre, c'est ça. Donc, on rajoute de l'huile. Comme c'est du poisson, tu pourrais te mettre du citron, faux citron. Non? C'est bon, ça? De la lime, de... Push. Ouais. Ouais. Ben, moi, je mets du citron sur mon poisson. Mais je ouais, c'est ça, mais lien, sur ton plancher. Dans okay. pour que ça sente le poisson. Pour que quand mon chat liche le plancher. Je sais pas si l'odeur va cacher le vinaigre. Ah, les huiles essentielles, c'est assez puissant. Okay. Tu mets juste une coupe de goutte puis ça sent. Ah. Tandis que ton jus de citron, ça se fait que t'as un concentré. De... une caisse de citron complet, là. Miam. C'est ça. Mais il doit y avoir des huiles essentielles au citron. Peut-être. On t'achètera ça. Sont plus efficaces, probablement. après ça, pour quand on a des planchers en tuile ou en céramique, qui ont comme des joints, là, oui. On prend pas ça parce que le vinaigre va vraiment comme abîmer les joints qui sont comme poreux un peu. Donc, dans ce cas-là, ça, c'est mon truc préféré. Là. C'est vraiment hot. Ah, là, tu t'es excité. Donc, c'est plate parce que j'ai pas de céramique. Je pourrais pas l'essayer. On fait cuire plein de pommes de terre. On se fait des frites avec. On prend... Ben, tu fais ce que tu veux après, cool. Tu veux faire un gros pâté chinois. Là. Et on prend l'eau de cuisson encore chaude, on la verse sur le plancher. Comme juste splouche à terre. Splouche à terre. Tu tasses ton jus, t'en as un parce que c'est chaud. Puis, ben, dans le fond, l'espèce de pomme de terre là, dans le liquide, là, en tout cas, son elle va jus. Comme toute absorber le gras. Hein? Fait que tu laisses agir quelques minutes puis tu frottes. C'est étrange quand même. Mais de l'eau de pomme de terre, c'est pas la première fois que j'entends ça. C'est vrai? Je m'en rappelle plus c'est quelle recette, là. Mais il y a une recette à ma grand-mère, puis son ingrédient secret, c'était de l'eau de pomme de terre. C'était une recette à manger, là? Oui, pour manger. Elle utilisait de l'eau de pomme de terre, puis ça goûte pas la même affaire si c'est de l'eau normale. Wow! C'est drôle. On sous-estime l'eau de pomme de terre. Le pouvoir de la patate. Oui. Potato power. C'est ça, le pouvoir de la patate. Donc, puis pour les... Ça, on frotte les tuiles avec ça. Pour les joints, comme j'ai dit, on prend pas du vinaigre, là. Donc, on utilise une demi-tasse d'eau, une demi-tasse de cristaux de soude, qui doit être... comme la bicarbonate, mais L'origine doit être la même, ouais. Mais je sais pas exactement de quoi ça a l'air. Puis, une tasse de bicarbonate de soude, on mélange ça, puis on frotte les joints avec une brosse à dents ou quelque chose comme ça. Ça doit être long, ça. Ouais. Mm. Comme Cendrillon, elle doit faire ça. Ça devait être l'autre patate avec, là, qu'elle utilisait pour ses planchers. Là, on parle de vinaigre depuis tantôt, on se dit, mais mon Dieu, ça va sentir vraiment dégueu. Mm-hmm. Donc, pour des sambons maison, on prend une bouteille avec un bec pulvérisateur. Ça se vend dans les magasins à 1$. Ouais, c'est ça. Mais souvent, il coûte 2$. C'est bon, on partira le débat une autre fois. Pour des scènes, là. Hein? C'est ça. On prend une cuillère à café de bicarbonate de soude. Une cuillère à café, c'est 5 ml. Donc, un tiers de cuillère à soupe. C'est la petite, ça, café? 5 ml. L'autre, c'est la table. Hein? Ouais, c'est la table. Parce qu'il y a soupe aussi. Cuillère à soupe, c'est les petites. Cuillère à table, c'est les grosses. Non, cuillère à thé, c'est les petites. Cuillère à table, c'est les grosses. Oui, de... ben, cuillère à table et à soupe, c'est la même chose, je pense. C'est ça l'affaire, il devrait pas avoir deux noms pour chaque. C'est vrai, table et soupe, t'as raison. C'est moi, je pense que thé et café, ça m'en fait, pour maman. Ben, moi, j'ai jamais. Oui. J'ai jamais entendu une cuillère à café. Vrai. J'ai entendu. Je vais revenir tantôt, je vais aller regarder la conversion. OK? OK. Donc, 5 ml de bicarbonate de soude. 2 tasses d'eau chaude, 1 cuillère à café, donc 5 ml de jus de citron, où on peut remplacer le jus de citron par quelques gouttes d'huile essentielle, puis on pulvérise jusqu'à temps que ça sente bon. Donc là, j'avais un truc pour le micro-ondes. Tu sais, quand tu fais chauffer ta soupe, puis qu'elle goûte les hot dogs en sortant, ouais. Là, parce que ouais. Ma copine si a fait tu manges pas de hot dogs, là... Ma copine a fait cuire des crevettes dans le micro-ondes. C'est la pire affaire. Ça explose partout le bol, à l'intérieur et à l'extérieur du bol. Là. Ça devient tout gommant. C'est dégueulasse. C'est ça. Donc, quand on a une copine ou un copain qui fait cuire des crevettes dans le micro-ondes puis que ça explose partout, ou quand on utilise les micro-ondes de l'université. Oui. Donc, pour entretenir régulièrement ça, pour aussi enlever les odeurs, on verse le jus d'un citron dans un bol d'eau. On met ça dans le micro-ondes. On fait cuire comme 2 à 3 minutes. Puis après ça, on essuie la vapeur, puis ça va comme tout dégraisser. Mais j'avais pas entendu que c'était dangereux de mettre de l'eau dans le micro-ondes, dans une tasse ou un bol. Ben, si tu mets un bol en aluminium, c'est écoute, dégueu. Moi, j'ai une de mes amies qui fait chauffer son eau à thé ou à café dans le micro-ondes. Tout le temps? Tout le temps. Il n'y a jamais rien eu. Ça n'a jamais pété. Okay. Ma grand-mère faisait toujours chauffer sa tasse d'eau chaude, très plate de main au micro-ondes. Ouais, ma grand-mère aussi. Eh ben. Mais il faut juste pas que tu fasses chauffer ça dans un bol en stainless. Ouais. Puis pas trop longtemps, je pense aussi. Tu peux-tu? Ben, moi, ça arrive des fois que je fais. Ben, c'était 4-5 minutes. Ça prend du temps avant de bouillir de l'eau dans le micro-ondes. Ouais. Donc, c'est ça. 2 à 3 minutes avec de l'eau puis le jus d'un citron dedans. Puis après, on dégraisse en essuyant la vapeur. OK. Là, ensuite, j'avais, il me semble, un autre petit truc. Non, je sais plus c'est quoi. J'ai finalement quelques trucs pour des tâches. Oh, des trucs de grand-mère. Mais on parle là, pas des humains, on parle. Non, c'est ça, des tâches sur des vêtements. OK. Là, c'est ça. Donc, nommez-moi une tâche, mettons, puis je vais essayer de trouver quelque chose. J'aurais dû sortir un prénom ici, ça aurait été plus drôle à la place. Ouais, c'est ça. une tâche de, je sais pas, de gazon. OK, gazon. Herbe. Tamponner la tâche avec du vinaigre. Je pense que les mots-clés de la chronique, c'est vinaigre et bicarbonate de soude. Ben, il y a aussi pour les tâches, là. Je pourrais revenir après sur mes tâches plus précises, là. Mais... un bonjour à Noël, nous avions mangé du pain. Donc, il y avait du beurre. Oui. On mange autre chose aussi, c'est mais graisse. Bref, il y avait, c'est ça. Je m'étais floc échappé une. Pas surprenant de ta part, Merci. Donc, un gros splouch de beurre sur ma robe turquoise. Donc, ça a fait une belle tache grasse. Donc, là, ma tante de me dire, mais là, passe-moi ça, je vais l'amener chez nous, mais je vais la nettoyer avec mon savon de Marseille. Oui, du savon de Marseille, ma belle-mère aussi a ça. Ben, c'est ça. Là, je comprenais pas c'était quoi. Finalement, c'est malade, là. Tu prends ton savon, c'est comme... Le savon de Marseille, c'est genre 72% d'huile de soie d'olive, de coco ou quelque chose d'autre, puis du bicarbonate de soude pour le reste. Puis ça fait tout partir, là. C'est malade. Donc, elle avait juste frotté le savon sur ma tâche, puis elle l'avait mis au nettoyage, au lavage, puis ça avait comme tout parti. Puis hier, je suis allée regarder sur le site des savons de Marseille. C'est environ 6$ là-bas. Moins cher que du Tide to go. Puis on peut faire vraiment plein de trucs avec ça. On peut faire son propre savon à lessive avec ça. Il y a plein de recettes sur le site. C'est très cool. Donc, je reviens à mes tâches. Oui, trouve-en une qui a un ingrédient spécial pour le faire partir, pour être original. Langue de stylo. Langue de stylo. Langue de stylo. Donc, on fait tremper le vêtement dans du lait plusieurs heures. Hein? On rince et on lave normalement. Ça te coûte cher de lait, par exemple, faire tremper. Faire tremper. Moi, j'aime mieux le boire que l'utiliser pour des tâches. Non. Que l'utiliser pour des tâches. Est-ce que le lait caillé marche? Ah, parce quand que ça ferait l'utilité du lait caillé. Probablement. Je sais pas, peut-être. Recycler ton lait, t'attends d'avoir fini ton lait avant de faire une tâche. C'est, oups, mon stylo. Ah, ben attends, je vais le casser tout de suite pour être sûr que. Tu sais jamais quand il va casser. Bon, donc pour le gras et l'huile, on saupoudre la tâche de fécule de maïs, chose qu'on a toujours, de bicarbonate. Cornstarch, ça là. Ouais, c'est ça. Okay. Non, ça c'est de l'amidon. Ah, du cornstarch, c'est de l'amidon. C'est quoi la fécule, je sais pas c'est quoi. La fécule de maïs, ben moi je mets ça pour épaissir mes sauces. Ouais, c'est ça. Mais t'as peur, la fécule, c'est corn. Starch, je pense. C'est du cornstarch. Tu me perds pas mal. Mais parce que l'amidon aussi, il y a un autre. Bref. Donc, fécule de maïs en français, du bicarbonate de soude ou du talc qu'on laisse agir 30 minutes avant d'essuyer avec un linge sec ou de passer l'aspirateur s'il s'agit d'un meuble. Mm-hmm. Mmh, parce qu'on échappe toujours de l'huile sur nos meubles. Tout le temps. Oui. Quand je mange mon popcorn. Popcorn. Donc, je vais en trouver d'autres, là, peut-être. Une tache de moisissure. Tu t'es frotté contre le mur dans la salle de bain. Probablement, ou tu sais, dans le fond de ta douche. Là. On tamponne la tâche avec un tissu propre trempé dans un jus de citron salé. Oh! Eh ben! On va encore le jus de citron. Puis une dernière, là, peut-être. Une tomate sous toutes ses formes. Donc, ça, c'est contre le ketchup, ça? Oui, jus, sauce, ketchup. Good! Etc. Donc, on rince immédiatement la tâche à l'eau froide. On frotte l'endos de la tâche avec du vinaigre blanc, puis on rince et on lave normalement. Les compagnies de vinaigre aujourd'hui vont se faire la pièce. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis pour du vin rouge, donc sur nos vêtements. Tu mets du vin blanc, ça annule tout. Non? Ça fait que ça devient rose peut-être. Ah, penses-tu? Un c'est rosé. Je sais pas. C'est meilleur. Non, c'est pas meilleur. On nettoie la tâche avec de l'eau gazéifiée ou un mélange d'eau et de vinaigre blanc ou d'eau et de liquide à vaisselle. Donc du club soda finalement. C'est ça, le club soda? Du Perrier, peut-être plus? Ouais, peut-être aussi. Ouais. En tout cas, ça a des bulles, là. Pas du coke, peut-être, parce que ça va tâcher, là. Mais. Ça aide pas. Ton Sprite, là, ça marche. Sprite, c'est blanc, c'est de la liqueur blanc. Club soda. Non, club soda, ça n'a pas de saveur, c'est de crème, il y en a. Club soda, c'est meilleur. Ben, c'est pas mal ça. C'est tout. Je pourrais continuer pendant des heures, là. Merci, Jasmine. C'est ça. Madame, comment qu'on pourrait t'appeler? Parce que Chasse-Tache, c'est déjà pris. Blancheville, c'est déjà pris. Raymond Drinville. Ouais. C'est ça. Ouais, j'aime ça. Pas pire, hein? Ouais. C'est original, quand même. Pas pire. On dirait que j'ai sorti ça de nulle part. Donc, pour tous ceux qui viennent de déménager et qui ont plein de ménages à faire, allez fouiller sur Internet. Exact. Ou contactez Jasmine sur Facebook. Mais oui. Voilà. Je suis revenue avec mon vrai nom. Donc, t'as réussi comment? Oui. Ben, Facebook a daigné me redonner mon vrai nom finalement après un an d'essai. Mm-hmm. C'est ça. Donc, Jasmine et Raymond Drinville, on te retrouve la semaine prochaine? Oui. Je sais pas encore de quoi je vais parler. OK. Et en début d'émission, en fait. Oui. Vers le. Oui. Style comme genre début. Première rang. Ouais. Oui, parfait. Okay. Super. Good. Yeah. On verra. On s'en fout. Bye bye. Hey, non, c'est vrai, j'avais pensé, tantôt on avait parlé de Cendrillon qui lavait les planchers avec une brosse à dents. Ben moi, ça m'a donné l'énorme envie de l'entendre, une pièce de nos célèbres amis au Pakistan. Voici Cendrillon lave le poêle. La vie de croisière à son âge recul. Hey! Hey! Fais-moi donc une béchamel! Citronnelle, cannelle et miel. Chocolat, avocat, ananas, biscuit soda et sauce soya. J'suis la maîtresse de ma cuisine. T'es la maîtresse de ta cuisine. C'est moi qui mets à guiner sur le poêle. C'est toi qui mets à guiner sur le poêle. J'lance toutes mes boîtes de conserve. Hein? Comment? Par marque? Cendrillon, lave le poêle. Le plancher, je le serre à quatre pattes. Le plancher, elle serre à quatre pattes. Pour mettre la dinde, je me penche dans le four. Pour mettre sa dinde, la sponge dans le four. Je me pique pour vider le lave-vaisselle. Ok, ouais, en anglais, ma crise. Cendrillon, lave le poêle avec le chiffon. Cendrillon, lave le poêle avec le chiffon. chiffon. Je voudrais être linge à vaisselle pour me mouiller à la besogne. C'est toujours la vie de croisière, l'assemblage requis avec Alexandra Carignan. Et Mathieu Plante. Et on retourne dans notre palmarès francophone quelques instants pour aller entendre nos prochaines positions. Et on va avoir plus tard Radio Radio et Marie-Pierre Arthur. Oh oui, mais tout d'abord, on va avoir les Jovialistes avec Pas à Verdun au numéro 17, qui en fait ont fait une hausse puisqu'ils étaient au numéro 18 la semaine dernière. Tu parles d'une surprise, toi? Quelle surprise! Moi, je suis bonne de même. Je fais plein de surprises. Et tantôt, Alexandra, tu vas nous parler de Janis Joplin. Exactement. Une grande légende de la musique. Mais est-ce qu'on connaît vraiment son parcours? Mmh. Je vais vous éclairer là-dessus. Oui, on va se donner l'envie, j'allais dire la piqûre. De... Oh my God! Il y a plein de vaisselle sur mon comptoir. Touchez pas. Je ferai ça demain. Il y a une pile de linge. Plancher, laisse-les là. Je suis seul le mois prochain. Allez, viens, prends ma main. Nous irons loin, mais pas, mais pas, mais pas à Verdun. Pas à Verdun. Pas à Verdun. Pas à Verdun. Ah ouais? Hier soir, t'as comme, ah, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que c'est une bonne tour? Je sais pas. Puis, on a trouvé des. Ah ah? Ouais. Actually, trois. Nice. Y'en qui peut être doué, The Danny Song de Anne-Marie. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Pardon, that's right, c'est comme le bel et le bal. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Pardon, that's right, c'est comme le bel et le bal. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Pardon, that's right, c'est comme le bel et le bal. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Pardon, that's right. Tu comme le bel et le bal. Je hobe en cheval avec des stocks de métal. Mais des fruits blue navy, ça c'est gravy. Ça c'est mon cheval avec un Seabiscuit belle jambe. Ça c'est ça j'appelle un underdog. J'ai gagné au bal avec mon cheval. Je m'installe en dessous des gradins qu'on met la baguette. T'attends mes cotton balls. Ma overall, je porte bien mes coveralls. Covert mission, indecision, ça c'est pas wrong. Ça c'est la right side of the wrong. Qu'on peut vendre les news. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Pardon, that's right, c'est comme le bel et le bal. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Pardon, that's right, c'est comme le bel et le bal. Avec tes cheveux dans le vent, t'aimais jouer hard to get. Avec un smile, tu dis que je suis wild. Tu veux me drop off of it. But j'aime ça quand tu te moques de moi. Rond dans le foin, j't'ai dans mes bras. Horn qui hante, ça nous bottera pas. C'était même qu'on aimait ça. C'est la bear, back, spice, rack. J'veux savoir ton almanac. De moi dans ta vie. Et j'crois ça que les fermiers ont dit. Parce que ça y en pousse ça. Pousse ça, pousse, pousse, pousse ça. Pousse ça, pousse ça. Pousse, pousse, quoi que c'est. Faut que tu rides sur ton cheval. Galope jusqu'à ton bal, pardon, that's right, c'est comme le bel et le bal. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Pardon, that's right, c'est comme le bel et le bal. Sauveille et tasse, si ça se passe, on brasse, on coupe des os. Poker, hold'em, fold'em, can't have a loss. Je vais de la simplistic, hedonistic, wizard of Oz. Je vais de la gold brick road, à la fin y'a pas tôt. Mais y'a de la ride sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Jusqu'à la fin, pis t'arrives, y'a plus de balle. So galope, back up, saddle up, trouve un autre bal. Si y'a de la weekend, days and draw next weekend, trouve un autre bal. So ride on. Body pour veille et tau. Body pour veille et tau. Body pour veille et tau. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Pardon, that's right, c'est comme le bel et le bal. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Pardon, that's right, c'est comme le bel et le bal. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Pardon, that's right, c'est comme le bel et le bal. C'est jamais fini. Si ça venait d'arriver, ça aurait été comme d'arriver, mais c'est jamais d'arriver. C'est là. T'as pas besoin de dire longtemps. Non. Dire comme tu sais, tu sais faire 5 minutes, c'est bon. Si tu mets le travail avant, tu mets comme tout le travail avant, et après ça, tu peux dire 30 secondes, c'est pas si dur. Exact. Ça peut te mettre ta pre-prod, tu mets ta préparation en avant. Et puis ça, ça peut durer un an. Hein? Ça veut dire une vie. Une vie. Radio, radio et Galop, position numéro 15, ça descend de 3 places, 8e semaine de présence. Et juste avant, c'était Emmène-moi de Marie-Pierre Arthur en 16e place qui a descendu. Elle était en position numéro 7 la semaine dernière. Et ça fait maintenant 6 semaines qu'elle est là. Toujours à venir à l'émission Hôtel Morphée, Maison Brume et avec podcast, mais maintenant, c'est le moment de. Attention, pincez-vous ou serrez-vous le bas. Ben, je mélange mes drogues, hein. Ah ouais, tu mélanges un peu tes drogues. On parle de drogue, donc c'est on ça. On parle de drogue, hey! Voilà, maladie du jour oui, cette semaine. Oui, allons-y. Mmh. Je vais vous parler de drogue sans cesse, mais c'est pas ce qui a marqué sa vie. Elle a fait pas mal plus de choses que ça. Ben en fait, grosso modo, elle a fait beaucoup ça. Bon, OK, en majorité. En fait, c'est deux choses principales qu'elle a faites. Elle a fait de la musique et elle a fait de la drogue. Et oui, cette semaine, on parle de Janis Joplin, qui est la fameuse chanteuse, en fait, américaine, qui a été une grande influence dans la musique et qui fait partie aussi du groupe des 27. Donc, il y a... Je m'en rappelle plus c'est qui y a, mais je sais qu'il y a Kurt Cobain. Ouais. Il y a Amy Winehouse, qui est rentrée récemment. Il y a elle. Quel honneur! Ben oui, quel honneur! Elle l'a fait exprès, en plus. Parce qu'ils sont tous morts à 27 ans. Donc, on voit que c'est pas une grande vie, 27 ans. Mais pourtant, elle va avoir un parcours qui va être assez spécial, pour pas dire tragique. On va voir ça. Donc, Janis Joplin, elle est née au Texas le 19 janvier 1943. Avec devant elle une vie assez chaotique entre succès et souffrance. C'est vraiment des up and down constamment. Adolescente, elle va se lever déjà contre l'Amérique traditionnaliste en faveur des droits des Noirs américains. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas... la majorité de mes ladies ne sont pas conformistes. Celle-ci n'en fait pas exception. Donc, elle est pour le droit des Noirs et elle va justement s'inspirer beaucoup de leur musique. Avec d'autres lycéens, elle va découvrir la culture beatnik à travers la littérature et la musique. Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce que la culture beatnik? Oui, explique ça comment? Eh bien, beatnik, c'est un beat. Oui, avec N-I-K, c'est le beatnik, qui est une culture, c'est la culture justement anticonformiste. T'sais, on va se départir de l'argent, on va se départir de tout ce qui est le capitalisme. C'est pas du hippie, c'est un peu plus poussé que ça. En fait, si vous connaissez La route de Jack Kerouac, c'est le roman beatnik. Okay. C'est à partir de tout ça que Jack Kerouac, d'ailleurs, que sa mère était canadienne-française. Ah, je savais pas ça? Ben oui, fait mais pas québécoise. Mais ben oui, oui, oui, en fait, okay. À l'époque, c'était une canadienne-française. T'es vieux jeu pas mal, les Canadiens-Français, là. Hein? C'était ça pareil à l'époque. Alors, la culture beatnik, c'est ça. C'était le thème des BES l'année dernière, pendant le carnaval de Jupiter. Alors, non, pas les BES, pardon, les psychos. Alors, les beatniks qui veulent refuser tout le capitalisme, mais qui veulent quand même, pas hippie, qui veulent quand même... c'est vraiment une anticulture. OK, mais leur raison de faire ça, c'est pas nécessairement juste pour le plaisir, mais c'est pour éduquer les gens. C'est ça. En fait, les hippies vont vraiment aller comme la nature et tout, mais les beatniks vont y aller, c'est contre... C'est revendicateur. Oui, c'est de la revendication politisée. Alors, c'est le mouvement beatnik que, justement, Janis Joplin va découvrir à travers la littérature et la musique déjà au lycée. Elle va surtout imiter, en fait, en chanson, les chanteuses de blues comme Bessie Smith ou Odetta. Donc, des femmes qui ont de la puissance dans la voix et qui ont un style assez explosif. C'est vraiment de ça qu'elle va s'inspirer. Et on va voir plus tard, en fait, que sa voix, justement, la voix de Janis Joplin, elle est vraiment particulière. Je vais tout le temps dire son nom mal. Elle va fuir sa famille à l'âge de 17 ans. Elle va s'en aller de chez elle et va commencer à tourner dans les cafés et dans les clubs folk des petites villes texanes. Et finalement, elle va s'envoler en 1963 vers les hauts lieux beatnik, qui est en Californie et à New York. Donc, Venice, North Beach et puis The Village. Elle va retourner ensuite au Texas pour étudier, où elle est exaltée par sa propre créativité et par les styles de vie beatnik. Elle va plonger rapidement dans l'alcool et va essayer différentes drogues, notamment le speed. Donc, c'est à l'université qu'elle va commencer ça. Elle va exceller à l'université, mais elle n'a qu'une chose en tête, c'est la musique. Même si elle est bonne, elle va avoir quelques bullying, si on pourrait dire. Elle va se faire un peu écœurer. D'ailleurs, elle va être, durant son passage à l'université, elle va être élue le garçon le plus laid du campus. Ah, c'est pas fin! C'est pas fin, hein? Vrai, mais pas fin! C'est une blague. Ah non, c'est une belle femme quand même. Ouais. Donc, c'est ça. À l'université, finalement, elle se rend compte que c'est pas sa place, qu'elle aime beaucoup la musique. Et en 1966, après une audition à San Francisco, elle va prendre le micro d'un groupe californien qui se produit sur la côte, Big Brother and the Holding Company. Hey, Big Brother, ça commence à soir. Ok, je commence une blague. Qui n'a aucun lien avec le groupe de Janis Joplin. Donc, ils vont sortir un album et deux singles, Blind Man et All Is Loneliness. Vous voyez toute la détresse là-dedans. Oui, c'est triste. Mais le grand tournant de sa carrière va avoir lieu un an plus tard, en 1967, parce que c'est le Summer of Love, quand les Big Brothers and the Holding Company sont programmés au Monterey International Pop Festival. qu'on peut retrouver en DVD d'ailleurs. Ah. Et c'est devant 70 000 personnes que Janis va interpréter Ball and Chain de Big Mama Thornton et sort pour toujours de l'anonymat. On la remarque, elle a une voix exceptionnelle et à partir de là, en fait, sa voix brute, explosive, vulnérable va vraiment conquérir tous les festivaliers mais aussi les médias qui sont présents. Donc elle va avoir une grande visibilité. Elle va être courtisée par un grand impresario qui ferait au groupe un chemin dans l'industrie musicale. Donc là, on n'est pas encore avec la carrière solo, on est encore avec le groupe. Et Big Brother and the Holding Company va signer avec Columbia et va sortir une année plus tard, en 68, Cheap Thrills, qui va devenir un disque d'or avec notamment Summertime et Peace of My Heart. Les fans vont se bousculer au concert, les places se vendent chères, mais la pression monte et avec elle, la consommation de drogue et d'alcool chez le groupe. Donc, les performances sur scène vont être un peu moins bonnes à cause de ça. Et les relations entre les membres du groupe vont se dégrader et vont se séparer la même année qu'ils ont lancé leur album, donc en 68. Oh ouais. C'est magnifique. C'est cool. Mais Janis Joplin ne va pas se laisser démonter par ça. Il va poursuivre sa carrière seule, une carrière solo avec deux groupes. Donc, The Cosmic Blues Band and The Full Tilt Boogie. Ça, c'est deux groupes ou c'est un long? OK, je pense que c'était un long nom. Il y a The Cosmic Blues Band et le Full Tilt Boogie. Okay. Et en 69, elle va sortir un album qui se rapproche un peu plus du blues, donc avec notamment I Got Them All Kiss Me's Blues Again Mama et le célèbre Try Just a Little Bit Harder de Janis Joplin, qui est une de ses chansons les plus célèbres. Elle va enfin avoir trouvé son style. Et son style, c'est le white blues. Donc, le blues blanc. Mais en fait, juste pour dire qu'elle est blanche. Que c'est ça. C'est la musique normalement de noir. Ouais, c'est ça. À ce moment-là. Donc, c'est du white blues directement. Okay. Et elle va la maîtriser de mieux en mieux. Sa voix va être plus légère, moins intensément violente. Comme sur les morceaux, justement, Mercedes-Benz ou encore Me and My Boogie McGee. On peut peut-être retrouver ça sur YouTube. Là. Et elle va tomber amoureuse. Elle va arrêter la drogue pour un temps. Ah, c'est revenu. Hein. Ben oui, en fait, sa douleur va la rattraper alors qu'elle enregistre son troisième album. Et en fait, le 4 octobre 1970, elle va mourir à 27 ans. Au moins, c'est dans le mois de Rocktober. Rocktober. C'est le meilleur mois pour mourir quand tu fais du rock. Ben oui, c'est le Rocktober. À 27 ans, on va la trouver morte dans un hôtel après une overdose d'héroïne et de morphine. Elle va avoir un album posthume qui va s'appeler Pearl et ça va être un succès. Il y a eu un mauvais film qui a été fait en 1979 sur sa vie avec Bette Midler. Qui finalement... Qu'est-ce que t'en penses du film? Ben moi, j'ai... ça s'inspire pas vraiment de la vie de Janis Joplin, en fait. Ben avec Bette Midler, c'est pas très... Qui ressemble pas du tout à Janis Joplin. C'est... Mais bref, ils ont comme pris juste le headline d'une chanteuse qui était sa drogue parfois puis ils ont fait un film avec ça. Donc ça s'inspire pas vraiment, là... C'est assez large. Et finalement, en 1995, celle qui avait été élue l'homme le plus laid de l'année à l'université va rejoindre les rangs dans le Rock and Roll Hall of Fame. Donc, c'est un peu la vie de Janis Joplin qui va avoir trouvé son style assez tardivement à travers plusieurs groupes musicaux pour finalement trouver son white blues, faire à peine quatre albums, mais qui marquent encore le monde de la musique. Donc, merci, Janis. Ben oui, et désolé pour les commentaires sur Twitter. Ben non, mais c'est drôle. Ben là, Colin. C'est elle qui l'a créé, ce problème-là. Hein? Ben oui, exactement. Donc, les amis, si vous ne voulez pas mourir à 27 ans, ne prenez pas de drogue. C'est ça. Hey, quelle belle morale. Et restez à l'école aussi. Ben oui, stay in school, don't use drugs. OK, mais tout d'abord, je me suis dit que si je faisais jouer une toune de Janis Joplin, ça serait logique. Oui. Mais non, je veux pas faire ça. Ça clash. Alors, un petit peu, mais ce serait logique. Ça serait logique, ouais. Mais je veux pas faire ça. On parlait du mouvement beatnik tantôt. Et pour vous montrer un peu une parodie du mouvement beatnik, on va aller écouter I Threw It on the Ground du groupe Lonely Island. Aïe, aïe, ça c'est bon. À la vie de croisière d'assemblage requis, c'est fou. I was walking through the city streets, and a man walks up to me and hands me the latest energy drink. Run faster, jump higher. Man, I'm not gonna let you poison me. I threw it on the ground. You must think I'm a joke. I ain't gonna be part of your system. Man, pump that garbage in another man's veins. Go to my favorite hot dog stand. says you come here all the time. Here's one for free. I said, man, what I look like? A charity case? I took it and threw it on the ground. I don't need your handouts. I'm an adult. Please, you can't buy me hot dog, man. The farmer's market with my so-called girlfriend. She hands me her cell phone, says it's my dad. Man, this ain't my dad. This is a cell phone. I threw it on the ground. What, you think I'm stupid? I'm not a part of your system. My dad's not a phone. Duh. Some poser hands me cake at a birthday party. What you want me to do with this? Eat it? Happy birthday to the ground. I threw the rest of the cake too. Welcome to the real world, jackass. So many things to throw on the ground. Like this, and this, and that, and even this. I'm an adult. Hollywood phonies tried to give me their autograph. Nobody wants your autograph, phonies. Then the two phonies got up. Turned out they had a taser, and they tased me in the butthole. I fell to the ground. The phonies didn't let up. Tasing on my butthole over and over. I was screaming and squirming. My butthole was on fire. The moral of this story is you can't trust the system. Je suis content d'être dans le groupe exclusif des gens qui comprennent les paroles. Ben oui, mais c'est, ben en fait, c'est une chanson qui décrit un peu, justement, quand je vous contais les beatniks. Les beatniks, qui est un espèce de groupe anticonformiste, antisociétal. Eh bien, c'est ça. C'est, la chanson est assez c'est humoristique. C'est les Lonely Island qui sont c'est des membres. C'est pas mon père, c'est un téléphone. Ça, ben, fait que je l'ai pitché à terre. C'est ça. I'm not a part of this system, mm-hmm. C'est ça. En fait, les Lonely Island qui sont des membres récurrents de Lonely... Été, en fait, parce que Andy Samberg... Certains sont partis, oui, de Saturday Night Live qui passe tous les samedis. Live le soir. Mais c'est pas tout le temps live, ils ont plusieurs segments préenregistrés. Mais bref, donc c'était ça. C'était en l'honneur de ma lady du jour, Janis Joplin, qui était une grande fan du mouvement beatnik. Est-ce qu'elle se retourne dans sa tombe? Sûrement. C'est pas grave, t'sais. C'est le même. Merci, Alexandra. Ça m'a fait plaisir. Une autre lady du jour la semaine prochaine. Oui, une autre lady. On a peut-être un peu moins éclaté. On verra. Ouais. Reste pas d'être drogué tout le temps. Non. La semaine passée, il n'y a pas une droguée. J'avais une chanteuse country. C'est vrai. Donc, plus tard dans l'émission, on aura David Ferron et sa chronique « Graines de pivot ». Il s'en vient. Il va nous présenter, en fait, une chronique qui s'appelle « Ça ravage en Italie, David ». Oui. On ne sait pas ce que ça veut dire. Je pense que ça n'a pas vraiment rapport avec des ravages en Italie. Non. Je ne ferai pas un retour sur les tremblements de terre qui ont eu il y a quelques années, ni sur le... Tu serais vraiment dans les nouvelles. Hein? Ouais, c'est ça. Mamma mia! Oh, j'essaie d'être actuel. Ni le gouvernement qui a changé de ministre d'économie. Je parlerai pas de ça, mais ça va être beaucoup plus axé sur l'art et même la peinture. Oh, la peinture! Oui, je vais parler d'histoire et de peinture. Bon, on en parle tantôt dans Graines de pivot. Et plus tard aussi, la chronique Sex Smith, ça devrait pondre là. On va se régler des problèmes, entre autres. Tu sais, tu veux faire du barbecue dans ton auto? Ben faut, oui. Faut une solution à ça. C'est clair, une solution à ça. C'est ridicule qu'on n'ait pas déjà ça. Et comment transporter son vélo d'une façon un petit peu plus simple avec une poignée. Oh! J'aime ça. C'est tout à l'heure, mais pour l'instant, on se prend une petite pause et on revient avec la musique, entre autres, d'Hôtel Morphée, Maison Brume, mais avec podcast. Alexandra va être là, je vais être là, David va être là. Bon. On est tous là pour vous, cher public. Janice est plus là. Janice, ouais, non, elle est décédée. On a un autre Janice qui s'en vient tantôt dans le palmarès Franco, mais c'est Janice Plus. Yeah, ça c'est bon, il fait vraiment une bonne toune. C'est vrai ça. Ah oui. Moi je resterai là. Conseil d'amis. Yeah. êtes toujours à l'écoute de la vie de croisière d'Assemblage requis pour la semaine du... c'était le 9 juillet 2012. Retiens ta date. C'est pas retiens. Évident. Hey, je n'ai pas l'affaire pour ça. Toujours avec Alexandra Carignan. Et Mathieu Plante. Oui, toujours en direct du SS Requis, le célèbre bateau de croisière qui nous mène à destination chaque semaine. Comme ça, destination qu'on précise pas toujours parce qu'on on s'en fout un peu. Tu sais, l'important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Le voyage, exactement. C'est ouais. Pas le cliché, ça. C'est vraiment cliché, mais j'aime ça de même des fois. Cette semaine, on écoute le palmarès francophone pour la période du 9 au 22 juillet 2012. On est rendu au 14e, 13e et 12e place. Plus tard, il y aura Hôtel Morphée et Maison Brume, mais on débute en 14e. Avec Podcast et La Journée qui s'en vient et Flambant Neuf en 14e position à Assemblage requis. Parle-moi de ça, une journée neuve de même, toi, quand... Flambant Neuf. Flambant neuf. Flambant neuf. Ouais. C'est bizarre, c'est comme un peu brûler les planches, c'est cliché, t'sais, flambant. T'sais. Ça pourrait être flamant neuf. Oh. En tout cas, je pense qu'on tient quelque chose. Ouais. Un concept derrière tout ça. Ouais. numéro 13. Garde à vous en position. Non, en fait, non. Non, c'était Maison Brune, t'as raison. Avec Terre Promise. Tout à fait. J'avais prévu une autre pièce, mais finalement, on n'a pas joué. C'était en 13e position. Et juste avant, c'était avec Podcast et La Journée qui s'en vient et Flabonem en 14e position. Tout à fait. Je pense qu'on devrait aller entendre tout de suite Hôtel Morphée avec Garde à vous qui monte de 8 places. Oui, c'est mon Dieu, c'est une belle montée, ça. Oui, c'était une nouvelle entrée la semaine passée et déjà presque la moitié du palmarès de franchi, donc félicitations. Ben, félicitations, Hôtel Morphée. Garde à vous, 12e place. Ben, oui. Après ça, ben là, c'est vrai, c'est Graines de Pivot qui s'en vient. Yoï. Des Spill Zipper. Graines de Pivot s'en vient. Ah! C'est un peu ça que ça donne comme image, mais. Je ne vais plus faire semblant, je ne vais plus jouer comme avant. Laisse-moi me rendre, laisse-moi me vendre. Je ne vais plus faire semblant, je ne vais plus tomber maintenant. J'ai séché mes larmes. Hôtel Morphée, Garde à vous, monte de 8 places en 12e position anglophone. C'est nouveau la semaine passée. Francophone, excuse-moi. Oui, une belle montée. Oui. Straight. Straight to the top. Oui, ben, pas le top, là. Middle. De le middle. Dans crème de l'Oreo, hein. Ah, oh, tabarouette. Crème, David? Crème? Ok. Maintenant, c'est la chronique Graines de pivot. C'est un rappel sur la. Sur la. Graine de pivot, David Ferron, c'est à toi de pas nommer ta collègue comme ça. Ben là, c'est juste pour comme graine de pavot, Bernard Pivot. Oui, oui, oui, tout à fait. T'aurais jamais deviné. T'aurais jamais deviné. Il semble que Bernard Pivot, c'est pas si turn-on que ça quand on le voit. Pas tout à fait, non. Ben, mais c'est qui? Ah, cherche sur Google, moi, ça. .com. Ouais, ouais. Faut encore que je l'explique. Non, c'est ça, pas besoin. Mais non, mais là, si tu te donnais un titre qui était plus équivoque que ça, ben c'est voilà. Ben j'aime ça être agace. Je suis là. C'est un étudiant à Lyon, journaliste français, animateur d'émissions culturelles. Oui, et... comme apostrophe et bouillon de culture. Donc, ma chronique, en fait, pour te l'expliquer, Alexandra, juste à toi. Juste les autres, écoutez vous pas. Vous pouvez fermer la radio. Parce que dans le temps, je faisais la chronique le matin. Donc, graines de pavot, comme un muffin aux graines de pavot, un bagel aux graines de pavot pour le matin. Tu peux avoir une collation avec ça aussi l'après-midi. Toi. Collation dans quel sens? Collation dans le sens de manger un bagel. Ah, OK. Nice. Next. Continue. Vas-y. Oui. Parlais-tu de quickie? Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Non, excusez-moi. Fait que c'est ça. Puis là, graines de pivot, pourquoi? Parce que je trouvais que graines de pavot, dans le sens, graines, dans le sens de donner une petite information, de semer l'information pour faire pousser de l'information dans vos cerveaux, pour mieux vous informer. Puis pivot pour Bernard Pivot, parce que il a beaucoup fait pour la culture, pas juste française, mais francophone aussi. Tu vois, à chaque fois qu'il l'explique, c'est de plus en plus embourbé de détails. Oui. C'est compliqué pas mal, mais c'est pas grave. On aime ça. Ouais, je le sais, parce que je comprends de mieux en mieux ma chronique. Ça doit être ça. Donc aujourd'hui, tu nous dit que ça ravage en Italie, David. Ben, ça ravage pas, ça caravage, en ça fait. Ça, OK. Ah, c'est un jeu de mots? Oui. Ah, ben là, j'aime ça, je l'ai pas compris. Mais... Est-ce que vous savez qui est Caravage? Giovanni Caravaggio. Non. Non. Ben, vous allez le connaître. Bon. Tant mieux. Ben, ça donne bien, hein, quand même. Ça, je suis là pour ça. Mais en fait, Giovanni Caravaggio, c'est un peintre qui est né à la fin du 16e siècle. Et en fait, avant de rentrer dans le cadre de ma chronique, je vous parle de Giovanni. De Gio pour les intimes. OK. Donc, Gio... GC, sinon. Oui, aussi. Donc, GC, il est né à la fin du 16e siècle. Et lui, il y avait un maître qui s'appelait Simone Petrarzano, qui est un peintre assez célèbre en Italie. Et lui, en fait, a fait plusieurs peintures, mais ses peintures, en quoi il est révolutionnaire, pourtant, vous le connaissez pas, et il a quand même beaucoup révolutionné. Il a même influencé Rembrandt. Ah, puis vous la porte à dents? Non, pas Rembrandt, Rembrandt. Ah, excuse. Pas grave. Mais tu connais Rembrandt, Alexandra? Oui, je connais ça. Donc, vous connaissez Orson Welles. Ça a même influencé l'œuvre d'Orson Welles au cinéma. Mm-hmm. Donc, c'est ce qu'on appelle la popularisation, parce que c'est pas lui qui l'a inventé, mais il a popularisé le clair-obscur. C'est quoi le clair-obscur? C'est vraiment le gros contraste entre le noir et la lumière. Habituellement, dans les peintures, on fait attention pour jouer avec les nuances. On fait noir, après ça, on joue avec les teintes. Tandis que lui, c'est dans ta face. Okay. Et ça donne un effet saisissant. Puis aussi... dans le temps, on présentait des unités grecques, on présentait des beaux royaumes, des beaux fils, c'était beau, c'était pompeux, c'était wow, c'était l'époque, si je ne me trompe pas, du classicisme. En tout cas, je connais mal mes périodes en peinture, je suis désolé, mais ça, c'était la période ça, romantique, classiste. Tandis que lui, il arrive et s'est dit, bon, on va vous peindre juste un fond. Il n'y aura pas grand-chose dans le fond. Puis, au lieu de présenter des divinités grecques qui ont l'air en santé, que c'est fastueux, que c'est beau, on va mettre comme modèle, je vais prendre des gens dans la rue qui sont des prostituées, des pauvres, des gens qui sont malades. Puis, ils vont faire des figures de saints. Ou des figures parce qu'il a fait beaucoup de peinture, parce que c'est quelqu'un qui est considéré comme assez pieux et qui a peinturé beaucoup de représentations comme Saint Matthieu, la mort de la Sainte Vierge. Quand on voit sa peinture de la mort de la Vierge, la Vierge n'est pas réelée, puis c'est pas « wow, les anges blancs viennent la chercher ». C'est assez, t'as l'impression de voir quelqu'un de normal de mourir. Donc, ça a quand même choqué beaucoup de représentants à l'Église, parce que justement, on prend des gens qui sont considérés comme en bas de la société, puis on les représente des traits divins. Par exemple, il y avait un des dieux grecs, en fait, je sais pas si c'est Apollon, mais il est représenté malade dans le temps. Tu pouvais pas faire ça. Les dieux étaient en santé, étaient en forme, vigoureux dans les peintures. Ben, en fait, c'est qu'un dieu, en quelque sorte, est immortel. Donc, ne pouvait pas être malade. Oui, tandis que l'on... C'est logique. Oui, c'est ça, exactement. C'est vraiment très logique. Ça va bien avec logique. T'sais. Tandis que là, on le présente les yeux cernés, la peau blanchante, bref. Lui, c'est vraiment... On montre la réalité. Moi, je m'en fous. Il a déjà essayé de faire des peintures d'Antiquité. Il a vraiment pas aimé ça. Tandis que les autres, c'était comme « Wow, c'est beau, puis c'est pompeux. » Ce qui a fait un certain scandale aussi, sa vie en tant que telle, parce qu'il aimait beaucoup les garçons, puis les jeunes garçons aussi. OK. Donc, il s'entendait bien avec l'Église, en temps normal. Oui, beaucoup. Il y a quand même des représentants de l'Église qui aimaient ses peintures, sa représentation des saints, mais il a souvent été boycotté. Il a souvent fallu qu'il se fasse refuser des peintures justement à cause de son image. Puis il a même tué un chef de police, en fait, un chef milicien, dans une bagarre. Il a même pris la fuite alors qu'il était supposé être en prison. Il a déjà eu... Mettons, avant de mourir, ça a l'air qu'il a failli d'avoir l'absolution du pape, mais il est mort. Il y avait un mélange de syphilis, de paludisme, puis il a pas une jackpot. Un cocktail d'entre gens. Plein de trucs le fun. Ouais, ben il est mort à 39 ans aussi, donc... Ah, c'est pas 27, ça. Non, hein? Il est poche. Non. Ben, quoi que c'est quand même assez vieux à cette époque-là, 39 ans. Oui, je sais. C'est une joke. Mais 27 pour Janis Joplin. C'est ça. Mais oui, toi. Je suis trop mélange dans mes époques, désolé. C'est ça. Mais là, on monte, on fait des jumps dans les époques, c'est le fun. Janis Joplin, après ça, Caravage. C'est pas la même époque, ben. Non, pas vraiment. Donc, retournons à notre Caravage. Et là, maintenant que je vous ai présenté, pourquoi on n'en entend pas parler? Ben, justement, de un, ça a pris le 20e siècle pour qu'on le réhabilite. Puis même à ça, c'est que le problème, c'est que les gens, les experts peintres ou les collègues peintres disaient, ben, c'est là ce qui fait, on voit du monde lettre, malade, corrompu. Ça nous intéresse pas. Nous, on veut voir du beau, de l'épique. Ils veulent pas voir la réalité d'en face. Ça, non, c'est trop dégoûtant pour eux. Puis aussi, le fait qu'on voyait quand même des jeunes tout nus. Puis aussi, il y a une représentation quand même érotique de la religion aussi. Par exemple, Saint-Matthieu qui fait, mettons, qui témoigne d'une attaque, mais c'est ambigu. Tu sais, on sait pas s'il est attiré par Jésus ou il y a un petit côté ambigu dans ses œuvres aussi. Puis aussi, un malaise de la part même de certains spécialistes contemporains. Pourquoi? Parce que justement, par exemple, on voit Saint-Jean jeune, peut-être 13-14 ans, tout nu. Alors là, il y a un malaise par rapport à ça, même encore aujourd'hui. Ouais. Puis aussi, on connaît pas toutes ses œuvres, il n'a pas été encore tout identifié, il y en a qui s'appartient à lui, des fois on dit non, on n'est pas sûr. Ah, OK. Mais là, c'est pas celui qui les a peints. Oui, c'est ça. Donc, on est encore à l'état d'identification parce qu'il y en a plein. Mais maintenant, pourquoi, là, je rentre dans le vif du sujet de ma chronique, enfin. Mais ça a juste pris 8 minutes. Oui, OK, là, il me reste 5 minutes, Non, OK. Là, c'est qu'en fait, il y a deux spécialistes en art de peinture romaine, c'est-à-dire Bernardelli Curruz et Andriana Cocconi Fedrigoli. Excusez-moi mon accent italien. C'est proche, ça. Donc, eux, pendant 2 ans, avec une équipe de chercheurs, ça a l'air qu'ils auraient retrouvé au moins une centaine de dessins de Caravage quand il était jeune. C'est-à-dire quand il était élève. Lui, quand il était jeune, quand il a peint de lui. Quand il a dessiné. Okay. Et là, il y a un petit problème. De un, les peintures étaient rarement signées de sa part, et de deux, là, on parle de dessin alors que lui était réputé pour faire d'un trait ses peintures. Pas de brouillon, pas d'esquisse, rien. Donc là, ça les a mis en doute, et aussi la méthode. En fait, pourquoi je vous en parle? Parce que découvrir, mettons, les peintures brouillon de Caravage dans sa jeunesse, ça serait comme, on a découvert quelque chose d'important dans la peinture italienne. Mais en même temps, ce serait normal que son principe ait changé avec le temps. Je veux dire, ça se peut qu'il ait commencé d'une autre façon. Il n'a pas découvert cette technique-là dès le départ. Peut-être aussi. L'autre chose qui bug aussi, c'est comment ça a été fait. Parce que en fait, il y a comme... Le conservateur du château, Sforzesco, se retrouve cette collection-là. Lui dit, j'ai jamais vu l'équipe de recherche. Il n'y a pas personne qui sont venus dans l'hôtel, dans le château, où se retrouve la collection. Sauf que il y a M. Curruz qui dit, on l'a été, mais en dehors des heures d'ouverture. Ah, ben oui. Sauf que pourquoi il fait ça alors que le conservateur dit, c'est parce que c'est disponible en tout temps puis accessible pour tout le monde. Et aussi, l'autre chose aussi, c'est que d'un, selon les experts qui sont spécialistes en art italien de l'époque, les deux personnes qui auraient commandé la recherche, c'est des illustres inconnus. Même moi, j'ai cherché, j'ai trouvé aucune information sur ces deux personnes-là. Peut-être que oui, c'est des gens qui sont connus, réputés, tandis que les autres qui sont opposés aux deux chercheurs qui ont trouvé les brouillons, en fait les dessins de Caravage, bien, eux, ils ont fait des livres, tandis qu'eux autres, on ne sait pas c'est qui. Donc, ça soulève une énorme tollée en Italie. Par rapport à ça, il y a aussi, habituellement, quand tu fais une découverte de ce type-là, tu publies dans un journal scientifique, surtout quand tu es un prof d'université. Sauf qu'eux autres, devinez qu'est-ce qu'ils ont fait à la place. Paris Match. Non, pire que ça, c'est qu'ils ont fait, en fait, deux livres e-book. Ah oui? Oui. Donc, ça sent un petit peu l'opportunisme ici. Donc là, ça soulève tout un tollé par rapport aux œuvres de Caravage, par rapport à ça. Donc, tout le monde dit que finalement, c'est de la frime, que ce n'est que de l'opportunisme. Alors que eux disaient, ben regardez, on a découvert quelque chose de très important dans la peinture italienne. On a découvert quelque chose qui allait être marquant par rapport à l'œuvre de Caravage. On va mieux comprendre ses inspirations, alors que... on ne sait pas. Puis la méthode, ce que eux disent, en fait, les deux spécialistes, M. Kouros et Mme Cocconi Fedrigoli, ça aurait pas tenté de s'appeler Guette Tremblay. Ah. Ah, mais c'est pas grave, je respecte son nom. Mais parlant de nom, là, une petite parenthèse avant que tu continues, ça n'a aucun rapport. Mais tu sais, chose, okay. Michelangelo, en français, on l'appelle ouais. Michel-Ange. Oui. Le Caravaggio, on l'appelle Caravage. Oui. Comment ça fait qu'on n'appelle pas, mettons, Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio ou quelque chose de genre? Comment ça fait qu'on adapte seulement les noms des peintres en français comme si c'était correct de changer le nom de quelqu'un? Je comprends pas. Ben, peut-être que de nos jours, DiCaprio, ça fait comme, ah, italien, ça fait tellement exotique, ah, la mer Méditerranée, ah, le sable qui me coule dessus. Alors que Caravaggio, c'est juste. Caravage. Caravage. Ben en fait, il s'appelait, il y a un surnom, le Caravage. The Caravage. Oui, mais non, c'est quelqu'un d'important, mais de très méconnu au niveau de la peinture, alors que Michelangelo, Raphaël, puis en fait, je me rappelais plus, Leonardo. Sors les noms des Ninja Turtles. Ben c'est ça, Leonardo da Vinci, j'avais un trou de mémoire pour Leonardo da Vinci, hey, oui. J'en reviens pas. Justement, c'est un autre qui a, dans d'autres langues, c'est Da Vinci. Ben oui, c'est ça. Pas de Vinci. Mais c'est Da Vinci, Monsieur Da Vinci, alors que eux sont connus, alors que lui, alors qu'il a inspiré des grands peintres comme Rembrandt, on en parle presque pas justement à cause de son mode de vie. Et là, des spécialistes prétendent que on a trouvé sa jeunesse, alors que finalement, puis eux, en fait, ils ont découvert 100 dessins. Puis eux, leur méthode, c'est quoi? C'est que ça a l'air qu'ils ont demandé d'avoir des photographies des peintures de la collection pour pouvoir les analyser. Puis ça a l'air qu'en les analysant avec l'œuvre de Caravage, ça a l'air qu'ils ont pu faire un lien puis dire « Ah, ben ça vient vraiment de Caravage. Ouais, » ben. Intéressant, ça. Au lieu de dire « Ben, je viens pour garder », ben, ça a l'air qu'ils auraient exigé juste ça. Mais là, on sait pas pourquoi le monsieur Kouros, qui est un des deux maîtres chercheurs de la recherche, dit « Ben, j'ai pu aller dans les heures d'ouverture grâce à un haut gradé du musée. » Bizarre en effet, mais bon. Ça reste la peinture, reste un mystère pour moi. Peu importe si t'appelles Picasso, Rembrandt ou... C'est pour ça que Picasso, il devient pas Picasso en français, genre. Parce que c'est espagnol et non italien. Bon. C'est ta réponse à tout, encore une fois! Ben, j'essaye. Mais non, c'est ça et tout ça pour finir. En fait, je finis ma chronique en disant que ça a l'air que la collection vaudrait 700 millions de dollars. D'euros, pardon. Donc, ça faisait à peu près, si on calcule, au moins 900 millions de dollars. Comment ils ont évalué ça? C'est que les deux spécialistes se sont dit, ben regardez, ça vaut à peu près chaque dessin de grand peintre à cette époque-là valait 7 millions. Donc, ils ont fait un calcul. Pour dire 700 millions d'une peinture qu'on n'est même pas sûr que ça vient de qui. Donc, ouais. Ça sent un petit peu l'opportunisme. Mmh. Et donc, je vais finir ma chronique en vous présentant une chanson, en fait, d'un compositeur italien qui s'appelle, qui est assez populaire en italien, en Italie. Qui, lui, a quand même souvent des chansons qui se retrouvent dans le top 100 ou des albums qui se retrouvent là-bas en Italie. En fait, c'est Ludovico Einaudi. Sauf que là, il est en collaboration avec un joueur de cora. Un cora, c'est un instrument qui se retrouve dans l'Afrique francophone, Mali, Soudan. Je vais vous faire une chronique un jour, c'est quoi le cora, mais c'est une espèce de mélange de luth, de harpe, puis de violoncelle, puis de guitare. Mais c'est une lutte géante. OK. Lutte comme dans instrument musical, oui, non, oui. Sport. Et là, je vais vous présenter une chanson qui s'appelle Chameau de Balaki Sissoko, qui est le joueur de Cora, avec l'italien Ludovico Einaudi. Pourquoi je vous ai pas présenté Ludovico Einaudi tout seul? C'est parce que je trouve ça plate. Ah! Il serait beaucoup plus intéressant si on l'appelait juste Ludovic Eno en français. Ah, oh! Ça le marque. Hein? Là, Mathieu va regarder sur Internet tous les noms italiens puis va les traduire en québécois. Toute la gang. Je sais pas, comme Alexandra, ça pourrait être Alexandrine. Ah non, c'est pas italien, c'est québécois, excuse. Mais Alexandra, c'est déjà Alexandra. Alexandra. Alexandra. Ouais. Ça va bien, c'est sorti de la gorge de même. C'est comme dans Zorro, là, il s'appelle Alejandro, son fils. Ah ben, quand, ça fait des liens ici, c'est beau. Ou comme dans la toune de Lady Gaga. Lady Gaga. Mais j'aime mieux le référent Zorro. On écoute ça, graine de pivot dans la vie de croisière d'Assemblage Rock. Oui. C'était la pièce Chameau avec les deux musiciens. En fait, de un, le Malien Balaké Sissoko et avec l'Italien Ludovico Einaudi tiré de l'album Festival in the Desert. Superbe! Oui! J'espère que vous avez bien aimé la pièce. Oui, oui, oui. Ben, c'est qui faisait quoi là-dedans? Parce que tu sais, il y en avait un qui faisait pas de musique tout seul. Il faisait de la musique tout seul, mais là, il était accompagné de l'autre gars. Ben oui, c'est un duo, en fait. Balaké Sissoko faisait le cora, c'est l'instrument que je vous parlais tout à l'heure. Ce qui sonnait comme ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ouais, ben, comme la guitare, mais qui sonne comme une harpe avec la distorsion. Mm-hmm. Mais, en fait, le piano, c'est Ludovico Einaudi. Mais le problème, c'est que quand on l'écoute tout seul, c'est le genre de musique que t'écoutes quand, à l'automne, il reste juste 5 feuilles par arbre, que t'as le goût d'écouter Salut Bonjour avec un café instantané. Qu'est-ce que t'as contre Salut Bonjour cet après-midi, toi, là? Ben, ça met beaucoup de soleil dans mon cœur. Tout à fait. Mais pas autant que votre émission La vie de croisière dans Sablage requis. Ben non, mais la nôtre, Colin, tu l'écoutes 3 fois par semaine, c'est 3 fois même, tu sais. Ben oui. Comme, tu connais les jours par cœur. Ben, tant mieux, mais je suis sûr qu'il y a toujours un troisième degré à troisième écoute. Sûrement, j'espère. Ouais. Donc, David Ferron, une autre graine de pivot la semaine prochaine. Oui, je sais pas de quoi je vais parler, mais un gros merci à Alexandra et à toi de m'avoir accueilli, puis je vais penser à fort, fort de quoi je vais parler. Merci d'être venu. Ça nous fait plaisir. Mm-hmm. Au revoir. Au revoir. Donc, nous, on continue avec le palmarès francophone. Alex, ça te tente? Mais oui, ça me tente bien. Une chance, parce que t'as pas vraiment le choix. Hein? Tantôt, on va entendre Janis. Parlant de Janis Joplin, c'est un autre Janis avec encore plus parce que ça porte plus dans le nom, c'est Janis Plus. Ben oui. Il y a aussi chose Ily Papillon qui s'en vient tantôt. Mais juste avant, on va aller écouter Reine de France avec la chanson Week-end perdu qui est en 11e position cette semaine. Vous écoutez l'émission estivale en pièces détachées, c'est la vie de croisière d'Assemblage Rocky. Sur C'est fou, 89.5. Savourer pour oublier le temps amer, trop éphémère, celui d'hier. corps amer, trop éphémère, celui d'hier. Aujourd'hui, quand je vois le ciel, je savoure encore le goût du miel, mais je ne pardonne pas nos mille querelles. À jamais, nos mille querelles. À jamais, nos mille querelles. Et c'était Week-end perdu de Reine de France qui était en 11e position, qui a fait une belle ascension parce qu'il était en 19e position la semaine dernière. Je m'excuse de te corriger. C'était Élie et Papillon. Oh mon Dieu, c'est vrai, excuse-moi. C'est pas grave, c'est comme ça. Donc Élie et Papillon. T'as passé le test, t'es à l'écoute. Mille querelles, le nom de la pièce, ça monte d'une place. Et Reine de France, c'est ce qu'on avait entendu avant. Mais oui, juste avant, pardon. Pas mais c'est tout vrai là, ce que j'ai dit là, de 11e place là, puis qui était à 19e avant. Là. C'est l'émission, ça s'appelle pas Assemblage requis pour rien. Faut que vous mettiez dans l'ordre des chansons qu'on vous joue. C'est mauvais. C'est très mauvais. C'est pas grave. Je parle pas de l'émission. Là. Non. Ben non. Tout à l'heure, Janice et Simon Kingsbury, entre autres. Il y a aussi Lisa Leblanc. Là, je parle là-dedans. Lisa Leblanc, tu sais, c'est ce ben que oui. je pense de ça. Mais moi, je l'aime. Moi, je suis contente qu'elle soit là. C'est comme un genre de moitié-moitié. Là, on partage les goûts ici. Mais avant de passer à ce palmarès francophone, la suite des choses, c'est le moment de se partager quelques informations essentielles de la vie. Je sais pas si ça dit quelque chose. Pas avec, ça doit être la chronique. C'est un fait! Bravo. T'avais comme une chance sur quatre de tomber sur le bon ouais, nom de chronique. C'est ça. J'ai eu de la chance. C'est drôle que toutes mes chroniques commencent par un C. Hey! C'est vrai. Ça explique ça de répondre là, c'est un fait, Cénix. Wow. C'est pour me mêler. C'est pour te mêler. C'est pour me mêler. Donc, allons-y avec une rafale de faits pour commencer. Quand le pape Jean-Paul II, il a visité la Californie et la pancarte Hollywood a été changée pour devenir Hollywood. Oh là là. Le bois sacré comme ce qui ça, c'est l'aide avec les petits garçons. Puis... Oh. Tu en fais beaucoup des blagues là-dessus. Hein? Oui, mais c'est pas grave. On sent tout le temps drôle. Pepsi. Mm-hmm. Au départ, ça s'appelait la boisson de Brad, Brad's Drink. Mon Dieu, c'est bien meilleur Pepsi. Ben, j'avoue. En plus, ça rime avec ici. Ici, c'est Pepsi. Qu'est-ce que ça aurait été? Le slogan, ça aurait été Brad's Drink. Québec. Au Québec. Au Québec, c'est Brad's Drink. Ici, on boit rien que du Brad's Drink. Hein? Oh yeah! Hey, marketing! Hey, mais moi, j'aime beaucoup la nouvelle pub de Pepsi. J'ai pas vu avec le Normand d'Amour, là? Ben oui. Ah, c'est puis pas... les Denis Drolet. Oui, c'est bon. Ils vont en faire d'autres, je pense, de ça. Ça me fait rire. Ouais, mais moi, je préfère dans Ramdam, il appelait ça du Popsi, ça. Du Popsi. Popsi, c'est bon. Ah, parce que dans le fond, il était pas commandité. Non, il était commandité par le jus Oasis, fait. Ah. Dans les années 50, j'en sais des choses, hein. Des choses utiles. Dans les années 50, les films en 3D. Oui, les films en 3D existaient dans les années 50. C'était à la mode. Il y a eu beaucoup de modes de films 3D. Dans les années 80 aussi, je pense que c'était pas mal à la mode. Il y a tout le temps des phases de 3D. Les gens se tannent vraiment vite. Les compagnies essayent de pousser ça comme si c'était vraiment comme révolutionnaire. C'est ce qu'ils font avec les films maintenant. Hein? Nous autres, on voulait aller voir Spider-Man, puis le juste en 3D, le pas normal. Tu peux plus aller voir Spider-Man en 2D. C'est fâchant. Aïe, aïe, non, c'est vraiment pas le fun. Donc, dans les années 50, les films en 3D, on les appelait les Deepies. Comme profond, là, Deep, D-E-E-P-I-E-S. Parce que, tu sais, les films, quand ils ont commencé à faire des films parlants, ils appelaient ça des Talkies, tu sais. Oh, des films profondeurs. Profondeurs, des Deepies. Donc, on suggère de peut-être ramener ça à la mode, tu sais. Spider-Man Deepies. Non, pas vraiment. 2520. C'est pas parce que c'était drôle, là, c'est juste étouffé par en même temps qu'à rien. Donc, 2520, c'est le plus petit... est-ce qu'on dit nombre ou chiffre à ce moment? En tout cas, peu importe. Mais le plus petit, grand nombre, chiffre, c'est les 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0, je pense. Je sais pas c'est quoi la différence. Je me mêle facilement avec ça. Donc, 2520, je pense que vous avez compris le chiffre, là. C'est le plus petit chiffre, nombre ou peu importe, qui peut être divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et finir avec un chiffron. Ah oui? Intéressant, hein? très intéressant. Moyennement, tu peux le dire. Moyennement intéressant. Si j'étais en infomat, ça serait le fun. Ben, j'ai dit ça aux gens d'infomat. Puis, ils ont pas trouvé ça le fun? Je sais pas. Je l'ai dédié à la machine à café qui est à côté du, d'Infomat. Ils font. C'est une méchante machine. Ah oui, c'est ça. OK. J'ai jamais goûté au café d'Infomat. Ouais, voilà. Côté okay. de la table, c'est bon. Voilà, c'est bon. La menthe religieuse. On revient à la religion ici. Oui. Un animal très, très priant. Là. Donc, la menthe religieuse ou praying mantis en anglais. En fait, je pense que c'est praying mantis. Il n'y a pas le H. Mantis. Je sais pas. Ça n'a qu'une oreille. Une seule oreille. Et où est-elle située? Entre ses deux jambes. Ben, pattes, là. Pattes de... Ouais, des pattes de... Ben, ça mentionne juste les jambes, fait que je sais pas si c'est les pattes dans l'arrière, je me dis. Ben oui, parce que sinon, c'est des espèces de... Mandibules, là. Mandibules, fait que ça, c'est pas... Mandibules? On n'est pas des experts là-dedans, là. Eh non, hein, tu demanderas au monde de biomède. Hey, on dédie chacun des faits à un bac ou un... Donc, c'est ça. Une seule oreille entre les deux jambes, c'est ça. Bio-éco, excuse-moi, ça va être mieux. Bio-éco. En 1999, Disney a rappelé, a demandé aux gens de leur renvoyer 3,4 millions de copies du film The Rescuers parce qu'on voit une femme topless dans deux frames du film. The Rescuer? The Rescuers. C'est quoi ce film-là, donc? Dis-moi donc le, film, le titre en français. The Rescuers français. Tape ça, ça va être Wikipédia. Donc, dans le film The Rescuers, je sais pas si tu sais c'est quoi des frames en télé, en film, etc., non? Non. Il y a 29,997 ou encore des fois 30 frames par seconde. D'accord? Dans la vie, dans les films, etc. Des fois, il y a 24. Ça dépend des domaines. Là. Mais donc, en général, mettons une trentaine. Ça veut dire deux frames, là, c'est un 15e de seconde. OK? Oh. Et je vous ai posté l'extrait sur assemblagerequis.com en quelque part. Où est-ce que j'ai mis ça? Je le trouve plus. Au pire, je cherchais The Rescuers Topless. Ben, c'est Bernard et Bianca, The Rescuers. Hey, bravo, la traduction littérale, toi. Hein? Comment? Bernard et Bianca. C'est Bernard et Bianca. Ah. Tu sais, les deux souris, là. Ben, en tout cas, moi, je sais c'est quoi, là. Possiblement. C'est ça, c'est les deux souris, Bernard et Bianca. Et ça, en français, on le connaît beaucoup, ce film-là? On... Ben oui, ben, moi, je l'ai en cassette chez nous. Puis, tu sais, ils volent sur une espèce d'oie avec un chapeau de... Ben, c'est dans cette scène-là, quand ils volent, je pense qu'on voit le topless. Je suis allé le voir, en fait, l'extrait. Je pensais l'avoir posté, mais je l'ai pas posté. Donc, chercher The Rescuers topless. Et non, tu sais, The Rescuers, on s'entend que c'est comme les sauveteurs, genre. Ben oui, ben c'est deux souris qui sauvent le monde. Fait qu'en français, t'appelles ça Bernard et Bianca. C'est évident. T'as pas du sarc, ça s'appelle Bianca? Ben oui. C'est pour ça qu'on connaissait ça. Ouais. Ben oui, ma sœur s'appelle Bianca. Salut Bianca. Hello! Premier produit de Sony. Le premier produit de Sony, c'était une machine pour faire du riz. Rice cooker. Ah oui? Ça n'a pas tellement fonctionné. Mais moi, j'en ai une machine pour faire du riz. Mais c'est pas une Sony. Non. on n'assiste pas non, du tout avec Sony. Fait... Dans quoi t'as fait cuire ton riz? Ben dans mon Sony. Dans mon Sony. Dans mon magnétoscope. Dans mon Walkman. Ah oh, oui! T'allais dire d'autres choses? Non, c'est ça. Savais-tu, vraiment au sérieux, c'est pas ça, je suis pas savais-tu que les boîtes de CD, à l'époque, au début des années 90, les boîtes de CD étaient beaucoup plus hautes? Moi, je savais pas, j'avoue que je suis peut-être un peu jeune là, pour le savoir. Je suis sûr que tous les fanatiques de musique un petit peu plus âgés le savent. Mais les boîtes de CD étaient faites sur le long au départ. Pourquoi, me demandes-tu? Pourquoi, c'est pour... je te demande. Bon, je suis un peu pilé dessus en essayant de répondre. C'est pour pouvoir mettre deux CD côte à côte dans l'espace qu'un vinyle prenait des magasins de disques. Oh! Ben, c'est pas fou. C'est très bien. Et donc, les boîtes étaient faites exprès. On glissait la boîte normale du CD, le jewel case qu'on appelle, dans le carton. Et puis, c'est ça. Donc, vous pouvez aller voir sur... Et là, j'ai mis l'extrait, je pense. Tabarouette. Oui, j'ai mis l'extrait. Bravo. De Jean, en 1991, qui se ruait dans les magasins, le magasin Tapes, à minuit, pour aller acheter l'album de Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 and 2. Donc, vous pouvez aller voir les boîtes de CD sur le long en train d'être mises dans un sac... qui portait les gens la mention du compact disc, etc. Donc allez voir ça, c'était le je pense pas que c'est le début exactement. Je pense que ça a commencé en 91. Je m'en porte un petit peu là-dedans. Je demanderai à Simon Fitzbé, l'historien du CD. Mais bref, c'est fascinant à voir. Moi, je savais pas ça et je suis bien content de l'avoir appris. Souvent, ils prenaient le même design que la boîte du CD, mais avec plus de couleurs en haut et en bas. C'est comme mettons le disque de choses là, Nirvana. Oui. C'est Nirvana avec le petit bébé. Kurt Cobain, oui. Avec le bébé. Le petit bébé? Bon. Weird Al Yankovic avait fait une pochette qui ressemblait à ça. Le reste de la pochette, c'est juste plus d'eau. Ils rajoutaient du design. Je sais pas. Ils devaient prendre Photoshop, là, version moins 16. Avant que ça existe. Version moins 16. Ouais. C'est ma version préférée. Mieux oui, que la moins 14, mais quand même. Qu'est-ce que je disais? Attends un peu, y avait-il une autre affaire là-dessus? Je regarde si j'ai pas fermé mes fenêtres trop rapidement. Non, d'accord. Allons-y avec le... C'est-tu de la rhubarbe? C'est un légume? Non, je pense... Vous me voici surpris, autant que toi. Ben, c'est une tarte à la fraise et à la rhubarbe. Je pensais que c'était deux fruits. Ben non, la rhubarbe est un légume. Évidemment, on sait tous que la tomate est un fruit, le brocoli est une fleur. Ça, je savais pas ça, par contre. Non, non plus, parce que c'était un légume. Eh ben, c'est bon. Rhubarbe, c'est bon, la rhubarbe. La version chinoise. OK, on embarque dans un bloc thématique. Tu sais, comme j'aime faire des blocs thématiques une fois de temps en temps. C'est le fun. Bloc Asie. OK. Ça n'a aucun rapport, mais c'est comme ça. La version chinoise de Antiques Roadshow. Tu connais l'émission de où on va présenter des objets qu'on avait dans son grenier? Oui, mon frère, il aime bien ça. C'est le fun. On salue évidemment ton frère... Mathieu, évidemment. Donc, la version chinoise d'Antiques Roadshow, on détruit les articles qui sont déterminés comme étant faux à la fin. C'est génial, ça? Ouch! Oui, okay. Évidemment. Bon, on apporte nos objets là-bas. Là, il y a un panel qui détermine si c'est vrai ou si c'est faux. Seulement, les pièces qui sont jugées fausses vont être détruites. Évidemment, il y a un risque parce que, tu sais, comment on détermine si un objet est véritable ou pas? D'ailleurs, il y a, dans les années 70, un vase de porcelaine antique de l'ère Qianlong. Ils ont déterminé qu'il était faux. Et bien, finalement, on a terminé plus tard. C'est ça, et que ça valait 85,9 millions de dollars. Christophe Colomb. Oui, en effet. Je ne l'ai pas, donnez-moi-le. Et voilà. Donc, en tout cas, c'est ça. Ensuite, est-ce que vous avez déjà ri de quelqu'un ou toi, peut-être que tu l'as déjà fait? Moi, je sais que je l'ai fait très fréquemment parce que je trouve ça vraiment cliché. Mais des tatous qui montrent des caractères chinois ou japonais, tu sais. Est-ce que tu as ça, un tatou chinois-japonais? Non, moi, j'ai un tatou grec. Original, j'aime ça. Oui. Ça dit quoi, fromage feta? Non, ça dit qu'il y a des vents favorables. Oh! Ouais. Ben, carrément. Ben, c'est ça. D'accord, donc... Mais, par exemple, mais, les tatous... En Chine, en ce moment, c'est très, très à la mode de se faire tatouer des mots américains sur le corps. Ah ouais. Pour eux, c'est exotique, c'est unique, c'est le fun. Donc, ils se font tatouer les noms de leurs vedettes préférées, mettons Jolie ou Pitt. Tu sais, se tatouer Pitt, là, tu sais. Pitt. Donc, les tatous qui sont une tradition depuis longtemps en Chine. Malheureusement, le gouvernement communiste était, dans le fond, maître de la Chine, est encore maître de la Chine en ce moment. Et ils n'aiment pas tellement cette pratique-là. Et ça fait seulement 5 ans, entre 5 et 10 ans, que les tatous les boutiques de tatou ouvrent en Chine. Donc, c'est rendu comme populaire. Ça ouvre de plus en plus depuis les 5 à 10 dernières années. Donc, ils importent leur encre et leurs aiguilles d'Europe. Et puis, souvent, se mettent dans les endroits résidentiels. Un tatou coûte en moyenne le salaire d'un mois pour quelqu'un qui travaille dans une usine là-bas. Un mois. T'sais, on dit qu'il faut que tu achètes l'équivalent de ton salaire d'un mois pour une bague de mariage, je pense. C'est ça? Ouais, c'est ou 3 mois, c'est un mois ou 2 mois. Ben, je m'en fais plus, une chère. C'est ça. Donc, plusieurs collégiens se font tatouer en Chine, mais les docteurs, les professeurs, les banquiers commencent à se faire tatouer aussi là-bas. Oh! La Chine exécute plus de 1000 personnes par année. Et jusqu'en 2008, ils montraient les exécutions à la télé. Hein? Ben ça, oui. Ça, c'est un peu... Ben, justement, c'est ça qu'ils ont compris avec le temps, que c'est un petit peu... c'est un peu anti-tout, là. En effet. Donc, des prisonniers politiques, des violeurs, des dealers de drogue, des trafiquants de drogue ont été exécutés. Et même si c'est des crimes cruels qu'ils ont commis, ces gens-là, les gens de partout dans le monde pensaient que... Attends un peu... Ils utilisaient encore la méthode vieux jeu de l'exécution par une balle en tête. Ah ouais? Balle dans la tête. Même pas le truc. Non, même pas. J'imagine que ça devait arriver aussi, mais c'était quand même commun, les tirs à la tête. Donc, la Chine montrait les exécutions à la télé nationale jusqu'en 2008, alors qu'ils ont accueilli les Jeux olympiques d'été. Et ils ont reçu de la critique de d'autres pays, d'autres organisations. Donc, évidemment, ils ont arrêté de montrer ça à la télé. Tant mieux, hein? C'est ça. C'est anti-moral. C'est ça mon mot tantôt. C'est à peu près ça, tu l'as trouvé. Ben oui. Les Asiatiques de l'Est ont des yeux plus... pas petits, parce que littéralement, c'est pas des yeux plus petits, leurs yeux sont même grandeur. Oui, mais la paupière. La paupière, exactement. À cause d'une gétation, c'est le mélange de mutation et génétique. une gétation mutétique qui est arrivée il y a plusieurs siècles. Donc, c'est pas tous les Asiatiques qui ont les yeux, entre guillemets, plus petits. Ça s'applique surtout aux gens de l'Asie de l'Est. Donc, comme je disais, leurs yeux ne sont pas plus petits. Ils ont une peau additionnelle qui s'appelle, en anglais, l'epithelial fold, pli épithélial, quelque chose de genre, sur leurs yeux. Donc, ce pli-là qui leur permet de protéger leurs yeux contre les vents extrêmes et les vents féroces, si on veut, qui arrivent au Tibet, qui ont lieu là-bas. Oh. Donc, en moyenne, les chutes de neige annuellement sont de 18 pouces Et la terre est sèche 9 mois de l'année. Pendant 9 mois de l'année. Et ben, OK. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'ils sont adaptés à leur environnement, si on veut. C'est comme l'évolution des choses. Ah. Et puis, c'est ça. Je sais pas c'est quoi notre particularité à nous. Je sais pas. S'il y a quelque chose qui a changé dans notre physionomie par rapport à notre climat. Bonne question. Je sais pas. Très bonne question. Tu sais, c'est un peu comme quand on dit qu'au Québec, on n'a pas l'accent. Ben, parce qu'en France, il y a un accent français, mais les Québécois, nous autres, on n'a pas l'accent. On a un accent québécois. Non, mon père a un accent, clairement. Ouais. Lequel? Celui de la... Ben, celui de la ferme. OK. Bon, je pense que t'as dit celui de la chute. J'étais comme... Ah, okay. Mais peut-être qu'on n'est pas là depuis assez longtemps pour que notre corps ait fait un changement physionomique par rapport à notre climat. Exact. Je sais pas. Jackie Chan a commencé en pornographie, savais-tu ça? Oh, non. Tout à fait vrai, on peut pas inventer ça. Dans les années 70, Jackie Chan jouait dans des films de porno classiques, en fait, dans une série de films porno qui s'appelait All in the Family. À ne pas confondre avec la série All in the Family avec Archie Bunker, là. C'est bon. Wow. Donc, All in the Family, qui était une comédie pornographique basée à Hong Kong. Donc, il a pris sa retraite des films d'action récemment et commence à être un acteur un petit peu plus dramatique, même s'il n'est pas capable de parler en anglais du tout. Ouais, on s'entend, il fait des pubs de V8 puis pas capable de dire. Donc, c'est ça. On pourrait croire que qu'il regretterait ça et que ça a peut-être nuit à sa carrière. Pourquoi qu'on dirait ça? Parce que sa carrière va très bien. Va très bien, oui. Mais même des bonhommes, Jackie Chan. C'est vrai, hein? C'est pas lui qui fait la voix en anglais. Non. C'est pour ça que c'est bon, ça. Donc, Jackie Chan n'est pas le seul à avoir démarré dans la pornographie. Vous savez peut-être que David Duchovny a commencé avec un passé similaire à celui de Chan. Il était vedette d'une série de porno avant ses jours dans X-Files. Cameron Diaz a eu une sextape, mais par contre, contrairement à Chan, elle a vraiment s'est battue très fort pour la faire enlever du marché. La distribution. L'ancien gouverneur de la Californie, Arnold Schwarzenegger, est pas non plus, c'est comme un double. Il est pas non plus, là. Clean. Donc, avant d'être Terminator et avant d'être Monsieur Olympia, il a posé nu pour des magazines gays. Et avant de faire Friends, Joey Tribbiani, c'est le personnage, Matt LeBlanc, était la vedette d'une série pour adultes dans les années 90. Et puis, Sylvester Stallone, finalement, était la vedette en 1970 d'un film porno pour lequel il a été payé 200$. Ouch. Bravo. Quand ça a débuté sa carrière. Il y a Diego de Luna aussi qui a fait qui? Ça. Qui? Pardon? C'est le Diego, gars qui là. Joue dans le nouveau clip de Katy Perry, mais il joue aussi dans Danse la Save 2. Hey, quel est-ce? C'était un acteur porno. OK. Bon. C'est tout. Super, ça. Il nous en reste quelques-uns. On va, à la place de couper la chronique en deux, finir la chronique parce que je veux finir mon thème asiatique là-dessus. On laissera les autres la semaine prochaine. Les salles de bain des femmes au Japon. J'en ai déjà parlé, mais il va y avoir plus d'explications là-dessus. Ils ont un appareil qui simule le bruit d'une toilette qui flush. Ben oui. Je trouve ça super génial. C'est génial. On connaît pas la tradition ici, mais ça s'appelle le Sound Princess. Oui, l'appareil qui a été présenté pour la première fois dans les années 80. Et depuis ce temps-là, on les retrouve dans presque chaque toilette publique au Japon. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Ben, c'est que les femmes japonaises sont très, très, disons, elles sont gênées de faire leurs besoins dans une salle de bain. Donc, elles flushaient en continu pendant qu'ils étaient aux toilettes, c'est super confortable ça comme pose. Ça arrive aux filles de faire ça. Faut-tu fais ça, toi? Ben oui, des fois. Ah ouais, pour vrai, eh ben, je te connaissais pas aussi gêné. Donc, elle flushait et ça gaspillait beaucoup d'eau. À la place, donc, ils ont inventé le Water Princess pour sauver de l'eau, économiser de l'eau. Quand on appuie sur le bouton, ça fait un gros bruit artificiel de flushage de toilettes. On dit qu'on sauve, on économise. Faut dire économiser, j'ai de la misère à le dire. Faut économiser, donc, 20 litres d'eau à chaque fois que l'appareil est utilisé. C'est quand même pas pire. Il y a beaucoup de femmes, par contre, qui trouvent que le son est beaucoup trop artificiel. Ils préfèrent continuer de flusher leurs 20 litres. Oh, mais voyons, c'est juste pour enterrer. C'est pas une question d'artificialité. Tu flushes 15 fois, là. 20 fois faire un chiffron, pas plus capable de faire les calculs, tu sais. J'ai essayé, mais peu importe le stade de l'émission, les problèmes de calcul. il nous en reste deux, mais j'ai trouvé tellement intéressant que je défonce mon temps à louer. Les Coréens mesurent leur âge de façon assez particulière. Tu sais, dans le monde, on est sans année. T'sais, on est à zéro année. Oui. Et quand on atteint un an, on a un an. On calcule les mois jusqu'à, je pense, 2-3 ans passés. Hein? Ouais, 75 mois. 24 mois. Ça n'a pas d'allure. Ah, mais en tout cas, ça, c'est un autre problème. Le système coréen n'est pas aussi facile. En Corée, un bébé naît à un an. Parce qu'on compte le temps passé dans le ventre de la maman. Ah, autre chose, l'avortement, c'est... C'est ça. Mais pourtant, on est à un an, pas à 9 mois, tu sais. En tout cas, si je comprends bien l'article. Donc, ça a l'air étrange, mais c'est encore plus bizarre que ça. On ajoute une année à chaque nouvel an coréen, qui n'est pas le même que le nôtre. Je n'ai pas la date, mais c'est pas grave. Donc, aussitôt qu'on atteint cette date-là, ça veut dire que si tu nais, OK? Oui. On m'écoute bien. Si tu nais le jour avant le nouvel an, OK? Oui. Tu as un an. Oui. Lendemain? deux. T'as deux ans. Ça veut dire que dans le fond... Ça veut dire que ça n'a pas l'air de sens. Est-ce qu'à chaque année, tu rajoutes une année à cause du nouvel an? Oui, tu rajoutes la nouvelle... Ben, en tout cas, je ne sais pas. Ça, c'est une très bonne question. En ce moment, j'aurais comme 44 ans? Parce qu'on double le chiffre d'année? Non, je penserais pas. Okay. Je pense que ça arrive juste une fois. Je suis mêlée. Ouais, je pense que tu nais un an et puis tu changes d'année à chaque nouvel an. Je sais pas. C'est ce que ça a l'air de dire. Ah, dans le fond, peu importe quand tu... Je suis pas sûr de ce fait-là. Quand tu nais. je comprends une partie du fait, mais celle-là, je dois t'avouer que je ne sais pas. Je suis un peu confuse. Donc, il y a plusieurs personnes en Corée qui calculent leur âge de la façon qu'on la calcule nous-mêmes parce que c'est plus simple. Oui, effectivement. Beaucoup moins compliqué. Mais la tradition est quand même populaire en Corée. Le système a démarré en Chine et a été utilisé en Asie pendant plusieurs années. C'est devenu illégal au Japon. Et on a arrêté d'utiliser dans la plupart des endroits. Par contre, la Corée favorise encore ce système-là de nos jours. Bon. Et on termine sur une note un petit peu triste, je trouve. Il y a une forêt au Japon qui est célèbre pour ses suicides. Oh! Oui. Ça s'appelle Aokigahara, hein, ou la mer des arbres. Mer comme dans la mer, pas la mer-mer, mais dans la maman. The sea. OK, from comme sea to la mer des arbres. Okay. C'est ça qu'on précise, la mer. Tu sais, pas la mer, la mer. Donc, à chaque année, presque 100 personnes se pendent parmi ces arbres. C'est une forêt très, très dense, là, qui est à la base nord-ouest du mont Fuji. Et donc, c'est ça, les arbres sont très, très denses. Et donc, une absence d'animaux et de vent, ce qui fait qu'il y a vraiment comme un silence assez épeurant là-bas. La forêt qui a été liée aux démons et à la mort à cause de la mythologie japonaise. On dit qu'à chaque année, c'est environ au mois de mars, les gens entrent dans la forêt avec une corde et peu d'autres choses. Se trouve un arbre pour se suicider. La forêt est tellement dense, comme je disais, que le gouvernement a admis qu'il y a plusieurs corps dans cette forêt-là qui n'ont jamais été trouvés. Oh my God. En 1960, le roman Nami no To, qui parlait de deux amoureux qui ont, dans le fond... terminer leur vie ensemble dans cette forêt-là. Et puis, ben, ça s'est devenu populaire et donc, plus en plus de gens allaient se suicider là. Le gouvernement a commencé à placer des affiches en japonais et en anglais un petit peu partout dans la forêt pour dire aux gens, « Hey, tu sais, repense-y deux fois. » Évidemment, ça convainc pas grand monde. À chaque année, on dit que le gouvernement envoie un corps de recherche, si on veut. Ouais. Donc, pour essayer de trouver les gens qui sont morts là-bas. Et puis, on a arrêté de publier le nombre de gens qui sont morts pour essayer de décourager les autres. Encore une fois, je pense pas que ça fonctionne, mais... Non, effectivement. C'est terminé mal, hein? C'est triste. Ouais, c'est triste. OK. Alors, j'en ferai pas d'autres, ça finira plus. Donc, voilà pour la chronique. C'est un fait. À un moment donné, il faut mettre un frein à ça, cette affaire-là. Là, hein? Mettre la corde au... Il y a trop de faits. Mettre la corde au cou de la chronique. Oh non. Non, pas de jeu de mots avec le nom. Ah, m'excuse. Pas grave de m'en empêcher. Ouais. Donc voilà, pour cet fait, une autre chronique la semaine prochaine. Pour l'instant, on va retourner en musique. En fait, non, je regarde ça, on a dépassé l'heure, donc on va terminer l'heure ici. Ça te dérange on pas? On termine l'heure, non, pas du tout. Ça te dérange pas? Bon, on termine l'heure. On va se retrouver tout à l'heure avec, entre autres, la chronique de Simon Fitzbay. Évidemment, c'est la chronique pour les nuls. Et aujourd'hui, il nous parle de quoi, Alexandra? Est-ce que tu t'en rappelles? Il nous parle d'élection. Hein? D'élection, parce qu'il y a des rumeurs à ce qui paraît, là. On entend à travers la forêt d'arbres denses entre les corps morts. Hein? Quand même. Qu'il y a des élections. OK, on s'en va. On revient. Badaboum, badaboum, badaboum. Voilà. Comme dans les Sopranos. Quand tu tues quelqu'un, badaboum, badaboum. C'est assez fou pour l'écouter. 89 ans. Bon retour, on entre dans la deuxième moitié de la vie de croisière d'assemblage requis, Alexandra Carignan. Et Mathieu Plante. Et t'as l'air fatigué d'un coup. Comment? J'ai baillé silencieusement. Oui, ça n'a pas paru du tout, tu sais, si je l'avais pas dit. Si j'étais pas comme super transparente, elle a un saran rap, là. C'est ça. C'est ça. C'est ta faute. Oui. Tout à l'heure, on va recevoir Simon Fitzbé, on l'a dit. Élection, c'est son thème. On va faire comme une chronique politique un peu. Peut-être qu'on va me perdre par moment. On va voir, mais lui est tellement bon pour vulgariser tout ça. Ben oui, on est ses nuls. On est ses nuls. Ah, c'est ça quand il dit c'est lui les nuls, il nous a inclus. Ah, ben calé. Avant ça, on va continuer avec du palmarès. Juste pour vous dire, tantôt parenthèse, à la fin de ma chronique sur l'Asie, là, je voulais mettre Pekin Love de Xavier Caffin. Oh, juste pour faire rire. Ben ah, oui. Faites semblant que vous l'avez entendu. OK. OK. Palmarès, donc Lisa Leblanc et Simon Kingsbury s'en viennent tout à l'heure, mais on va commencer en 9e place. En 9e place avec Aléa de Janice Plus. Oui, Janice Plus. C'est un avis de croisière d'assemblage requis, restez là. Transparent. Est-ce à peine de tout foutre en l'air pour des chimères? Quand Aléa met, il peut toujours rêver. Il a tout à perdre et rien à gagner. Joue sa chance, il s'en fout. Un bon plus d'histoire. We'll be right back. Janice Plus et Aléa en 9e position. Ça monte de la 16e, c'était nouveau la semaine passée. Et avant ça, on a entendu, en fait, plutôt dans l'émission, c'était Les Papillons. Fait que, mentionnons-le pas, tu sais. Mettons. Ben, je l'ai dit tantôt. Non, ouais, c'est ça. Bon. Tout à l'heure, plus tard, il y aura Simon Kingsbury et Lisa Leblanc. On vous les promet depuis un petit bout. Ça s'en vient, pour vrai. Avant ça, par contre, Simon Fitzbé est arrivé en studio. Et contrairement à d'habitude, tu sais, on ferait jouer comme son intro, tu sais, pour les deux. Je sais pas si tu te rappelles, en temps normal, à l'automne et à l'hiver, on a un chroniqueur politique, t'sais. Non. François Landry, tu connais? Oui, ben oui, je connais François. Et tiens, on parlait de politique avec Simon, mais comme petit genre de, tu sais? Non. Un emprunt. Un emprunt. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je pense que c'est la première fois que cette chanson est noyée dans l'eau et des oiseaux. Effectivement, oui. On l'a pas l'été d'habitude. Donc, Simon Fitzbé, bonjour. Bonjour. Chronique pour les nuls sur les rumeurs d'élection. Oui, ça va bien. Ça va bien, oui, oui. Politesse et tout. Ouais. Quoi de neuf, belle semaine. Ah, écoute, génial, génial, toujours génial. Cool. On finit de s'installer dans notre nouveau logis, etc. Pas facile. Hein? Ah, écoute, ben on est bien. C'est après chez Fini. Ben là, en fin de semaine, on va donner un coup, là, parce que, bon, j'étais tout seul pour tout faire en fin de semaine passée, donc ouais. Là, ça va être à mon tour. Travail d'équipe, ces choses-là. Oui, exactement. Mais oui, mais d'ailleurs, le thème, d'après moi, on va peut-être l'entendre un peu plus souvent cet été, là, parce que, et c'est pas pour reprendre des phrases vraiment cultes de François Landry, mais... On s'en va en élection. Hey! Je pense qu'il le disait à chaque chronique de la session. À chaque chronique, il disait qu'éventuellement, il allait avoir raison. Mais là, je pense que c'est moi qui vais avoir raison parce qu'il n'est pas là pour me reprendre, pour dire qu'on y va pas. Ouais. Ou pour me devancer, peut-être genre venir dans 15 minutes puis dire on s'en va en élection. Il n'est pas là, il est en vacances. Ah, non, c'est vrai. Salut. Mais joue son rôle, je vais jouer François-Olivier Marchand. OK, parfait. Hey, ça serait bon, ça, Tabarouette. Tabarouette. Fait que, ouais. Écoute, les dernières, on va commencer par parler, dans parfait. Le fond, des premiers C. Français. Parfait. Parler des premiers signes qui du fait qu'on s'en va en élection. Tout d'abord, Yvon Vallière, hein, qui a décidé de prendre sa retraite. Celui qu'on entend est celui que, dans le fond, on sait qu'il va prendre sa retraite depuis un an et demi. Celui qui dit, s'il vous plaît, attention, collègue. S'il vous plaît, collègue, dans l'intro à François. Et qui s'est comme fait couper sa possibilité de s'en aller par Lynn Beauchamp, d'une certaine façon, parce que Yvon Vallière était devenu ministre des Mines, etc., là, après avoir quitté son poste à la présidence et aurait pu dire, moi, à la fin de la session, je veux passer mon été tranquille sur une plage en Floride, etc., je prends ma retraite. Mais non, Lynn Beauchamp a décidé, elle, de s'en aller complètement. Donc, Yvon Vallière est obligé de rester député vraiment jusqu'à la fin là, de son mandat, comme Norm Macmillan également, on va vous parler tout à l'heure. Mais Yvon Vallière a fait un très beau cadeau. Hein, au Québec et à la position du Québec dans le monde en offrant 58 millions de prêts à la mine Jeffrey, qui est une mine où on fait de l'amiante, dans le fond. On extrait de l'amiante pour la vendre à un marché qui est surtout indien de l'Inde. Là, on vend ça à l'Inde maintenant parce qu'à peu près tous les pays dans le monde ont interdit l'amiante parce que c'est reconnu comme cancérigène. Ah. Mais l'Inde, eux, comme ils ont un besoin assez incroyable en tout ce qui est matière première, un peu comme la Chine, ont décidé de ne pas l'interdire et on dit que ça tue des millions, non pas des millions, mais ça donne le cancer à des milliers d'Indiens en ce moment. Là, et que le Canada... Les Québec se ferment les yeux. Ouais, et ceux qui vont faire ce job-là dans la mine. Hein, ouais, mais on va en plus, les mineurs canadiens, québécois, ouais. Qui vont aller travailler là, c'est encore pire, c'est ça. C'est eux, ils sont pognés avec ça. Donc, 51 millions de prêts, donc c'est de l'argent que le Québec va récupérer. Là, ça fait de l'emploi, donc on dit qu'on ben va... Oui. C'est ça, c'est le fun, ça crée de l'emploi, ouais, ça suit du monde aussi. Ouais, c'est ouais. Ça, c'est comme travailler dans une usine de cigarettes. Ouais. Ça crée de l'emploi, mais ça donne un cancer. Donc, beau cadeau d'Yvon Vallière à l'industrie minière là, avant de s'en aller pour tout concorder dans le plan Nord, comme Jean Charest aime bien. Le beau plan Nord. Le beau plan Nord, qui est comme rendu la base là, de tout au niveau de la politique du Parti libéral. Et ben on va sauter d'un démissionnaire à un autre, hein, Norm Macmillan, le gros Chris, si vous m'excusez l'expression. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants, qui a décidé de prendre sa retraite lui aussi après 23 ans de vie politique. était là depuis 1989. Il s'était fait élire comme candidat dans une partielle. Et il a été assistant whip de 89 à aller jusqu'en 2005. Et de 2005 à 2008, il était whip en chef. Ça m'a toujours fait rire, ce terme. Ouais, un whip, en fait, c'est un préfet de discipline. Et pas dire comme dans Le Devoir, un whip qui est, c'est-à-dire comme un préfet de discipline. Non, le whip, c'est le préfet de discipline. Okay. Dans Le Devoir, il disait que c'était comme un nom. C'est. Il n'y a pas de différence entre les deux. C'est ça. C'est la même c'est chose. C'est ça. Oui, ouais, exactement. C'est juste qu'on utilise la vieille version britannique. Oui, c'est ça. Le fouet en chef. J'aimerais vraiment ça s'il l'utilisait pour vrai. Oui, ça serait pas pire. Hein. Mais bref, lui a été surtout reconnu dans les dernières années puisque, bon, il a été député, il a été assistant whip. Ben, il n'a jamais été ministre et mis de l'avant pendant les mandats précédents du Parti libéral de 89 à 94. Et de 2003, puis 2003, en fait, on le voit un peu plus de l'avant. Et c'est un gars qui a la facilité à se mettre les pieds dans les plats. D'abord, ça avait commencé en 2009, alors qu'il avait dit à une journaliste qu'il fallait que tous les députés, les ministres, en fait, du Parti libéral, ramassent 100 000 $ en donation au parti afin de conserver leur poste de ministre. Et ça, ça avait été démenti tout d'abord par le Parti libéral pour finalement être confirmé à peu près 6 mois plus tard, là, à l'heure vite, là, dans un petit communiqué de presse rapide. Et c'est de la faute à McMillan. C'est également lui qui avait traité Sylvie Roy, qui était député à Desquistes dans le temps, mais maintenant elle est députée à la CAQ. Il avait traité de grosse crise après une intervention. Et ça avait donné comme c'est un genre... Tenu, hein? Il y a des montages, je pense que c'est Infoman qui avait fait ça, un montage juste de journalistes très sérieux qui disent grosse crise non-stop. La citation. Oui, de... ouais, ben c'est ça. Ouais. Ça a spiné pendant à peu près une semaine là, dans les médias. J'en doute pas. On entend ça souvent et il s'est excusé encore là dans un communiqué à la va-vite. C'est un peu n'importe quoi. Ça rappelle Jean Charest qui avait traité aussi la députée péquiste Elsie Lefebvre de. Je vais taire le premier mot. Est-ce de chienne? Fait que Chris, c'est correct, mais... Chienne, c'est... Okay. Quand t'es un premier ministre, quand tu représentes un pays, c'est, je pense que les deux s'équivalent. C'est encore pire que Jean Charest ait dit ça, que Norm Macmillan, qui, dans le fond, il est ministre responsable de l'Outaouais et WIT. Donc, c'est vraiment pas quelqu'un de la mansaine. Okay. On lui souhaite quand même une bonne retraite. Et à ce qui paraît, et ça, vraiment, j'ai pas eu de confirmation. Vous pouvez nous appeler si jamais vous en avez une. À ce qui paraît, pendant son point de presse, il a dit que Jean Charest voulait rebâtir le Québec sur le dos des jeunes. Et ça, j'ai lu ça dans un statut Facebook, mais j'ai pas eu de confirmation de ce qui s'est fait parce que moi, j'étais au travail, malheureusement, quand il a fait son point de presse. Généralement, tu sais, j'étais sur Facebook tout le temps, sauf au travail. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, j'ai pas eu la chance là, de voir ça. Mais si jamais vous avez une confirmation, j'ai lu, j'ai épluché les journaux et j'ai pas vu non plus ça. Je rendis vraiment comme François Landry, je me lève le matin, j'ai tous les journaux, je suis abonné à plein d'autres affaires. Ouais, mais maintenant, c'est en ligne, hein, c'est vraiment intéressant. Ouais. Sur pas papier, mais... Bref, et également, donc, on passe d'un gars qui se mettait les pieds dans les plats à un autre, François Legault, qui, c'est pas un signe, en fait. Ah, d'ailleurs, le petit signe qui amène à pour on s'en va en élection, on va passer à l'autre. Norm Macmillan a dit qu'il aurait aimé mieux attendre au mois d'août pour faire son annonce qui se représenterait pas, dans le fond, puisqu'il reste député jusqu'à temps qu'il y ait des élections. Mais le parti lui a demandé de le faire genre cette semaine, genre hier. Il avait comme pas le choix. Donc, c'est un autre signe qu'on s'en va probablement en élection. Et si on n'a pas de nouvelles de d'autres députés dans les prochaines semaines, ben ça veut dire qu'eux vont se présenter aux prochaines élections également. On parle des grosses pointures, ça peut changer au niveau des backbenchers. Et donc, ça nous amène à un autre qui a la facilité, c'est ainsi de se mettre les pieds dans les plats, le tweet de la twittosphère, François Legault. Il a décidé de réactiver son compte Twitter au début du mois de juillet et c'est probablement la pire erreur qu'il aurait pas pu faire en tant que politicien, sérieusement. Legault utilise Twitter surtout, moins Facebook. Twitter, il faut un temps d'adaptation pour utiliser ça d'une avant façon avant de savoir efficace. Si tu envoies un message privé, que ça ne fait pas sur le... Sur un message public et savoir aussi de quoi on parle et être capable de comprendre l'idée de mettre des hyperliens aussi quand on achète des hashtags, des trucs comme ça. Bien souvent, quand on est politicien, on est mieux de laisser quelqu'un d'autre, un attaché politique, un employé s'en occuper pendant un bout. Tu lui dis quoi écrire, la personne écrit. Il va savoir où s'arrêter également. Mais pour Legault, dans ce cas-là, les deux fois qu'il s'est mis les pieds dans les plats, on sait très bien que c'était lui qui était derrière ça. Il a juste pu où s'arrêter dans le premier cas lorsqu'il se chicanait avec Martine... J'ai un plan. Martine Desjardins, voilà, présidente de la FEUC. Je pensais que c'était Martine à la plage. C'était par rapport à la grève étudiante et à la rémunération des enseignants. Ça, c'est le fer de lance du prochain... c'est-à-dire du prochain programme de la CAQ, c'est qu'on va donner plus d'argent aux profs, mais leur demander un peu plus de travail, c'est ça. Et on travaille au niveau de la CAQ, au niveau des familles, beaucoup. Donc, c'est sûr que si on parle de l'école, on va aller chercher les pères, les mères de famille. On pense que c'est leur seule priorité dans un gouvernement. Ça devrait être ça. Mais bon, ça, c'est la CAQ. Et cette semaine même, c'est encore... Là, il s'est vraiment... S'il s'était mis le doigt dans l'œil en parlant avec Martine Desjardins, là, il s'est vraiment rentré ça jusqu'au coude cette semaine et les deux yeux même. Lorsqu'il discutait sur Twitter avec Vincent Marissal, qui est chroniqueur à la presse, Legault a lancé un genre de petit tweet sur la rémunération des profs encore. Il a dit dans le fond que avec un gouvernement de la CAQ, les professeurs seraient mieux rémunérés. On essaierait justement d'intéresser plus les hommes à la profession d'enseignant. Et là, ça a parti vraiment en furie au niveau de Maxal, qui aime beaucoup piquer les journalistes. Non pas les journalistes, mais les politiciens. Et il est allé dire, dans le fond... c'est pourquoi est-ce que les femmes, dans le fond, peuvent pas avoir droit à cette formation-là et l'occuper aussi. En fait, ça a fini que Legault a dit « Mais les femmes, les hommes portent plus d'importance au salaire que les femmes. » Donc, c'est comme s'il avait crédité que, dans le fond, une femme va accepter de travailler un salaire plus bas tant que la job la stimule et l'homme, lui, va plutôt aller vers le gros salaire, une job plate. Ça n'a pas passé inaperçu. Dans les premières heures, on aurait cru que oui. On s'y a donné la chance, par contre, à la CAQ de sortir. Ils ont sorti un article de l'OCDE, une étude qui disait que les femmes portaient moins d'attention au salaire. Mais bon, ça, c'est quand même quelque chose d'assez objectif. Dans le fond, ils n'ont pas ça, vraiment le choix, en fait. C'est que la job est souvent payée 70% du salaire. Oui, exactement. Des gens, de toute façon, en plus. Il faut bien qu'ils prennent une job à un moment donné, sinon tu es à la maison, tu ne fais rien. C'est ça, exactement. Mais on voit vraiment le pattern qui se glisse là, autour de François Legault. C'est un gars qui n'a rien contre les paradis fiscaux, qui n'a pas l'air de vouloir régler les problèmes d'équité salariale, justement au niveau de l'enseignement. Parce que la façon qu'il parle, les hommes seraient mieux payés que les femmes, ça ne serait pas un problème pour lui. Et donc, ça continue vraiment, ça s'enligne vers ça. C'est la réactivation, en fait, de son compte Twitter qui nous dit qu'on s'en va en élection parce que c'est le seul politicien, d'ailleurs, le seul chef qui a un compte Twitter, à part Amir Kadir et Jean-Martin Roussan, mais eux, ils sont connus depuis longtemps. Ouais, puis c'est des lignes mineures, c'est pas pareil, là. Ouais. Pour ce qui est de ceux-là, c'est les deux seuls, c'est le seul, en fait, chef qui a un compte Twitter. Pauline Marois, Jean Charest n'en ont pas encore. C'est au pire, il y en a un qui fait juste du postage de Facebook à Twitter automatiquement. Aussi, au pire. Et de toute façon, c'est ça, c'est que surtout Charest, mais aussi Marois, ont déjà des responsables probablement pour les réseaux sociaux. Ils ont tout ça. Des gens qui sont payés pour faire mais ils exploitent pas Twitter parce que probablement que la personne payée pour ça, c'est un gars qui avant va être un secrétaire qui a genre 55 ans. Il apprend comment utiliser Facebook avec son petit-fils. Ouais. Puis Twitter, il n'est pas encore rendu là. Exact. Ça serait très, très plausible. Donc, un petit conseil au chef. Paraît que, par contre, on a insisté pour que les ministres et les députés libéraux commencent à tweeter de plus en plus parce qu'aucun dans la gang savait c'était quoi Twitter. Donc, ils commenceraient à s'engager des responsables tranquillement. Mais c'est ça, c'est un conseil aux politiciens. Engagez-vous des jeunes. T'sais, en plus, il y a des jeunes là, qui sont au cégep, à l'université, qui ont une hausse à absorber, là, fait qu'ils pourraient travailler pour vous pour un petit salaire. Ça coûte bien moins cher, c'est ça. Ou prenez une fille, ça coûte quasiment rien. Une fille, ça coûte quasiment rien. Mais ça, la CAQ sont pleins de femmes. En tout cas, les femmes qu'il y avait là, s'il y en avait, sont déjà pas mal toutes parties, d'après moi. Je ne serais pas resté, franchement. Oui. Un qui est actif, par contre, sur Twitter, c'est Pierre Duchesne, qui était journaliste pour Radio-Canada dans les dernières... dans les dernières années. Il a été 5 ans chef de bureau à Québec. Il couvrait tout ce qui était politique provinciale. vers le début du mois de mai. Duchesne avait l'air un peu bizarre quand on le regardait à la télévision. Donc, il avait l'air moins intéressé dans sa job. Et du jour au lendemain, on a su qu'il lâchait Radio-Canada. Il prenait son 2 semaines d'avis et il partait à la fin du mois de mai. 9 jours plus tard, là, il a commencé à avoir des rumeurs comme quoi Pierre Duchesne se présenterait en politique pour le PQ. Et ça a été confirmé en 2-3 jours. Il a rencontré Pauline Marois officiellement et est devenu candidat dans le comté de Bordujois. Ça, c'est quelque chose d'assez incroyable qui a fait quand même des splashs. Le PLQ a fait une plainte au conseil de presse par rapport à la présence de Pierre Duchesne comme député du PQ, comme quoi la transition entre lui, sa vie de journaliste et la vie de politicien, c'est pas faite hyper rapidement. Mais bon, ça va être un peu laissé de côté par le conseil de presse si le déclenchement des élections. Mais la question qu'on peut se poser, par contre, au niveau de ça, c'est pourquoi aller aussi vite? Pourquoi faire comme... Bon, mais je m'en vais en politique. Tu sais, pourquoi il a pas pris un temps? Parce que les élections s'en viennent, certainement. Ça, c'est un autre signe. Il y a aussi Pauline Marois, bien sûr, qui a enlevé le carré rouge. On peut juste passer là-dessus, dire que c'est juste niaiseux qu'elle ait fait ça. Oui. C'est un peu stupide. Elle va probablement s'aliéner des votes de certains étudiants qui étaient peut-être prêts à voter pour elle. Du côté des étudiants, il y a aussi vraiment, on se prépare, parce qu'il y aurait donc un vote hypothétique qui serait le 4 septembre, selon la presse. C'est Radio-Canada, oui. Mm-hmm. Les élections seraient déclenchées le 1er août. On dit que les candidats libéraux, les candidats potentiels, parce que pour le moment, sont députés, ministres, et il y a quelques candidats potentiels qui se sont fait dire que les photos devaient être prises pour le 27 juillet, que tout le monde devait avoir fini comme leurs vacances le 30 juillet et vraiment se préparer là à partir, monter dans l'autobus et faire le tour du Québec. C'est quelque chose que tous les partis donc s'attendent éventuellement à faire, mais c'est le seul qui le sait, c'est Jean Charest encore, mais je pense que vraiment là on arrive, tous les journalistes, François Landry y compris, même s'il n'est pas journaliste du tout, il est attaché politique, mais ils ont toutes hâte, tu sais, d'avoir raison sur les élections sans rien. Ben, si tu dis toute l'année, tu vas finir par avoir raison de demander. Une horloge est toujours à midi, même s'il n'est pas... Ouais, mais là, on va avoir des élections là, probablement là, qui vont avoir lieu le 4 septembre. Ouais. Et le 5 septembre, je suis sûr que François Landry va dire « On s'en va en élection. » Alors, faut pas exagérer. Tout dépendant, par contre, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que ça pourrait être le Parti libéral qui sortirait minoritaire de ça. Ouais. Ça serait assez incroyable. Et donc, c'est un peu ce qui nous amène là, à penser qu'on pourrait avoir des élections bientôt. Ça serait donc profitable pour Jean Charest, qui profiterait donc des problèmes qu'il y aurait avec la loi 78 au retour en classe, qui est quoi, le 15 août, je crois, pour les cégeps et universités qui étaient en grève, qu'on a suspendu jusqu'à la fin. Donc, on a suspendu la session jusqu'à la fin de l'été. Ça commencerait le 15 août et on tomberait en élection le 1er. Donc, Jean Charest aurait 15 jours pour bâtir sa plateforme. Ça prend quand même un bout pour bâtir ton programme, même s'il est déjà écrit, pour le faire avaler à la population, que ce soit n'importe quel parti, ça prend du temps. Là, il arriverait le retour en classe le 15 août. Il y aurait du chaos, il y aurait du n'importe quoi. Il y aurait donc probablement Pauline Marois, Amir Kadir qui se mettrait les pieds dans les plats en peut-être défendant un peu trop les étudiants pour ce qu'ils doivent faire. Et là, Jean Charest va surfer là-dessus, en profiter, pendant que François Legault, lui, est déjà coulé dans le fond depuis le 3e jour de la campagne à cause de Twitter. Donc, ça va être quelque chose d'assez génial. Et selon moi, donc les élections s'en viennent. Et selon moi, si les élections s'en viennent, on va entendre ce thème-là beaucoup plus souvent parce que François Landry devrait revenir de ses vacances. En fait, il nous a dit qu'il passerait une fois de temps en temps. Oui, et d'après moi, parce que là, il y aurait des rumeurs, et ça, c'est vraiment local, mais il y aurait des rumeurs que les officiers de la GE laisseraient tomber leurs vacances si les élections s'en viennent. Ah oui. Donc, j'imagine que les employés aussi. Donc, François va être dans le coin pour venir nous parler de ça. Et c'est à Trois-Rivières, je pense que la candidate libérale a gagné de seulement 2% la dernière fois. Donc, ouais. Ça, c'est des choses qui arrivent, par contre. Le 2%, c'est quand même gros quand on y pense, là, dans un comté où c'est que tu as 5 candidats. Ça, c'est... Et là, il va cassé, avoir... Cassé, Alex, cassé. Ben non, mais moi, je garde... pas cassé du tout, non, mais je comprends beaucoup. Non, mais je comprends beaucoup ce... Mais... Moi, j'ai décidé que j'allais pas du tout prendre de position par rapport à un parti là, d'ici la élection. Éthique journalistique. Ben non, mais justement, si je vous en parle et tout, je pourrais justement rester un peu plus neutre pour avoir l'air un peu plus crédible. Mm-hmm. Mais, comme chose du chaîne. Oui, quand tu chaînes, c'est ça. Ouais, je vais me lancer à deux jours de la fin. Mais tu sais, oui, 2%, mais c'est 2% pour un ou 2% pour l'autre. Ça va aller d'un côté ou de l'autre. Ça va être pareil au même. De toute façon, tout est tellement serré dans la vie, dans tout. Oui, et là, aux prochaines élections, on va avoir probablement par comté. En tout cas, dans Trois-Rivières, on risque d'avoir 6 à 7 candidats de partis différents. Donc, ça va encore plus scinder le vote. Et là, on parle pas. Je parle pas vraiment de déchirer le vote. Là. C'est vraiment de le scinder naturellement parce qu'il y a quelques pourcents qui vont aller à un ou à l'autre, peu importe sur qui il représente. Ça va faire que, justement, quelqu'un qui rentre par 2 ou 3 %, c'est peut-être même pas un surplus de vote de l'autre. Ça va être un vote naturel qui aurait dû aller à lui qui s'en va à Ticlin, qui se présente pour tel petit parti, qui va aller chercher 2-3 votes naturellement. Des miettes. Des miettes. Ouais, des miettes, voilà. Voilà. Très, très bonne expression. C'est tout, Simon? C'est pas mal tout. Merci. Faites le tour, là. Et je vais revenir vous parler d'élections, surtout qu'on va être en élection le 1er août. Ça s'en vient très vite, ça. Oui, quand même. Ouais. Dans deux semaines. Donc, Simon, une autre chronique pour les nuls la semaine prochaine. Et tu nous expliques les folies politiques comme ça, puis on sort du thème de quelqu'un d'autre. Oui. Ah oui, c'est cool. Je préfère le tour des thèmes. Ah oui, bonne idée. Prends les thèmes qu'on sait plus, je m'ennuie des thèmes qu'on a plus. Tout le monde qui nous ont quittés avec le temps. Ouais. Donc, à la semaine prochaine, Simon Fitzbé. Nous, on continue notre palmarès francophone, Alexandra, avec deux positions très, très sympathiques. Lisa Leblanc va être à la fin de ce bloc-là avec chanson d'une rousse péteuse, mais avant... Mais juste avant, ça va être joué du coude de Simon Kingsbury, qui est en 8e position. C'est un avis de croisière d'assemblage requis. Ah, c'est fou! La tête dans le cul, t'avances dans le tour, l'impression d'être en retard. Une chose bien simple comme avancer se transforme en une action risquée. Les poumons crispés. Tu voudrais bien lui faire comprendre que tu dévales une pente. La tête bien pesante. La mèche devient de plus en plus courte. L'avenir te pousse à bout. Te pousse vers un moment. En construisant ton conte de fées, tu t'es planté. numéro 7. Les chansonniers qui font des covers de Johnny Cash. Mon poisson et mon manteau sur fini, je dans mes SPM, attends ce que tu me dis. J'aime pas les tunes qui jouent à la radio. Je trouve que j'ai gagné un kilo de trop. J'ai le gouvernement, puis j'ai pas de chum. Puis les cédés encore, je joue pas seul fun. J'ai un petit mal de gorge, puis je tousse un petit peu. Molly, well, a duck. J'ai pas de chum, laissez de l'encore, je joue pas seul fun. Ah! Hey, dans chaque chanson, on se plaint qu'il n'y a pas de chum, arrête de te plaindre. J'ai les chansonniers qui font des covers. Ça veut dire, je sais pas. Johnny Cash. Méchant un peu, hein. Ouais. Moi, je l'aime, hey! De Leblanc. Moi, je l'aime, je la trouve donc bien bonne, puis j'aime ça qu'elle chiale dans ses tunes, c'est libérateur. Ouais, mais on dirait qu'elle dit tout à ma affaire. Mais non, c'est non? Que t'as pas écouté le CD. Ok, excuse-moi. Hey, crime. Combien de chansons là-dessus? Hey, 13 chansons de même. Voilà. Donc, c'était Lisa Leblanc avec sa chanson « D'une roue spéteuse ». Ça monte de deux places en 7e position francophone. Ben oui, c'est ça. Et juste avant, j'avais pas mes feuilles. C'est pas grave. C'était Simon Kingsbury avec « Jouer du coude » qui est en 8e position. Et voilà. Tout à l'heure, on entendra entre autres Grimmskunk et Audio Note. Mais avant ça... C'est le moment de partager nos bonheurs de la semaine. Eh oui, avec mon cœur. Un jour, tu l'apprendras par cœur. Tu manges, mon cœur. Tu manges. Il manquait un mot. C'est ça. Puis apprendre par cœur, en plus, je viens de placer le mot dans... De plus, le mot avait deux lettres. Faut quand même me dire. Là, tu... Le dessus? Tu manges mon cœur. Bon, on y va. Oui, temps de divertissement à se mettre derrière la cravate dans la semaine. Et ça coûte donc cher, ce divertissement-là. Ben oui. J'essaie de rappeler le concept de la chronique. Là. Donc, les coups de cœur de la semaine, et c'est sous les animateurs, l'assemblage requis. Et évidemment, les femmes commencent toujours, étant donné qu'elles sont moins chères payées et tout. Eh oui, c'est ça. Ben, qu'on me donne quelques... Je m'en fous du salaire. Une petite nanane. Écoute, cette semaine, mon coup de cœur, normalement, j'ai souvent des coups de cœur musicaux oui. ou cinématographiques. Mmh. Cette semaine, je sors de ma zone de confort. Mon coup de cœur, c'est un livre. Hey, t'as l'air d'avoir comme un petit peu plus de classe encore, là, tu sais. T'avais déjà de la classe avec tes chroniques Les Livres du Jour. Là, tu remontes de l'autre cran. Mais ce livre-là a aucune classe. Ah, ben, calme. En fait, j'ai été à Montréal la semaine dernière et j'ai été dans un magasin qui vend plein de livres drôles. Et je me suis acheté, c'est en anglais, malheureusement, mais bon, quand on comprend. On est deux à comprendre l'anglais ici. Voilà. Ça s'appelle Wreck This Journal. En français, c'est Détruis ce journal. OK. Alors, c'est un journal qui contient une centaine de pages et sur chacune de ces pages-là, il y a un acte à faire pour détruire ce journal. Juste dire, la première consigne, c'était de briser la reliure du livre. Donc, je l'ai cassé à trois endroits. Ah, c'est drôle, ça. Et écoute, il y en a que c'est seulement des dessins. Il y en a d'autres que c'est de mettre ton crayon pour faire des trous à l'intérieur. J'ai fait une liste de mes préférés. J'ai craché du café dans mon cahier cette semaine. En fait, faut que tu prennes ton café, que tu le... Comme la sitcom, là. Tu le craches sur la page, donc ça me fait un beau spit de café sur ma page. Ah, oui, je l'ai fait. Il faut aussi... on peut faire de la... Dans la page, il y a un trou où est-ce qu'il faut... soit sucer un suçon ou un... quand ta langue devient toute rouge. Colorée, oui. Donc là, il faut que tu étendes ta langue sur le rond pour faire de la peinture de langue. Il faut mettre une corde après le journal et le traîner comme un chien pendant une marche. Je l'ai pitché du deuxième étage de mon appartement par terre. Cool! Il s'en tient quand même bien. Oui, en fait, c'est beaucoup la reliure ici là, qu'il y a du gazon dessus là, que ça a tombé. C'est là. Du haut. Ouais, la reliure du haut. Il faut apporter le livre dans la douche. Ça le magane en... Non? Ben, ça, il sèche après ça. Je l'ai pas pris. Oui, c'est sûr, ils vont onduler. Ça, c'est évident. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Il faut l'attacher avec une corde et le pitcher sur les murs, mais à répétition, okay. Pour toujours qu'il revienne. Est-ce qu'il faut y aller avec son auto dessus à un moment donné, non? Non, en fait, mais j'ai une de mes amies qui a sauté dessus. Puis il y a une page qui est justement toute... C'est pas toi qui as fait tous les défis, là? Ben, en fait, il y a une page qui passe cette feuille-là à un ami et elle va détruire cette page-là. Ça, l'affaire, c'est que c'est un livre pour une seule... Ah, je pense qu'il y a eu de la colle ou de la gomme? C'est de la gomme. Moi, mon ami, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a marqué « Dans la vie, c'est important de se brosser les dents ». En fait, c'est Mélissa Beaupré. C'est Mélissa! Alors, en exemple, sur la page, elle a mis de la pâte à dents, mais aussi de la gomme pour dire que la gomme sucrée, c'est pas bon. Puis vaut mieux se brosser les dents. Fait que tu sais, quand on se trouve qu'un livre, ça sent bon, ça dure pas, ça. Non, ben. Ça sent plus très bon. Ça sent la gomme, je sais pas. Tu sais, c'est les genres de gomme au dessert, là. Ah, ouais, Juicy Fruit. L'odeur me tape un peu sur le cœur. C'est pas grave. Ils sont bonnes, par contre. Aussi, il faut que je coude une de mes pages. Il faut que je fasse des dessins. En fait, j'ai une page d'essai de crayons, tu sais, quand t'es au magasin. Puis que tu veux essayer tes crayons. Tu marques ton nom tout le temps. Ouais, c'est ça, tu marques ton nom à quelque part. Là. Ben, ça, t'as une page pour ça. Cool. J'ai une page pour coller mes gommes. Donc, quand j'ai terminé avec mes gommes, je les colle là. J'ai une page aussi qui est utilisée comme napkin. Hey, c'est pratique, cette affaire. Je te dis, c'est fou. Donc, il y a à peu près une centaine de pages d'instructions comme ça. Il y en a que c'est des dessins, il y en a que c'est plus des instructions. Il y a une liste de trucs qu'il faut que tu ailles pour faire... La liste est assez longue. Là. Il faut du café, du thé, de la colle. Wow. Vraiment plein de trucs pour faire ça, mais... Ça a l'air drôle comme ça, mais c'est super libérateur, en fait. Ben, ça doit être. De pitcher un livre du deuxième étage. À un moment donné aussi, il faut que je tende ce livre-là à des personnes inconnues dans la rue et qui écrivent quelque chose à l'intérieur. Est-ce que tu penses à te faire un paper cut? Non. C'est pas pire, hein? Il faut que je fasse un avion avec une des pages. Non, je le ferai pas. Mais c'est vraiment très sympathique. C'est libérateur. Moi, je me suis acheté un livre de zen, d'activité zen. Ben, c'est comme ça, mais en agressif. Mais c'est vraiment le fun. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça a l'air le fun, c'est juste dommage que tu puisses pas le prêter à quelqu'un d'autre pour l'essayer, tu sais. Ben, en fait, la majorité, tu pourrais l'essayer. C'est ça. En même temps, je pourrais te dire, fais une page là-dedans, ouais. Fais ce que tu veux. Mais il y en a souvent qu'il faut salir. Est-ce que tu pourrais en faire peut-être une par jour? T'en aurais pour beaucoup plus longtemps. Oui, ben c'est ça. En fait, je l'ai fait quand j'ai rien à faire. Ouais. Ou quand que. Tu sais, quand des fois, t'es là et tu fais, ça me tente pas d'écouter la télé, ça me tente pas. Ben, l'autre, tu sais, je veux dire, avant hier, j'ai colorié une page au complet. Ah, t'as bien fait ça. C'est ça. Bref, c'est vraiment le fun. Ça se trouve sur Internet. On peut commander ça sur Amazon. C'est en version anglaise, malheureusement. Mais les instructions sont quand même courtes. Et si on a des facile problèmes à taper sur Google Translate. Oui, c'est ça. S'il y a des mots qui sont plus ou moins... Même moi, à un moment donné, j'ai fait comme... Ben, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils veulent. Mais c'est ça. Tu sais, ça se voit quand même bien. Puis c'est quand même drôle. Oui, prends une dernière au hasard. Ça okay. m'intrigue, Google, c'est pas Glue a random page from a newspaper here. Coller une page de journal. Ben ouais, coller une page de journal. J'en ai une, c'est il faut dessiner avec la glue. Ici, il faut que tu écrives avec ta main gauche. Ah, il y en a si t'es gauchère, c'est t'écrire avec ouais, ta main droite. Ta main droite, c'est ça. Il y en a un aussi, c'est t'as deux pages complètes, puis c'est écrit il faut que tu expliques un événement ennuyant en détail. Faut que tu remplisses les deux pages en expliquant pourquoi c'est un... Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Bon, il y en a une, c'est Find a way to wear the journal. Donc, il faut que tu trouves un moyen de porter ce livre-là. Le journal. Alors, c'est vraiment le fun. On peut acheter ça, justement, moi, je l'ai trouvé à Montréal, chez Urban Outfitter, pour pas nommer le... Un magasin de ligne. Magasin. Mais au deuxième étage, j'ai vraiment plein de trucs cool. Ah, donc, c'est vraiment le fun. Le premier étage, c'est des gilets, mais ils ont aussi une bonne... d'ailleurs, beaucoup de vinyle. Tu pourrais utiliser ça pour remplir la page des choses plates. Non, c'est pas vrai. Je blague. Non, excellent, mais excellent choix. Donc, j'ai hâte de voir une traduction française de ça. Ben ouais. Oui, c'est ça. Si ça existe, là, c'est vraiment... c'est très, très le fun. Donc, c'était mon coup de cœur de la semaine. Et comme j'essayais de trouver une chanson par rapport à ça, j'en ai pas trouvé. Je me suis dit, ce journal-là est tellement nono que je vais mettre une toune nounoun. Et moi, je suis une grande fan de College Humor. Oui. Qui est une espèce de plateforme Internet où est-ce qu'ils font des vidéoclips de parodies. Et ma chanson préférée, c'est le Awkward Rap. Donc, à tous, bon Awkward Rap de College Humor. When do I come in? You come in after four. So on five. Yes, but I'm not going to say five. I'm not going to say five. You have to come in at four. All right, one, two, three, four, now. If you say, how are you? I'll say, not much. My hand and your boob accidentally touch. I snort when I laugh and I fart when I sneeze. Stand right behind this guy when he pees. If I see you waving, my hand goes in the air. Even though you're waving to that guy over there. I talk shit about you like a slap box. Till I realize that I wrote it in your I am box. When a waiter says, enjoy your food, every single time I will say, oh, you too. I mean it, yo, have a seat next to me. Pour yourself a cup of my dinner. How was your boyfriend? You two really click. Oh, you broke up, that guy was a dick. Excuse me, I cannot reach the top rack. Oh, you don't work here, you're just black. Awkward. When will this moment pass? Awkward. It makes my skin crawl. Awkward. Yo, yo, it makes me feel so small. When I see you, I give you a quizzical look. Do I know you from life or from Facebook? You're far away and cause we can't talk yet. We'll act like our eyeballs never met. When we talk, I gotta hide my shame. You think we're BFF, but I don't know your name. So here we are in no man's land. Do I give you a hug or just shake your hand? I go for the embrace so warm and pleasing. You try to pull away, but I keep on squeezing. You try to pass by, but we bump and sway. Thanks for the dance, I'll be on my way. We said our goodbyes, and I shed a tear. Miss you already. Whoa, you're still here! I want to avoid further social connection, so I'll walk 20 minutes in the wrong direction. Awkward! When will this moment pass? Awkward. I feel like such an ass. Awkward. You think it can't get worse? Awkward. Yo, yo, but we've got one more verse. I'm an elevator ride you want to impose. I'll say I'm pressing open, but I'll press door close. If you make it in, I will devise a way to look everywhere but in your eyes. Then I'll follow you right out the door. Take a look around this cave. When my voice gets loud and there's suddenly silence in the crowd, I don't care, won't change what I say. All these people are dicks anyway. What? What? For you, this guy was all like, just don't. No, I do not think you guys are dicks anyway. No way. You, I don't know, is super. Et voilà, c'était College Humor avec la chanson Awkward Rap qui était en lien avec mon coup de cœur de la semaine qui est Wreck This Journal, un journal que l'on doit détruire. Oui, je te conseille d'écouter Flight of the Conchords. C'est un groupe duo néo-zélandais humoristique qui ressemble vraiment à ça. C'est vraiment particulier, c'est un humour que j'aime beaucoup, je pense que tu vas aimer ça. Bon ben, parfait, je prends la suggestion en note. Voilà. Et là maintenant, c'est ton coup de cœur de la semaine qu'on va aller visiter. Évidemment, et encore une fois, c'est des choses vraiment stupides de trouver sur Internet parce que ça me tente des fois. Puis tu sais, je fais de moins en moins de chroniques CNX, tu sais, qui est le concept derrière tout ça. Et puis je me dis, ben, tu sais, je vais prendre les affaires préférées que j'aurais fait si j'avais fait CNX et puis je les présente. Dans ce cas-ci, le premier, c'est un genre une affiche, OK? Pour un nightclub, une boîte de nuit, tu sais. Okay. Mais c'est l'affiche de nightclub la plus honnête du monde. Et je trouve ça cool, tu sais. C'est un poster quand même en vert, un peu vert tableau, là, c'est d'école. On voit une silhouette de fille, mais juste dessinée avec une ligne. Là, en haut, il y a une grosse bulle qui dit « Image d'une fille sexy qui sera pas là ». Ensuite, il y a une bulle qui dit quelque chose qui parle du fait que l'entrée va être gratuite, mais ce sera pas vraiment gratuit. L'autre, t'as une bulle qui dit « Promotion sur de l'alcool que t'aimes pas ». Ça dit en bas « Toujours le même DJ qui joue toujours la même affaire toute la nuit ». Et puis là, logo de compagnie que vous ne connaissez pas et dont vous foutez complètement, facebook.com/ le nom du club. C'est wow! C'est où ce club-là? Je sais pas, mais c'est le Electric Garden Theater. C'est le nom de la place. J'ai aucune idée c'est où. Aucune idée. Ensuite, une autre petite chose que j'ai trouvé, c'est un gars qui a rasé ses cheveux, ok, des cheveux qui avaient de très très longs, ben pas très longs, mais okay. Depuis 3 ans, il se faisait pousser les cheveux, il les a rasés complètement, et puis après ça, ben, il a fait une perruque de ses propres cheveux pour se les mettre sur la tête, et c'est ce qu'on s'en va entendre un petit peu comme vidéo, donc on va voir le gars se raser les cheveux, il a l'air très très excité de se couper les cheveux d'ailleurs. Bon, donc sa perruque fait avec ses propres cheveux, saute un petit peu par-dessus, parce que ça dure comme un bon 6 minutes. Et là, ça, c'est ce qu'on voit là, ici en studio, c'est la perruque que le gars porte, fait avec ses propres cheveux. Ça a l'air un petit peu fake, là, quand même, ses cheveux, mais bon, la vidéo en tant que telle est pour vrai. Donc, c'est ça, il se prend en vidéo, il dit à sa famille, à ses amis, il y a vraiment beaucoup d'amis là, dans la vidéo, et il dit, bon, c'est pour un projet que je fais, fait qu'on va juste se filmer devant la caméra. Et puis, pendant qu'il il leur fait signe, il regarde par là-bas, quelque chose de genre, il enlève ses cheveux super rapidement. C'est bon, ça! Ça donne une réaction à chaque fois. Il y en a comme, je dirais, une cinquantaine de personnes à qui il fait. C'est très, très drôle. Une excellente. C'est drôle, ça! Tout le monde ne peut pas croire que ça n'a jamais été fait avant cette fois, cette blague-là, mais en effet. Mais en fait, c'est qu'il faut prendre le temps de se raser les cheveux et d'en faire une perruque crédible qui ressemble à l'autre. Pour pas que ça paraisse ou que tes cheveux soient longs. C'est ça. C'est sûr. Donc, pour tout ce mal-là. Ben, c'est réussi, en tout cas. On va avancer un petit peu plus loin dans la vidéo quand il leur. Quand il monte à d'autres personnes. Donc, allez voir la vidéo, c'est sur assemblagerequis.com, section Tu manges mon cœur. Réussis ce projet de cet homme. C'est quand même, c'est ça. Bonne idée, mais en même temps, beaucoup trop long pour rien. On aime ça. Petite vidéo, allez voir assemblagerequis.com. C'était la collègue Tu manges mon cœur pour cette semaine. Mais oui. Simple, pas mal. De mon bon cœur, de mon bas. Ben oui, non, c'est correct, c'est drôle. Ouais. Cool. Parlant de choses drôles, tantôt il y aura ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Mais oui. On va se créer des besoins dans la vie. Mais pour l'instant, on retourne au palmarès francophone. On saute par-dessus à la position numéro 6, occupée par Chinatown et Culpabilité. Pourquoi? Parce que Chinatown a joué en début d'émission avec une nouvelle entrée, La vie rêvée. C'est vrai, ils ont deux chansons au palmarès. Ben oui, c'est rare que ça arrive. Et puis quand ça arrive, des fois, ben, puis on manque de temps, mais c'est ce qu'on saute. Hein? C'est ça qu'on fait. Donc on va y aller avec les prochaines places. Tout à l'heure, il y aura Audio Note. Mais tout d'abord, ce sera Grim Skunk avec Souriez, vous êtes filmé en 5e place. Souriez, vous êtes comme Mikey, hein, comment c'est, en termes de radio? Vous êtes Mikey. Vous êtes Mikey. En onde. C'est comme les insolences d'un microphone. Graham Skunk et Souriez, vous êtes filmé en cinquième place. Ça descend de trois positions et c'est par le fait même la fin de cette heure en particulier, là, celle-là qui est en train de... Celle-là. Celle-là. On est quasiment proche de l'heure de finir l'heure. D'habitude, on dépasse moins plus que ça. Mais bon. tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a? La chronique sexe, ça devrait pas, on l'a. Donc, on va se créer des besoins, on va régler les problèmes, on va faire plein de choses. C'est comme un mode de vie, ça. Ben oui, c'est un bon mode de vie. Ben oui, dépenser de l'argent que t'as pas. Why not? Why not? Je fais ça, moi. Oui, on fait tous ça, je pense. Il reste aussi le top 4 à entendre. Il y aura entre autres Audionaut, Ariel Moffat, les Breastfeeders et Canaille. Le numéro 1 la semaine passée, est-ce que tu te rappelles, c'était quoi, il y a deux semaines? C'était Audionaut. Ouais. Est-ce que c'est encore ça? J'aurais tendance à dire non. T'aurais tendance à savoir un peu où qu'on s'en va avec. Restez là, la vie de croisière d'assemblage requis revient tout de suite. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Bon, retour, vous êtes toujours à la vie de croisière d'assemblage requis pour la semaine du 9 juillet 2012. Tabarouette, bien dit. Moi, c'est Mathieu Plante en passant. Et moi, c'est Alexandre Carignan. Toujours en direct de l'SS Requis, le célèbre bateau de croisière que c'est fou nous loue pour le reste de l'été. Belle place. Très belle place. Ouais, on voit l'horizon. Petit vent, ben oui. Petit vent, une petite brise, je dirais. Une petite brise. Petit pignon colada, là. Hein? Un secteur de vie. Et oh, hello. Donc, tout à l'heure, c'est la chronique Sam Smith, ça devrait répondre là, ça fait comme 15 fois je le dis. Mais pour l'instant, prochain bloc musical, il y aura les Breastfeeders avec ça ne sera pas un jour comme les autres qui montent de 3 places en 3e position. Mais juste avant, c'est notre ancienne position numéro 1, Audionaut, avec la chanson Métropole en position numéro 4. On les salue, du groupe local qu'on adore, Audionaut, à la ville de croisière. Excellent. Partez pas, ça. Partez pas dans l'espace, là, vous perdre. Non, vous voulez rester. Ouais. On est attachant. Cool. Toi, peut-être, pas pour toi. T'es attachant, toi aussi. Collant? Attachant et collant. Hey, wow! Chacun son qualificatif, c'est pas moi qui est collant. C'est l'été, donc c'est l'été. Montréal, dans l'air. Les Breastfeeders avec Ce ne sera pas un jour comme les autres qui montent de 3 places en 3e position. Et juste avant, c'était l'ancienne première position qui est en numéro 4. C'était Audionautre et Métropole. Mm-hmm, il nous reste les deux premières places. Et je les ai nommées tantôt là, par processus d'élimination. Vous savez lesquelles qui nous restent là? On ne vendra pas le punch. Hein? Non, alors, on ne vend pas le punch. C'est tellement. Ici, c'est ça, c'est du mystère qu'on vend. On vend du mystère. Mais en fait, on le donne parce que c'est gratuit. Tout à fait. Contrairement à. Lien facile ici. Contrairement aux produits dans la chronique, ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Hein? Oh, wow! Voilà. Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. C'est la chronique qui vous propose des solutions aux problèmes de tous les jours, Alexandra, tu le sais. Je le sais. T'as des problèmes tout le temps. J'ai tout le temps des problèmes. C'est comme le sujet pas mal de cette chronique-là, parce que je fais comme si tu avais tous ces problèmes. Ben oui, mais j'ai plein de problèmes. T'es là pour les résoudre, Mathieu. Une chance que t'es là. Une chance, hein? Tu sais, dans la vie, le barbecue, c'est une des choses les plus intéressantes, les plus délicieuses, les plus... T'as tout le temps envie de manger du barbecue, ça goûte bon. Ben oui, effectivement. Mais dans ta voiture, t'as pas de barbecue. Ça, c'est dommage. Mais t'as tout le temps dit, ça à 40, j'ai le goût d'un steak. Exactement. Et ça goûterait très mauvais si tu faisais cuire ça sur le moteur. On s'entend là-dessus. Un arrière-goût de mécanique. Ça goûte pas très bon. Donc, il te faut le 12 volt auto grill for in-car grilling. Hein? En fait, c'est juste le Coolatron 12 volt auto grill. C'est un grill à utiliser dans la voiture avec une prise pour l'allume-cigarette ou comment on appelle ça de nos jours, la prise 12 volts, je pense, c'est pas mal ça. Une bonne question. Plus vraiment d'allume-cigarette là-dedans. Donc, parfait pour faire des crêpes, du bacon, des œufs, des hot dogs, du poulet grillé, des steaks, du poisson mariné, n'importe quoi, ça fonctionne très bien. Et la grille a une pente. Donc, ça va drainer le gras un petit peu comme dans un grill George Foreman, le boxeur. Oh, tabarouette! C'est quelque chose. Ça dit, c'est ça, que tu peux faire de la nourriture fumée ou cuite de la façon que tu as envie. Là. Et puis, c'est ça. Ça conseille de... Je pense que c'est peut-être pas nécessairement la règle, mais de conduire en dessous de 75 de km/h. Mais non, je pense que c'est plus une question d'arrêter sur le bord de la route. Oui, c'est ça. Puis ça sert à quoi un copilote, sinon à te faire des hot dogs sur la route? Exactement. 40$ seulement sur Amazon.com. Oh, c'est abordable. Un gros spécial de 17,60$ de moins que d'habitude. Hein. Ça va. Ouais. T'as toujours chaud en ce moment? En ce moment, je meurs de chaud. Là, moi, présentement aussi, je meurs de chaud. En gros, depuis le début du mois de juillet, il fait pas tant chaud que ça. Ouais, non, c'est ça. Pas si pire que ça. Et t'as un iPhone? Mettons que j'ai un iPhone. Mettons, c'est faux à chaque semaine, ça n'a pas changé encore. c'est un petit gadget que tu peux mettre dans la prise, la petite prise de chargement. Hein. C'est okay. Pas la prise écouteur, mais l'autre. Et c'est une fan que tu peux mettre à deux angles différents dans ton iPhone. C'est la compagnie Tame TM qui fabrique ça. Ça fonctionne sur iPod Touch, sur iPad aussi. Ah, mais j'ai un iPod Touch. Non, mais le problème ben, réglé. Ben, le problème est réglé. Et en plus, les lames, est-ce qu'on appelle ça des... Comment on appelle ça des... Ce qui tourne. Les affaires qui tournent, là. sont faites de plastique uréthane doux. Donc, même si vous voulez vous couper avec, vous vous couperez pas. Ah, c'est magnifique, ça. C'est beau. Hein. Ensuite, tiens, t'aimes te faire des pâtes. J'aime tout le temps les pâtes. Mais tu trouves ça plate de devoir les égoutter. Et après ça, là, c'est difficile. Tu prends ta cuillère ou tu verses, mais ça tombe de partout, tu sais. C'est pas évident, c'est pas tout pratique. Le temps, là. Ah, du fla-fla, puis trop d'étapes, là. Ici, beaucoup plus simple, hein, c'est le slide door colander. Donc, tu mets tes pâtes dedans, et là, tu fais égoutter ça, et t'as des portes à bascule. Donc, tu tiens les poignées, il y a des portes à bascule en dessous, et ça fait tomber tes pâtes dans ton assiette. C'est vraiment magnifique. Ça vaut la vaisselle en plus, donc tout le monde gagne. C'est génial. Je veux savoir combien ça coûte. Ben attention. Oui, je veux savoir comment ça coûte. Chop, chop, l'Internet, dis-moi combien ça coûte. Sinon, ça ne donne rien à le savoir. Ça vient de Taylor Gifts et ça coûte 20$. C'est en stock en ce moment, si vous intéressez. Ah, ben c'est quand même... tu sais, pour un truc qui est, dans le fond, caprice alimentaire. Si tu fais souvent des pâtes, ça peut être utile. Ouais. Mais c'est dommage pour ceux qui se font des pâtes tout en kit. Tu sais, avec la sauce qui vient... Tu sais, les enveloppes de side dish. Hein. Ouais, c'est pas ça, mal mes pâtes. Moi aussi, ça passe pas nécessairement dans ce colander-là. Mais non, c'est pas ça. T'aimes, premièrement, t'es alcoolique. Oui, je suis alcoolique depuis de nombreuses années. C'est ça. Et tu portes souvent une ceinture, peut-être? Oui. Mais pas une ceinture de gars, malheureusement, donc ça va peut-être moins être fonctionnel. Je porte tout le temps mes ceintures de gars, Mathieu. Eh bien, Caroline! Parce que je trouvais que ce gadget-là était un petit peu sexiste, parce que c'est pas mal juste pour les ceintures de gars. Mais bon, donc c'est une flasque, comment on appelle ça en français? Une flasque. Tu mets de l'alcool dedans, et puis ça se colle par aimant à ta boucle de ceinture. On te met 2 onces de liquide là-dedans, n'importe quelle sorte de liquide, évidemment, surtout les shooters, tout ça. 10$, ceinture non incluse, tu colles ça par aimant à ta ceinture, tu vas au cinéma, mettons, puis glou, glou, glou, tu sais. Glou, glou, glou. Par rapport à tout. Ben oui, tu passes peut-être pas à l'aéroport. C'est correct. Aéroport. C'est correct, hein? Je me suis enfermé dans le mot aéroport. Ouais, c'est ça. Tiens, t'as de nombreux enfants. J'ai de nombreux enfants. Et tu veux garder l'œil sur ces enfants-là? Tout. Et aussi, t'aimes pouvoir les contacter en tout temps, mais tu veux pas qu'il y ait un téléphone cellulaire? Non, parce que ça, c'est les ondes, là, ça tue les... Je pense qu'il y a des ondes là-dedans quand même, mais bon point. C'est une montre, OK? C'est une montre que je sais pas comment tu vas leur faire porter ça. Il n'y a pas leur faire porter ça, ça marche pas. Donc là-dessus, il y a un module GPS, ça s'appelle la Mobile Phone Watch, d'accord? Donc, ça rend ta vie beaucoup plus facile. Il y a un module GPS et tu peux envoyer et recevoir des appels. Tu peux savoir où ils sont juste en appuyant sur un bouton. Il y a un module Bluetooth que ça va faire sonner une alarme aussitôt que ton enfant quitte un périmètre déterminé. Ça et s'il si quitte l'agent de clôture virtuelle, un peu comme un chien, ouais. Il va dégager pour chien. Il va avoir un choc électrique. Un choc électrique. Ça serait winner pas mal. Non, à la place, seulement, ça va t'envoyer un message texte. OK, c'est tellement moins intéressant. Mais c'est drôle comment donner des chocs électriques à un animal de compagnie est considéré comme normal, mais le faire à un enfant, la DPJ serait contactée automatiquement. Oui, c'est ça. Mais bon, il y a un mode, un bouton panique qui va envoyer les coordonnées GPS aux parents avec un message de style SOS. Et là, c'est l'enfant qui peut lui-même envoyer ce message-là. Tu sais, tu appuies sur le bouton, ça envoie ça aux parents. Donc, tout plein de fonctionnalités pour une montre qui ne coûte que 80$. Que 80$, j'ai tellement ça dans mon budget. C'est super, surtout hein? Si j'ai plusieurs enfants. Tant de bouches à nourrir. Ensuite, prochain problème, tu aimes faire du vélo. J'adore faire du vélo. Mais étant une fille, hein, c'est lourd, ben sec. C'est lourd. Commentaire déplacé du jour. Donc, il te faut une petite poignée de cuirette. Là, c'est du cuir, je pense que c'est du vrai cuir. Et que tu installes ça, tu sais, ton vélo, il y a comme une. En bas de la fourche, tu as comme un triangle qui rejoint la pédale. Ouais. Donc, tu installes ça des deux côtés, je sais pas si c'est avec des snaps ou quoi. Et puis, ça fait qu'il y a juste une poignée de cuir qui s'installe là où il y a ta pédale. Et tu peux facilement, beaucoup plus facilement, lever ton vélo et le monter, par exemple, au 3e étage. Ça. Pour vrai, c'est cool. Intéressant. Je trouve ça vraiment bien. Ça coûte seulement 30$. Et tout le monde est content. Ben très oui. Bonne idée. On est content. Moi, j'en veux au moins un parce que j'ai juste un vélo. C'est comme, c'est pratique, là, parce qu'on est une fille, puisqu'on n'a pas de. Non, il n'y a pas de sexisme là-dedans. Moi, je trouve que tout le monde serait content d'avoir ça. Ben oui, bon. Le gars, il pisse son orgueil, puis il l'utilise à la poignée, puis il va être bien content. Ah, c'est vrai, ses amis vont le juger. Hein. Ah, c'est ça. Maudite affaire. Parlant de juger des gens, qu'est-ce que tu dirais si un enfant, à la plage, utilisait un outil qui mélange pour lui le sable et l'eau? Question de mieux faire des châteaux. Je dirais que ça enlève tout le fun. Et voilà. Mais c'est le prochain produit. C'est le Spilling Funnel XXL. Hein, comme dans Extra Extra Large, j'imagine qu'ils ont différents formats. Donc, tu verses de l'eau d'un côté et du sable de l'autre. Ça va faire un genre de boîte. Et même dans les photos sur le site web pour l'annoncer, ça ressemble à de la boîte, leur affaire. Mais voyons. C'est pas beau. C'est pas un château. C'est même pas beau. Mais bon. Donc, tu verses ça, c'est comme faire du glaçage sur un gâteau, mais tu fais ton château, ça coûte 9$. Bravo. Déjà être lâche, tu sais, t'as 2 ans puis tu veux plus faire tes châteaux. Maudit paresseux. Maudit paresseux. Ah, quand même. Prochain gadget, je trouve ça cool aussi, contrairement à l'autre d'avant, mais bref. Il est cool, bon. Il est cool. Tu sais, des fois sur l'iPhone, t'as de la misère à taper. Moi, j'ai eu ça taper sur un clavier virtuel. Non, ben moi, c'est pour ça que je me suis acheté un semi... Imitation BlackBerry, là. Imitation, mais en fait, c'est ça, c'est que j'ai un clavier. C'est un LG. Oui. Ça imite le BlackBerry. Je l'aime bien. Ouais, ben, en tout cas, il doit aller mieux que celui à ma copine parce qu'elle a aussi un LG, c'est le Galaxy... excuse-moi, le LG Gossip. Ben, moi aussi. T'as-tu le Gossip 2? Ben non, moi, c'est le Pro, moi. Ah, ben c'est ça, parce que le original pas Pro, là, il vaut pas de la chenoute. Ben là, moi, j'ai le Pro, puis il va super bien. Elle aurait dû se garnir d'un Pro, hein. Mais en même temps, tu sais, moi, je vais pas sur Internet avec. Je fais juste écouter puis appeler. Bon. C'est peut-être ça la différence. Donc, bref, pour ceux qui ont un iPhone, mais qui aimeraient avoir un clavier un petit peu plus tactile, c'est une nouvelle idée, ça s'appelle le Spike. Il y a plusieurs modèles, le Spike 1, Spike 2, Spike 3. ce que c'est un genre de petit plastique. Ben, je sais pas si c'est du plastique, j'imagine. Mais ça vient comme se rajouter par-dessus le clavier. Et ça va comme toucher à l'écran et faire les touches pour toi, tu comprends? Oh. Donc, c'est juste la largeur du clavier, la hauteur du clavier. Ça se tasse, tu peux l'enlever pour être tactile. Quand tu veux le remettre, tu le refloutes dessus, tu tapes. Et là, il y a différents modèles. Comme je disais, le 1, c'est juste un morceau de plastique, de caoutchouc, je sais pas quoi. Le Spike 2, c'est fait de matériaux plus premium avec un genre d'accent métal brossé. Et le Spike 3 est en édition limitée aluminium. Mais les deux autres peuvent se rabattre et se coller en arrière de ton téléphone. Pour pas que ce soit dans les jambes, parce que okay. Le numéro 1, il fait juste ouais, flac ça, à flac sur le côté. Donc, 25, 40 ou 150 $ par étape. Là. Je trouve que l'idée est très, très bonne. J'irai peut-être avec le modèle. Je sais pas si le numéro 2 peut se coller en arrière sans être en... Je pense que oui. Je pense que c'est juste le Spike 1 qui est la version cheapo. Que tu, faut que tu le ranges à quelque part en attendant. Tu te le mets où tu veux, Alex. C'est pas très... Bon. Oh, ben, Colin, hein? Hein, c'était-tu facile, ça? C'était facile. Ouais. C'était facile, pas mal. C'est un projet sur Kickstarter en ce moment et ils cherchaient... le projet demande 75 000 $ pour être produit. Tu sais, sur Kickstarter, tu donnes... Oui, c'est ça. Si on a assez de fonds, ils produisent l'objet en question. Et tu ne payes que si on atteint le but. Si tu paieras pas si le but n'est pas atteint. Ils demandent 75 $ Il reste 29 jours. Ils sont à 61 758. Donc, très, très, très près du but. Avec seulement 688 personnes qui ont promis de donner de l'argent. Donc, ça va très, très, très bien pour ce concept-là. Il y a une petite vidéo. Si vous cliquez sur le lien, vous pouvez voir la vidéo de comment c'est dans le vrai monde, là, parce qu'on fait des prototypes. Là. OK. L'idée est géniale. Faut juste qu'ils puissent avoir l'argent pour en faire une quantité qui se veut industrielle. C'est exact. OK. Problème suivant maintenant. T'as de la misère à sortir ta glace. Tu sais, faire de la glace, ça veut dire mettre de l'eau dans le rack. C'est long. Transporter ça jusqu'au congélateur, tu renverses plein d'eau partout. C'est long, j'ai ça. C'est pas le fun. Non. Donc ici, on réinvente le système de la glace. C'est le Cube Tube. Le Cube Tube. Cube Tube. Premièrement, c'est pas en forme de cube, donc je comprends pas. OK. Mais sûrement que ça fait des glaces en forme de cube. Sûrement ça rime avec tube. Ah, ça doit être pour ça. Ouais. Donc, t'es fort quand même. Donc, t'as un tube de... C'est pas du verre, vous allez voir pourquoi, c'est du plastique. OK. Tu remplis ça d'eau, tu insères le restant du chose dedans. Il y a comme des petites fentes pour diviser ça en cubes plus tard. Tu fais congeler ça, et après ça, quand t'arrives, c'est congelé, tu tapes ça sur le comptoir. Attauk! Patauk! Patauk! Et après ça, tu soulèves et juste en tirant un peu, genre juste d'une coche, ça va faire tomber un bloc, deux coches, deux blocs, trois... Tu sais, tu comprends le principe? Ouais. C'est vraiment super beau. Bien fait. 8 $ c'est un autre projet qui cherche des fonds. Cette fois-ci sur Quirky. Et donc, la disponibilité n'est pas encore annoncée. Est-ce que ça nous dit combien de gens ont misé, ont donné de l'argent? Je crois que non, malheureusement. On dirait que Quirky est moins le fun là-dessus, mais bon, voilà. Donc c'est ça, ça s'appelle Cube Tube, un rack à glace vertical. Moi j'aime bien. Oh oui. Celui-là, je suis pas sûr. Par contre, tu sais, un bol, ça prend de la place. Tu sais, un bol, mettons, pour mettre des fruits, mettons. Ceux qui mangent des fruits, non. À la place d'avoir un bol, c'est seulement des genres de pâtes, ok. Ouais. Mais vers le haut. Et dessus, t'as un genre de, je sais pas, c'est du caoutchouc, mais c'est donc c'est plat, ok. C'est plat ce caoutchouc-là, un peu comme une trampoline. Imagine-toi une trampoline. Ouais, okay? Une trampoline, c'est une bonne image. Tu commences à mettre des oranges dedans, ça commence à descendre un peu. Tu mets plusieurs oranges, ça descend, et les pattes vers le haut vont tenir la toile de style trampoline pour faire un genre de bol. C'est pas fou, là. Non, c'est pas fou du tout. Ici, ils mettent des oranges et ça donne la forme de presque d'un bol. Et c'est cute, tu sais, ça fait parler le monde. 59 $ Ouais, c'est un peu... C'est un peu cher, hein? C'est un peu cher. Ouais, mais bon. Une belle affaire. C'est pour les riches, là. Pour toi, ça. C'est ça. Ou David Ferron avec son iPad. Ben oui, et son ordi. Et son iPhone, MacBook. MacBook Air. Donc, il pourrait servir du prochain gadget. C'était mon lien, comme du tout. Ah, OK. Bon. C'était pas une insulte envers David pour dire qu'il était riche. Non, c'est un lien. Ça avait l'air de tout ça. Oui, ça avait quand même. Donc, ton iPad et t'as aussi le Smart Cover. Tu sais, le Smart Cover, c'est la petite couverture que tu peux faire un stand pour le soulever, mais tu peux aussi, quand tu fermes la couverture, oui, qui est comme des aimants. Oui. Quand tu fermes la couverture, ça met ton iPad en veille. Quand tu l'enlèves, ça l'enlève de veille. Donc, le Smarter Stand pour iPad, ça augmente les capacités du Smart Cover. Donc, le Smart Cover qu'on aime tous. Ici, c'est un genre de petit gadget que tu viens insérer sur la couverture. La couverture est divisée en quatre portions d'habitude. Okay. Pour que tu puisses faire un genre de forme triangulaire. Ouais, là. Pour que tu puisses le mettre en angle. Prisme triangulaire, mettons. Un prisme triangulaire. Mettons. Ouais. Mais ici, ça te permet de racheter des options. Donc, tu peux mettre la petite plaquette, le genre de petit truc, un peu n'importe où, et tu vas pouvoir faire un stand à 45 degrés, tu sais. Mettons, avec le smart cover, c'est qu'il va falloir que tu fasses ton prisme triangulaire, peu importe, là. Et il va être très, très bas. Et tu peux pas le monter. Non, c'est ça. T'as pas de flexibilité. C'est toi qu'il faut que tu positionnes face à ton iPad. Tu deviens comme un genre d'esclave de ton iPad. C'est exactement ça. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu mets les deux petits gadgets sur les deux séparations entre deux différentes affaires? Ça va faire que tu vas pouvoir faire, bon, 45 degrés, puis tout ton smart cover et juste une petite pliure par en bas. Donc, ça va permettre de faire différents angles. Bon. Magnifique. Dure de façon de l'expliquer, mais ça paraît. Ta jambe. Tu vas pouvoir créer ton angle. Créer ton propre angle. Waouh, hein? Que de 2012. tiens, un nouveau gadget, on connaît tous, mais en tout cas, ceux qui se tiennent dans le domaine de la technologie connaissent le... et là, je perds le mot en disant que je connais ça. Là. Le iCade, qui était une façon de le placer ton iPad et le changer en genre de système d'arcade, OK? Ça existe déjà, le iCade? Oui, j'en avais entendu parler. Avec un joystick et tout ouais, ça. Oui, c'est ça. Ici, c'est l'équivalent, mais pour un iPhone. Il appelle ça le Game Dock. Allez voir les photos sur assemblagerequis.com. On peut brancher des manettes USB de NES, mais qui viennent avec. Là. C'est comme des manettes de Nintendo originales qui se branchent en USB devant le Game Dock. Et ton iPhone ou iPod Touch, j'imagine, va dessus. Et là, tu peux jouer avec ta manette de NES en te plissant les yeux pour essayer de voir ton iPhone de loin. Là. Ouais, c'est comme petit. Je pense que j'aimerais mieux le iCade tant que ça. Mais si vous avez un iPhone au lieu d'un iPad, ça pourrait fonctionner. C'est un projet Kickstarter. Qui est très très loin de son but en ce moment, en tout cas à la date de l'article. Il reste combien de temps On va aller voir ça. Présentement, il cherche 50. Ah ben il est pas si loin que ça. Il cherche 50 000 $. Il reste 35 jours et là on est à 34 600 $. Ça va bien. Oh, on devrait y arriver. Vraiment, moi je pense qu'on va s'y rendre et j'aime l'idée pour vrai. C'était pas du fait que l'iPhone c'est petit puis. C'est bon. C'est ça. Ouais, ça va peut-être un petit peu mal de jouer. Ouais. Tu reviens au Game Boy. Game Boy. Surtout un Game Boy, tant qu'à ça. Et on termine avec tiens, t'aimerais appeler Batman dans ta vie tous les jours. Je veux tout le temps appeler Batman. Mais encore mieux, t'aimerais appeler un mini Batman. Un tout petit Batman, parce que le mini Bat Signal, c'est comme un genre de mini signal pour Batman, mais c'est petit, ça. Oui. Ça envoie la lumière de Batman. C'est 1,5 pouces par 2,5 par 1,75. Ça vient avec un mini livre de faits intéressants sur Batman. C'est combien, ça? Combien? 10 $. Oh! C'est tu sais, pour envoyer ça sur le mur, mettons. C'est abordable, pas si drôle. 10 $. Sorting Geek! Calais. Ah, ben oui! On les aime. Passer une commande de 200 $ la semaine passée. Hey, c'est vrai, tu m'avais dit ça. Oui, je l'avais pas dit. Est-ce qu'on... Non, tu m'avais dit que tu avais commandé, mais tu m'as pas dit quoi tu avais commandé. Peux-tu m'en parler? Ben, je peux t'en parler certainement. C'est sûr qu'il y en a là-dedans, c'est des cadeaux que ma sœur a offert à plein de monde. Fait que je sais pas c'est quoi. Mais moi, je me suis acheté pour la maison. On n'a pas de crochet à clé. Alors, je me suis acheté un espèce de. Un bout de bois, un carré de bois qui est aimanté. Donc, quand je vais arriver à la maison, je n'ai qu'à poser mes clés dans le. Et ça va tenir sur. En fait, c'est ça. J'ai pas à accrocher mes clés, je n'ai qu'à aimanter mes clés. Hey, tu peux bien rire du monde par ça tantôt. Ce serait le fun si tu fais picher ta sacoche tant qu'à ça. Oui, ça serait le fun. Mais ce que tu fais déjà sur la chaise à cuisine. Ce qui est dommage, ben pas ce qui est dommage, là, on est deux, fait que c'est correct, mais il y a seulement 4 emplacements. Donc, si. Tu veux mettre d'autres clés, ça, tu peux pas. C'est et, petit, donc, le bloc. C'est tout petit. Juste... Ah non, mais tu sais, en fait, c'est une largeur d'environ une trentaine de centimètres. Okay. Et le bloc va vers le haut faire un angle vers l'extérieur. Donc, je vais pouvoir mettre mes lettres. Ah, cool! Ouais. Ah, j'aime vraiment ça. Donc, ça va être intéressant. Je me suis commandé une tasse à café. OK. Juste normal ou quelque chose de spécial? Il y a la molécule du café dessus. Ah, wow! C'est geek! Ah oui, c'est geek. Ça fait théorie du Big Bang, vraiment. Oui, un peu. Mais j'ai acheté aussi un T-Rex infuser. Pour dans le thé? Fond, c'est... Oui, c'est un... mais c'est ça, c'est pour le thé. Grosso modo, c'est un dinosaure. Et je mets mon thé à l'intérieur et je mets le dinosaure dans ma tasse. Wow! C'est fou, hein? C'est bon, j'aime ça. Qu'est-ce que je me suis acheté d'autre? Et je m'en rappelle même plus. T'as pas encore reçu... Je l'ai vraiment pas encore reçu. OK, c'est long. Mais j'ai commandé d'autres trucs aussi. Ah oui, je me suis commandé des aimants à Frigidaire. Fuck this shit. Get shit done. Et... Ouais. Ah oui, puis je me suis commandé un timer qui est en fait comme l'espèce de cadran d'un coffre-fort. Oui, je l'ai vu, celui-là. Tu fais ta combinaison, mais dans le fond, ça te donne le temps. Dans le fond, c'est le temps. Comme faire des œufs, mettons, à la coque. C'est ça. Puis il est aimanté, fait que tu peux le mettre sur ton frigidaire. Aïe, aïe. Ah, ça, c'est le fun. Ouais, c'est ce que je me suis acheté. C'est très cool. Non, mais pour vrai, t'es geek, tu vas là une fois par, de temps en temps. Ah oui, puis en fait, c'est, là, ils ont un spécial. Ouais. Ben, je sais pas si c'est normal. Ils ont tout le temps des spéciaux. Mais c'est 75$ et la livraison est gratuite. Parce que c'est élevé un peu, mais quand tu vas là-dessus, tu t'arrêtes pas de penser. C'est assez rapide. Puis en fait, c'est des trucs qui sont pratiques. Ouais. Tu peux facilement t'acheter des trucs pour la cuisine ou j'avais vu une espèce de bouilloire infuseur que tu retrouves au David's Tea. Donc, tu peux te l'acheter là. C'est super... Il y a des produits pas juste faits pour Tingeek. Okay. Exactement. Et moi, ce qui m'a beaucoup freiné souvent à Tingeek, c'est que la livraison est chère. Quand tu achètes seulement 50$ de produits, la livraison en est quasiment la moitié du prix, donc 25. Et en plus, ça n'a pas l'air très rapide non plus. Non, et moi, j'ai des amis qui ont eu des problèmes. Là. Oh. La commande n'a jamais parti. Ça donne quasiment envie, ça? Ouais, mais en fait ils l'ont remboursé. Là. OK. Mais elle n'a pas recommandé parce qu'elle était comme déçue. Fait c'est, que, ça. C'est ça. Donc, il y a quand même eu, mais... Quand tu te mets en groupe et que tu commandes, oui. Tu peux facilement aller chercher un shipping qui est gratuit, donc une livraison gratuite, ça vaut la peine. Ouais. Et j'espère qu'un jour, ils vont sortir un Tingeek Canada, parce qu'il y a plein de sites comme Amazon.ca qui offrent du shipping gratuit au Canada. Ouais. Une version locale, ça serait très apprécié. Ben oui, parce qu'en fait, c'est le fait que c'est au Canada que ça coûte cher, parce qu'aux États-Unis, ça coûte pas aussi c'est cher. C'est ça, exactement. Donc voilà pour les suggestions de choses à s'acheter. Hein? Bonne dépense. J'espère que vous avez eu votre paye, je sais pas. Oui, on a eu de la paye. Pas tout le monde. Ah non, ben non, pas seulement fait du paye. Ah, que d'inside. Il nous reste les positions 2 et 1 à entendre. On va tout de suite aller entendre la position numéro 2. C'est celle d'Ariane Moffat, l'homme dans l'automobile. Et ça, si je me rappelle bien, c'est la chanson qui commence de façon interminable. Oui, donc on va devoir converser en attendant le début de leur chanson. Parce qu'on peut pas tout de suite le dire numéro 1. Dire le numéro 1. Non, ça va être tantôt, ça. Ben en fait, si nos auditeurs nous ont bien écoutés, on a nommé les deux. Mais c'est ça l'affaire, c'est comme un genre de meurtre et mystère, tu sais, mais personne se tue. À part les Japonais dans leur forêt, mais ça fait trop longtemps qu'on en a parlé, personne s'en rappelle. C'est tellement pas bon comme gag, Mathieu. On appelle ça des callbacks. Ah, ouais. C'est pas fort. So call me maybe, non? Non. Non? Call me maybe. Les gens comprennent pas ce que ça veut dire, call me maybe. T'sais. Call me maybe. Comme, ah, là, pourquoi m'appeler peut-être? Je veux dire, Carly, c'est un bon nom, tu sais. Appelle-moi peut-être. Peut-être, genre, appelle-moi si t'as envie, peut-être. Ben, c'est ça. C'est juste si ça te tente. Là. Mais finalement, le gars, il est gay à la fin de vidéo. Ah, pour vrai? Ah, ça, je sais pas ça. Ben oui, il a donné son numéro au guitariste. Ah, c'est cute. Ben oui. La fille, elle trouve sa place. Ouais. En effet. Il a écrit une toune, finalement, il est gay, tu sais. Si. Voyons. C'est poche. C'est quoi, là? C'est en bédaine tout le long du clip. J'ai un de mes amis qui a analysé le clip et il a dit on peut pas partir une tondeuse comme qu'il fait. Ah non? Ça se fait pas? Ben non, il dit il a oublié d'allumer un bouton, la tondeuse est pas censée marcher. Hey, ça arrive tellement tout le temps, ça. En tout cas, hey, ça commence. Bonne chanson. À la prochaine. À la prochaine conversation. Noir, mes yeux roulent encore. Et c'était Ariane Moffat avec L'homme dans l'automobile en position numéro 2. Donc, il a fait une bonne hausse puisqu'elle était au numéro 5 la semaine dernière. Ouais, c'est bien trop vrai ça. Ariane Moffat, L'homme dans l'automobile, qui commence tellement lentement. Quand même. Et comme Starly, on dirait. C'est pas évident. Ouais. Peut-être que je ferai ce jeu de mots-là si le numéro 1 me manque. Pareil, je pense à ça. Jeu de mots, tu sais, on n'est pas de même. On n'est pas des. On n'est pas comme des. Tu sais, comme sur Twitter, tu sais. Il y a des politiciens sur Twitter qui se font apparemment dire des. Ils disent des affaires que le monde n'aime pas même dire, tu sais. Twitter qui est un oiseau. Hein? Ouais, qui est un oiseau. Fait qu'ils se font traiter, tu sais, maudite canaille! T'sais? Ouais, donc vous aurez compris que. Que c'est canaille qui est en. Que c'est canaille qui est au numéro 1! Parce que j'osais pas faire des jeux de mots sur bien-être, tu sais. Non. Parce que je me serais senti inconfortable, donc j'aurais pas été très très bien. Dans ma tête, j'ai moi, j'aurais pensé que tu aurais fait un jeu de mots avec ceux qui se pendent dans la forêt. Ah oui, les Japonais. Ils doivent pas être bien. Être bien, exactement. Il y a aussi une série télé qui s'appelle Être humain. Hein? Oui. Being human. C'est Being ça? Human, oui. Donc, une fille qui n'existe pas vraiment. Hein? Qui n'existe pas. C'est un fantôme. Ben oui, la fille est un fantôme. C'est pas un spoiler, là, c'est le même dans. C'est ça. C'est un fantôme, un loup-garou bien vampé. Eux autres, ils se sont dit, on va tout mettre dans la même émission et ça n'a pas le choix d'avoir du succès. Ben moi, j'ai écouté juste la version. Britannique. Américaine. Américaine. Non, j'ai pas écouté la version britannique. Tu vois. Mais en fait, c'est celle qui passe à Addict TV. Oui, Addict TV, tu sais, une chaîne qui a changé de nom, mais qui, tu sais, en même temps, c'est l'air maudit Addict. Hein? Oui. Tu sais? J'ai le mot dick dedans. Ben... ça marche pas. Ben oui, mais là. Dick TV, c'est la télépénis, là, c'est ça? La ça? Télépénis. Ben oui. Mon processus. Tu sais, mon cerveau est très, très. Tu sais, essaye de trouver d'autres jeux de mots parce que tu peux pas arrêter. Puis le nom de l'album, c'est Manger du bois. Oh my god. Addict. Du bois. Pas fait en bois. Manger du. Oui, j'ai. Wow. Wow. Hein? Les amis, on va aller écouter Bien-être de Canaille, qui est en première position cette semaine. Une belle hausse, puisqu'il était en troisième position la semaine dernière. Parfait. Addict! Je trouve bien drôle, ça. Secondaire, over and over encore. Tu pensais que j'avancerais dans la vie, que je maturais? Non. Non. Yeah. c'était la position numéro 1 du palmarès francophone. Avant de dire le numéro 1, on va lire les paroles. Attention. OK. Ça me tente pas de faire la litière, fait que le chat, il chie à terre, ça gâche mon mood matinal. Il y a de la marde dans le Journal de Montréal. J'ai recyclé tous mes bas, je les ai revirés de bord au moins 2-3 fois. Quand ils sont comme des Humpty Dumpty, je prends ceux de la semaine passée. C'est excellent. Donc, numéro 1, qu'on dira tantôt, on va faire un résumé avant ça. Mais oui, alors, en 20e position, on avait HD. C'est pas le top 20 au complet. Non! C'est très drôle. Mais non! Ça aurait pris la demi-heure au complet. Oh, on est à l'avance aujourd'hui, on va faire le top 20. Ça, je me suis dit de toute manière. On conserve le top 5, ça te va? OK, c'est bon. Numéro 5, Grimmskunk, avec Souriez, vous êtes filmé. Numéro 4, Métropole, avec Odionno. C'est encore drôle. Numéro 3, les Breastfeeders, avec Ce sera pas un jour comme les autres qui montent de 3 places. En deuxième position, c'était L'homme dans l'automobile d'Ariane Moffat. Et en première place, c'est Canaille qui monte de 2 avec bien. C'est moins long que le top 20, mais moins intéressant, je trouve. Un petit peu moins. Top 20. Dale Chuck, and Clapture Town, Jovialisme et Pierre, sur Radio, Radio avec Podcast, Maison Brume, Motel Morphée, Reine de France et les Papillons, Jalis Plus, Simon Kingsbury, Lisa Leblanc, Chinatown, Grim Skunk. J'avais déjà dit. Et voilà. Hey! On l'a fait, le top 20. C'était pas si long que ça. Bon. Veux-tu qu'on fasse l'anglais? J'ai pas beaucoup de chialer. Qu'est-ce que je disais? Oui, avant de continuer. Et de finir, parce qu'on a un petit peu de lousse, et tu sais, on a rarement du lousse de ces temps-ci. Mais là, on en a. On pourrait utiliser le lousse pour faire des choses comme écouter plus de musique, tu sais, jaser. Mais ce qu'on va faire à place, c'est faire le contenu que je garde dans mon blog depuis 3 semaines, mais que je fais pas par manque de temps complet. On se gâte un peu. Voici une chronique Cynix. La chronique Geek CNX, on commence avec un blog que j'ai trouvé. En fait, c'est un petit Tumblr. Tu sais, les Tumblr, c'est toujours des blogs bien faciles avec une petite mission bien simple. Celui-là, c'est le blog facemath.tumblr.com. C'est qu'on prend différentes vedettes. Ça peut être 2, 3, 4 vedettes. Et on les additionne ensemble pour montrer qu'est-ce que ça donnerait comme vedette. Mais une autre vedette qui existe vraiment. Donc, c'est vraiment des vedettes qui existent, mais plus des vedettes qui existent, il y a une autre vedette qui existe. Par exemple, la chanteuse country Reba McEntire, oui, mixée avec l'humoriste Andy Dick, ça donne Kathy Griffin. Mais évidemment, il faut comprendre les références américaines. J'essaie d'en trouver qui ont peut-être un petit peu plus de répercussions au Québec, là. Des gens qu'on connaît. Qui c'est qu'on connaît là-dedans? C'est des vedettes par rapport que personne ne connaît. Mais c'est le principe qui est le fun. J'en trouve pas, littéralement, je ne trouve pas une seule combinaison où je connais les 3 personnes. Ah ouais? C'est drôle quand même. Mais tu sais, pour réussir à faire une formule mathématique, il faut que ça se tienne. Il faut que ce soit des personnes qui ont une face d'un certain genre. Et puis, c'est pas toujours des gens tout à fait connus. Ben bon. Non. Allez voir ça, facemath.tumblr.com. Entre autres, on retrouve Emma Stone. Il y a des vedettes connues, mais c'est les autres personnes autour qui sont moins connues. Matt Damon. Reese Witherspoon est là-dedans. Donc, on additionne. Ron Paul, le politicien Ron Paul. Tout le monde est là, mais dans différentes additions. Ben, voilà. C'est ça. C'est facemath. Ensuite, une vidéo stop motion. Est-ce que je l'ai ouvert ici? Non, je ne l'ai pas ouvert, je vais te le montrer en même temps. C'est une vidéo stop motion filmée avec 500 filles différentes. Je baisse le volume parce que c'est une chanson pas importante à entendre ici. Donc, le gars prend une photo d'une fille avec un iPad devant elle. OK. Et ça change à chaque millième de seconde. Et chacune des images sur l'iPad ainsi que chacune des filles qui tient l'iPad ont été prises dans un même pain. Donc, la vidéo qui joue dedans n'est pas une vidéo-vidéo. C'est l'image. C'est l'image. Par image. Donc, c'est drôle, ça. Donc, il faut l'écouter plusieurs fois là, pour bien saisir tout, parce qu'il faut que tu regardes non seulement les filles, mais aussi le vidéo qu'ils sont en train de jouer sur l'iPad. T'as tout compris, particulièrement les filles. Bon. Et donc, c'est Abe Bentel qui a fabriqué cette vidéo-là, créée par Orin Hastings. Et c'est plutôt génial. Voilà. Ensuite, comment faire exploser l'Internet? C'est un petit signet que vous allez ajouter à vos bookmarks là, sur Firefox ou n'importe quel furteur Internet. Et quand vous allez utiliser ce signet-là en allant sur un site web, vous allez pouvoir faire exploser la page. Donc, n'importe quelle page, vous allez sur une vidéo YouTube. Ça va exploser. Ça explose dans votre face. Ça s'appelle The Font Bomb. Le lien est sur assemblagerequis.com, bien évidemment. Ensuite, t'as peut-être vu cette vidéo-là. Moi, je l'ai trouvé vraiment cool. Et comme vlog et porno de l'été pour vous en parler, me voulant entendre vous le dire. C'est la vidéo de... En fait, je pense que celui-là, on va se garnir du son un petit peu. C'est le gars qui a une conversation avec lui-même et je trouve que c'est vraiment bien fait. Je l'ai pas vu, mais je l'ai vu passer sur mon fil de news. Tu l'as vu passer, mais tu l'as pas regardé. J'ai pas regardé, franchement. Donc, c'est un gars qui a une conversation avec lui alors qu'il avait 12 ans. Donc, c'est vraiment un travail de 20 ans. Alors, j'avais baissé le son pour l'autre tantôt, c'est pour ça la fin. Voilà. Ah, que c'est cute. Donc, il y a 20 ans, il s'est enregistré devant sa caméra vidéo en laissant des pauses pour que le lui du futur puisse en rajouter. Donc, les années changent, montent, on voit des extraits du gars à chaque année. Il a l'air drôle, le gars. Il a l'air fin. Donc, 2012, voilà. Il trouve la cassette, il l'insère dans le magnétoscope. Old school. On l'écoutera pas au complet parce qu'on comprend rien. Hi, Jeremiah. Hello, Jeremiah. You look different. No shit. Yeah, I'm 12 years old. How old are you? 32. Ah. Yeah. You look older. Well, thank you. Older than 32, you mean? Yes. Oh, even better. Good. C'est son ton sarcastique et sec que j'aime beaucoup. Évidemment, je te laisse écouter dans ta vie privée. Ben oui, je vais l'écouter dans ma vie privée. Mais dans ta vie privée. C'est toujours une façon très drôle de dire les choses. Dans ta vie donc voilà pour ça. C'est vraiment très, très bon. Pour vrai, je le recommande énormément. C'est sur assemblagerequis.com. J'aimerais bien vous le traduire, mais je n'ai pas la tête à traduire des choses en ce moment-là. Ensuite, une forêt Lego. Version dans la vraie vie. Vie de tous les jours, vie privée. Dans la vie privée. Donc, vraiment, c'est pour célébrer le 50e anniversaire des Lego en Australie. Ils ont planté, ben pas planté, ils ont installé des arbres comme dans les Lego, tu sais, des petits arbres avec les étages. Ouais. C'est très cool. Ouais, c'est drôle. Je vais faire la chronique sur cet ordi-là, tu verrais plus. Ben, oui, la prochaine fois, je ferai ma chronique sur cet ordi. Mais non, mais il y a un bar à Montréal qui est fait en Lego. Oh non, pour vrai, arrête. Oh, c'est dommage cool. Oui. C'est le Candy Bar sur le Mont-Royal. Il n'y a pas là d'utiliser le mot Lego parce que c'est copyright Lego. Ben, je sais pas, mais au Candy Bar, en fait, le bar tel quel, le bar où est-ce qu'on sert les trucs, qui est fait en Lego. Dans les toilettes, il y a des télés avec Baby. Bobby. Betty Boo. Betty Boo. Betty Boo. Je sais pas. Betty Boo. Et les drinks sont tous à des saveurs de bonbons. J'ai pris un drink à la barbe à papa. Aïe, aïe, non, c'est génial. C'est vraiment débile. Et tous les serveurs portent des faux cheveux. Ils portent pas des faux cheveux, mais ils ont une espèce d'habit. Ils ont un espèce d'habit de cartoon. Ou blague secondaire, tous les gens qui servent au bar sont des amputés puis ils ont des faux bras qui peuvent enlever puis mettre, non. Non, là, tu viens tout là de... C'est plus drôle. Merci. Parce que j'ai déjà été drôle. Mais parlant de choses qui sont drôles, et Simon est pas là pour l'entendre, mais la semaine passée, on avait parlé du fait que Arrested Development, Les Nouveaux Pauvres, la série télé... Ouais. Bon. Très, très drôle. Oui, je l'ai pas vu, mais je devrais le voir. Il faut absolument que tu vois ça. Et on avait dit que ça revenait. J'avais dit que c'était sur Netflix et tout et tout. Et par le fait même, genre la journée suivante ou je sais pas trop quoi, ils ont posté sur Twitter des photos du tournage. Ils sont ensemble en train de tourner les épisodes. Bon. Donc, c'est génial. Ils vont commencer à filmer dans 4 semaines, mais ils ont déjà commencé à se rassembler pour écrire l'émission. Donc, les créateurs et les vedettes. Donc, voilà. Allez voir la petite photo Twitter. Moi, je suis très excité. Ensuite, un autre blog, toujours des plus stupides. Et celui-là, j'imagine, existe depuis longtemps parce qu'il me semble que j'ai déjà vu ce nom-là. Mais j'ai déjà jamais allé le voir et je trouve ça cool. C'est awkwardstockphotos.com qui est les sites de photos que tu peux acheter. Tu peux acheter des photos, tu tapes un mot, mettons, puis ils vont te donner des photos. Tu vas pouvoir les acheter pour X dollars chaque. Pour faire des affiches, des trucs comme ça. Donc, awkwardstockphotos.com, ça trouve des photos que personne ne va jamais aller télécharger, que tu te demandes pourquoi quelqu'un a eu l'idée de prendre cette photo-là. Par exemple, un gars qui se met les bras autour de lui et qui va repogner ses pieds en étant assis en indien. T'sais. Comme, pourquoi tu voudrais ça? Pourquoi tu voudrais d'une femme qui frappe un clown avec son pied? Pourquoi? Je sais pas du tout. Pourquoi est-ce que tu voudrais une main qui est composée, que chaque doigt est une main en tant que telle, tu sais? Chaque doigt est une main dans ta main. Mon Dieu, ce serait bizarre. Pourquoi tu voudrais ça? Pourquoi tu voudrais un gars assis dans son divan avec sa tête, c'est un chien? Pourquoi? Hein? Pourquoi tu voudrais une fille enceinte que sa bedaine sort vraiment beaucoup et qui fait un signe genre full rock et avec un drapeau américain dans les mains, t'sais? Voilà. Donc, c'est le blog. Pourquoi? Awkward Stock Photos, j'aime bien ça, même si je ne vous apprends sûrement rien là-dedans. Ensuite, on y va avec les autres affaires qui n'ont pas de vidéo. On garde les vidéos pour la fin. Saviez-vous, et là, je l'ai appris, moi, cette semaine, et ça me fait exploser l'intérieur de la tête, c'est que dans Super Mario Brothers, Mario Bros. Oui. Savais-tu que Toad, le petit bonhomme là, qui s'en va chanter? Mushroom. Savais-tu qu'il est chauve? Non, je savais pas ça. Parce que dans les dessins animés de Mario, tu sais qu'il y a eu les dessins animés de Mario, plusieurs, on le voit, il est chaud, il a seulement comme 3 cheveux qui sortent du crâne. Je sais pas s'ils ont inventé cette raison-là de porter un chapeau dans le dessin animé ou c'était une convention que dans le petit livre guide de quoi faire avec les personnages de Mario, il y a la chose. Aucune idée. Et on le voit aussi avec des cheveux de Skrillex, si jamais ça vous tente. Ça a été rajouté, je pense. On a du temps pour les vidéos un petit peu. On commence par des vidéos chantées par la langue dans les Sims. Tu sais, dans les Sims, tout le monde chante en ce qu'ils appellent le Simlish. Ouais, moi, je trouve que ça sonne comme l'allemand. Là. Ah, ben peut-être, en effet. voici Matt and Kim, le groupe avec Zoé Deschanel, en train de chanter du Simlish. Je trouve que ça approche bien sonner. Ah, l'allemand, je le vois, là. Ben, si tu sais pas que c'est du Simlish, en effet, ça peut être n'importe quoi. Et si t'écoutes pas vraiment la musique, quand tu écoutes la musique, tu pourrais penser que c'est juste de l'anglais. C'est comme Réal Bellan et sa chanson. Réal Bellan, en fait, une chanson, là, ça fait peut-être 5 ans, là, où est-ce qu'il a placé plein de mots d'anglais qu'il trouvait que ça sonnait bien. Ah, mais... cool. Ah, c'est drôle. Ça fait vraiment une toune. Tu chantes, c'est tout des mots anglais, puis t'as l'impression que... Donc, les auditeurs auraient comme pensé que c'était une bonne toune, un peu comme tantôt avec les Lonely Island, personne ne comprenait rien. C'était comme une chanson de Réal Bellan, pour eux autres. Ben oui. Donc, sur la page sur assemblagerequis.com, il y a aussi une chanson de l'excellent Jason Derulo. Il y a aussi Lady Antebellum, Kimbra de Chose Gauthier. Oui. Gauthier, excuse-moi, l'accent simliche et me perd des fois. Et Fun, leur succès radio énorme. Là. C'est pour ça que j'ai choisi du Matt and Kim, parce que ça fit ici. Bon. Il y a une autre vidéo à vous montrer, c'est les orang-outans qui apprennent à utiliser un iPad. On écoute la vidéo en direct en studio, même si l'audio n'est pas important. C'est seulement l'image, donc allez voir. Donc, il n'y a pas seulement les humains qui ont envie de toucher à un iPad dans la vie. Non, les orang-outans aussi. Et là, on nous parle de Jungle Island Zoo, où les orang-outans utilisent des iPads. J'attends que les textes apparaissent pour les lire. Donc, ils sont capables d'utiliser des applications pour les aider à communiquer avec les gens qui viennent s'occuper d'eux au zoo. Ils peuvent identifier des parties du corps et de la nourriture facilement. Et là, les gens du zoo aimeraient leur faire choisir leur propre menu de nourriture dans le futur avec un iPad. C'est pas parce qu'ils parlent pas anglais et français qu'ils sont pas intelligents. Non, c'est ça. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est quand même le cas. Et maintenant, ils peuvent choisir leur propre collation. Donc voilà, c'est l'histoire des orang-outans qui utilisent des iPads. Et finalement, arrêtons un instant la chanson de Matt and Kim pour aller entendre des bruits de technologie ralentie. Qu'est-ce qui se passe quand tu ralentis des choses, par exemple? Et là, j'essaie de pas te montrer ce que tu as vu le nom. Non, tu vas devoir deviner c'est quoi, OK? Ça a été ralenti de 18 fois. Pardon, 8 fois. Pas 18, ce serait bien trop. Est-ce que ça dit quelque chose? Non. C'est un modem. C'est Peter! Pour de vrai? Ouais. En 8 fois moins vite. Ça sonne bien? Ben oui, mais c'est ça. C'est comme, on dirait, de l'espèce de musique électronique. Oui, tout à fait. Exactement. Ensuite, il y a le prochain. Tiens, encore une fois, regarde pas ma page. Parce que je regarde pas ta page. Je regarde pas ta page. T'es correct. OK, prochain son. Ah, une autre note. Je sais pas. C'est le bruit d'ouverture de Windows 95. Est-ce qu'on est capable de limiter le vrai? Non, je me rappelle pas. Je m'en rappelle plus. Windows. Ça fait longtemps. Non, je me rappelle plus. Attends, peut-être que je l'ai ici. Attends un petit peu. Non, je l'ai pas. je sais pas. Ce serait trop long à chercher, je pense. Non, ça marche pas. Prochain, tiens. Ah, un autre son d'ouverture. Ah, lui, on le reconnaît. Parce qu'il y a plus de notes. Là, c'est comme l'ouverture de Windows. XP. XP, c'est ça. OK. Sinon, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qu'un son d'ouverture? Parce que c'est un petit peu plate. Celui-là, c'est quand même pas si pire. Là. Moi, je le reconnais parce que je l'ouvre souvent. Là. C'est encore un son d'ouverture, mais pas d'un ordinateur. Il est déjà plate, leur son d'ouverture. PlayStation 3. Ah! Ouais. Bon, mais je sais pas, je l'ai ouais. pas. Oui, en fait, je l'ai. Ben, ouais. c'est pas moi, mais. OK, dernier. OK, dernier. Non? Apple? Ouais, c'est ça, t'en as pas. Ok, j'ai regardé sur ton ordi. C'est ton iPhone. Je vais vous faire entendre l'original juste pour comparer parce que celui-là, ils l'ont linké. Là. Mais ralenti 8 fois. Tu l'as déjà entendu 1 million ben, de oui. fois. On ne peut pas s'en sauver de ce maudit son de l'iPhone. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ça. Ouais, on va pouvoir se quitter là-dessus. Je voulais nous démarrer une petite conversation. Juste une question quiz là-dessus, rapidement. Combien oui. tu penses que c'est... Combien de temps est trop de temps avant de répondre à un message sur Facebook? Je sais pas. Je sais pas. Dans ta vie, c'est plus ton opinion que je voulais savoir. En fait, tu veux dire moi, ça me prend combien Toi? De temps? Non, et combien de temps tu penses que c'est trop de temps? How long is too long? You know what I mean? Une semaine? C'est... 2 semaines? 3 jours? 2 jours? 1 jour? Ça dépend, c'est qui? Exactement. Moi, des fois, ça me prend 2-3 semaines, puis je me sens vraiment mal. Des fois, aussi. Je dépasse tellement le temps que je trouve convenable, parce qu'on a tous une échelle dans la vie qu'on trouve convenable. Tu te dis des fois, bon, après peut-être 4 jours, je répondrai pas, parce que là, j'ai l'air d'un épais qui a pris 4 jours. Oui, qui a pris 4 jours à répondre, c'est ça. Des fois, quelqu'un t'envoie un message texte, c'est la même chose. Mais ça dépend, mais moi, des fois, c'est juste parce que je l'ai vu, j'ai fait, ah oui, je vais y répondre. Puis finalement, j'ai oublié. Exactement, moi puis aussi. Puis là, il est déjà lu, là, il est plus marqué. Là. Ben, il est marqué, mais je vais pas voir. C'est ça. Mais le pire de nos jours sur Facebook, je sais pas si vous avez remarqué, je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Maintenant, c'est ça marqué, dit. C'est marqué, mais oui. Ça dit, la personne a lu ce message-là, je tu peux plus ça, te cacher. Je suis pas contente. Non, mais c'est pas correct de faire ça pour moi. Mon amie, par exemple, elle a trouvé la solution. Ben, en fait, elle l'a pas trouvé. Pas. Non, mais c'est qu'elle, elle reçoit par email. Donc, elle peut lire dans son courriel. Oui. Oh, oh, oh! Puis là, elle peut décider de pas répondre. Ah, c'est fort. Ça ne tente pas. Moi, ce que je fais, et là, je dévoile mes secrets. Certains vont peut-être être offusqués, ceux que je réponds pas. Salut, Michel Deschamps. ça sent bien, je vais répondre. C'est que quand tu cliques sur le petit bouton à côté du logo Facebook, il y a un petit menu qui ouvre. Tu peux voir le début du message, mais ça ne le marque pas comme étant lu. À ce que je sache. OK. Donc, je peux lire le message. Bon, par exemple, bonjour, Monsieur Plante, j'aimerais savoir. Là, tu sais pas c'est quoi qu'il y a finalement. C'est ça. Ouais, non, en fin de semaine, je te réponds. C'est vendredi passé. Hey, ça date de vendredi passé. Parce qu'il faut que tu y répondes. Je viens de dépasser mon propre barème psychologique. Et mon tas. Ça veut dire que j'y répondrai pas? Non, c'est pas vrai. Alors, tu vas y répondre. Oui, je vais te répondre là, tout ça. Voilà pour cette édition de la vie de croiseur d'assemblage requis. Je pense qu'on devrait terminer là-dessus. Oui, c'est une bonne fin. Une bonne petite fin, je trouve, moi, de finir sur des moments inconfortables de ma vie. Quand je réponds pas à des messages, puis je me sens mal. Ben oui. En passant, notre amie Justine Renaud va être de retour la semaine prochaine et elle nous a avoué, étant donné qu'elle n'a pas été là pendant quelques semaines de temps, elle va être là la semaine prochaine, l'autre après et l'autre après, 3 semaines de suite pour compenser. Donc on a très hâte avec sa chronique Les Béton. On remercie tout le monde qui a participé à l'émission d'aujourd'hui. Est-ce que tu m'aides un petit peu? Oui, il y a eu Jasmine Raymond-Drainville. Il y a eu David Ferron. Il y a eu Simon Fitzbay. Et je crois que c'est tout. Ben oui, mais il y a eu toi, Mathieu Plante. Il y a eu toi, Alexandra Carignan. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois cette semaine. Ça fait plaisir. Merci à tous nos nombreux requins qui nous écoutent tous les jeudis en direct entre 13h et 17h. Ce qui nous suit à 18h, c'est l'émission Rock Révélé avec Serge Nadeau. On repasse les samedis entre midi et 16h. Après nous, c'est pas Cancun. Mais oui, avec Maxime Tanguay et Pascal Chalette-Janson. Et pour terminer, le lundi entre 15h et 19h, restez à l'écoute à 20h. C'est un genre de bleu avec notre ami Simon Fitzbay. Passez par assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusion. Passez une excellente fin de semaine ou semaine, Alexandra. Oui. Toi aussi, Mathieu. Je me penche devant toi. On dirait que je plongeais quand j'ai fait ça. C'est pas mal, on plonge. On est sur un bateau de croisière. Ah ben, jetons-nous à l'eau. Ah, ouais. Qui va faire la technique pour envoyer la pub après ça? Je sais pas. Ouais. T'es irremplaçable, Mathieu. Merci. C'est littéralement, il n'y aurait pas d'émission en ce moment si c'était pas de moi. Non. Ben non, effectivement. Ce serait peut-être meilleur, mais... Mais non. Oh. Je peux même pas t'insulter, tu t'insultes toi-même, là. Tu me voles, mon... T'aurais aimé ça. Eh oui. C'est ça. Hey, bye-bye. Bye-bye. Bonne fin de semaine, tout le monde. Approche. Une chance que... Notre bateau, il est pas très haut, mais... Il me semble que j'avais donné une bonne fin de mot. Moi, je pense qu'on pourrait rester comme ça facilement, ou on pourrait, encore une fois, on pourrait faire semblant d'être parti... Comme un sketch, comme quoi. Ouais, faire semblant d'avoir oublié le micro ouvert. Le faire, ça. Ouais, c'est ça. Puis là, non. Ça marche pas. Ben, ça marche, mais. En fait, tout marche. C'est juste pas drôle. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est bon? c'est la question. Non, ça l'est pas. Oh, mais je m'en vais, là! Même si tu le répètes plus de fois, ça marche pas. Ben non! Comment je t'ai coupé? Ça finira jamais. J'ai dit au revoir à tout le monde. Une fois qu'on a commencé, ça finit plus.